Numéro 1 de la fun list ce soir, Oumet Oskan. Quasiment 20h, c'est l'heure de retrouver l'équipe de Mickaël No Limit. Bonsoir. Mais quel talent. Ah, tu trouves aussi. Presque en avance et tout, là, la grande folie. Hein. Bon, voilà. Alors, je suis presque limite perturbé, là. Bah, surtout perturbé par ta tenue, mec. C'est un, ça devrait être interdit. Non, ouais. Mais tu devrais être pendu sur la place publique. Pourquoi je vous rends un petit peu avant 20h? Parce que là, je suis en vacances, je m'en vais à Toulouse. Ah bah, et génial. Ne raconte pas trop ta vie. Tu racontes ta vie, effectivement, ouais. Mais tu finis pas la semaine. Non, non, lui, non. Ça arrête en plein milieu, il en a rien à foutre. Ça bien. Y est, je suis en vacances. Bah ouais, non, bah écoute, c'est bien, normal, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et mon short avec des effets de palmier, ouais, surtout prends-le avec, alors surtout n'hésite pas. Hein. Bon, allez, JB, 1, 2, bon vacances, bonnes vacances. Hein. Bisous. Allez, salut à vous. Ouais. Mais c'est parti, là, on est en direct jusqu'à 2h du mat' sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Monsieur, je veux juste savoir ce que vous aimez porter comme sous-vêtements. Non, mais tu veux pas que je t'encule? Mais pas du tout, monsieur, enfin, un petit peu de calme. T'as envie de te faire enculer? Non, monsieur, je voudrais que vous répondiez à ma question. T'as envie de te faire sodomiser, du coup, avec un marche emballé, ça te plairait? C'était avec un de mes ex, pendant une fellation, il m'a touché la tête, j'ai horreur de ça, et j'ai eu un petit accident technique, je l'ai mordu à sang. Waouh! Ah, c'est bon, ça. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live. Sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, pas de foot. Enfin si, on va vous filer vos maillots de foot évidemment. Mais il n'y a pas de match ce soir. On se retire parce qu'avec toute l'émotion qu'on a eue hier là. Ah oui, oh là hier là. Soir, si vous étiez là en fin d'émission là, pff, oh, avec dur, le match entre dur. La Belgique et les États-Unis, c'était chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. Et on suivra évidemment les quarts de finale avec la France vendredi. On sera pas à l'antenne, mais c'est pas grave. La France contre l'Allemagne vendredi. Et puis la Belgique face à l'Argentine samedi. Voilà, on vous tiendra au jus de tout ce qui se passe, bien sûr, comme d'habitude. Bon, on aura donc des cadeaux ce soir comme promis, comme tous les soirs de la semaine, on est là, on va délirer ensemble de 20h à minuit, puisque je vous rappelle que pendant que certains sont en vacances, nous on fait 20h minuit. On ne citera absolument pas de nom. Nous on fait 20h minuit, on est là donc tous les soirs de la semaine, tous les soirs de la semaine prochaine également entre 20h et minuit. Donc si vous avez envie de parler avec nous, bah vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 et puis on vous accueille avec grand plaisir dans la grande famille Mickaël No Limit. Sandro qui vous attend également au standard, qui est en pleine forme. Ouais, ça va, cool. Eh ben tant mieux, elle est arrivée avec un gros sandwich tout à l'heure, j'ai cru que c'était un burger avec lequel elle est arrivée dans le bureau. D'une violence le truc là, tu l'as acheté où? J'ai la dalle. Dans le métro. Ah, dans le métro, t'as acheté? C'est trop bon, mais j'adore aller là-bas. Ouais. Ah ouais, bah écoute, il avait l'air balèze, effectivement. Bon, Tof qui va encore faire quelques appels malveillants pour trouver de nouveaux amis. Oh, je vais te crever, la tête de ma mère, je vais te crever. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Ouais, bah c'est Tof en règle générale, hein, tous les soirs vers la nuit, comme ça, 20h30, 21h30, 23h30. Oui, j'adore me faire de nouveaux amis. Exactement, de nouveaux amis. De nouvelles personnes. Avec de nouveaux appels malveillants, donc ce sera vers 20h30, donc dans moins d'une demi-heure. Si d'ailleurs vous avez des numéros de téléphone de personnes qu'on pourrait éventuellement appeler, des ennemis ou des amis, hein, mais quoi qu'il en soit, on ne donnera pas votre numéro de téléphone, on ne donnera pas votre nom, on ne dira pas que ça vient de vous, ne vous inquiétez pas, on a besoin d'ailleurs que d'un numéro de téléphone pour appeler. On fait ça tout à l'heure, donc n'hésitez pas dès maintenant, toph@funradio.fr. Polo qui est enfin son site officiel qui recense l'armée des loups. Ouais. Et ça c'est beau. Non, j'ai vu bien. Ça, j'ai vu ça, ouais. C'est le doux Pélican qui s'occupait de ça, bravo. Il y a lui. Deux, trois fautes d'orthographe, mais c'est bien. Ouais, mais bon, on n'est pas dans le détail. Bravo, bravo. Voilà, ouais. Bravo au doux Pélican. Je vous mettrai l'adresse du site des doux sur le Facebook, parce que, bien sûr, comme tout doux qui se respecte, il a encore fait une adresse immémorisable. On peut pas la mémoriser tellement le truc, il est long. Enfin, il y a des points partout, c'est une angoisse. Je vous mettrai le lien sur le Facebook de l'émission, tout simplement. La douce Fada également qui dit « Oh oui, mes amours, quel plaisir de vous retrouver. Salut la douce Fada, Virginie 66. Content de vous retrouver, Mickaël. Je vous aime, mes chouchous, c'est gentil. » Et puis Tristan aussi, salut l'équipe. Un petit message de bienvenue. Ah, comme ça là, pour commencer là. Voilà, vas-y. 7 de bite. Voilà. Hop, le message est passé comme ça. Il est 20h04 sur Fun Radio. On va prendre Sabrina qui est avec nous de Toulouse. Salut Sabri. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, tranquille. T'as passé une bonne journée, Sabrina? Oui, super journée. Je suis contente de vous retrouver comme tous les soirs. Eh bah écoute, on est contente aussi, Sabrina. Ouais. Bon, dis-moi, Sabrina, tu fais quoi dans la vie? T'as fait quoi aujourd'hui? Écoute, moi, là, je suis infirmière libérale. Voilà, de quoi? Je suis infirmière libérale, donc... Infirmière? Voilà. D'accord. Infirmière libérale, d'accord. Ouais, c'est bien aussi, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Sabrina? Ah bah écoutez, moi je voulais juste vous faire un petit coucou parce que vous êtes super sympa et que j'adore vos émissions, chaque soir je vous écoute. Bah c'est gentil, tu vois, ça change parce que parfois on a souvent des... Ouais, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça, là c'est juste pour dire bonjour, ah bah c'est gentil. Voilà, bah, voilà. Moi bah, j'adore cool. vos émissions et puis ça nous change un peu, moi je trouve ça génial. Bah, c'est gentil. Puis je voulais vous dire que moi j'aime le foot aussi mais que j'ai fait du quad donc une partie de la journée. C'est pour ça que t'es fatigué. Ah oui. Ah bah ouais, ça ouais, va, on se marre bien Toulouse. C'est bien. Oui, on se marre bien, j'étais un peu dans les pistes et c'est vrai que... C'est assez hard quoi, mais c'était bon. Bien. Eh bah écoute, bah tant mieux, c'était bien marré. Et on passera à Toulouse, normalement c'est au mois de septembre-octobre. Bon, j'espère qu'on ira faire un petit peu de quad du coup, Sabrina. Mais il n'y a pas de souci, hein, je vous laisse mes coordonnées. Vous avec plaisir. Rappelez, moi je vous amène. Eh bah écoute, toi, nickel, bah, on fait un peu de quad, hein, marché conclu. Hein. Il n'y a pas de souci, je t'amène. Bon, bah toi, va prendre tes coordonnées, on te rappelle au mois de septembre. D'accord, il n'y a pas bon, de souci. Bon, on fait comme ça. Dans combien mesures-tu, ouais. Sabrina? Bon, on s'en fout, Tof, on va faire du quad. Combien je mesure? 1m80. Ah oui, oh là là. Combien pèses-tu? Ah, 68 kilos. Ah, il faut manger par contre maintenant. Hein. Quel est ton non, tour ça de va, poitrine? Ça va, ça va. Non, 1,95. Et la petite lettre? Pardon? La lettre qui va derrière le 95. B. B. Et la taille du pantalon que tu as acheté? Taille 40. Ouais. Mais je fais du quad avec elle. Hein. Sur le quad, Tof. Bonne. Hein, sur un petit quad, pas mal. Bon, ah oui, écoute, je me serrerai fort contre elle. Oui, bah, parce que tu as peur, bien entendu. J'ai hein. peur de la vitesse. Évidemment, exactement. Bon, allez, Sabrina, je te fais des gros bisous et j'espère vraiment en septembre-octobre quand on passera à Toulouse. Il n'y a pas de soucis, je fais des gros bisous à Sandra, ça roule. Continue dans vos têtes. Eh ben, je bisous, te la repasse. Ciao. Salut Sabrina, ciao à toi, je t'embrasse. Bon, allez, question maintenant pour repartir avec la tablette. Tablette qu'on vous offre donc, bah, comme tous les soirs, hein, profitez-en bien. Là, pour l'instant, c'est la Asus Memo Pad 2. Alors, comme d'habitude, vrai ou faux, hein? Normal. Semaine prochaine, on changera le concept, mais cette semaine, on est encore dans les vrais ou faux, donc profitez-en bien, c'est qu'une seule, une chance sur deux en l'occurrence. Alors, vous envoyez un pour vrai, deux pour faux au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Écoutez bien, Robert Pattinson aurait peur des clowns. Voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique donc, et vous repartirez peut-être avec la tablette Asus Memo Pad 10 qu'on vous offre tous les soirs de la semaine et on donne la réponse avant 22h. Voilà, Robert Pattinson aurait peur des clowns, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900, c'est un pour vrai, c'est deux pour faux, le message est passé. Les maillots de foot, on les offrira tout à l'heure. On fera également le jeu du je t'emmerde ce soir comme chaque mercredi. On ira également faire un tour du côté des canulars et du chéri, je peux te faire cocu, ça ce sera avant 21h bien entendu. Et on accueille Thomas qui est avec nous. Salut Thomas. Salut. Ah ouais, salut où, toi. Oh là là là là là là. Ah ouais. Ça c'est du doux. Hein. Oui. Ah ouais mec, putain, ça c'est du doux de compétition là. T'as quel âge? 11 ans. Oh là là. Oh là là. Je rappelle que les 12 sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Là pour le coup, t'es au taquet des deux, hein. C'est-à-dire que 11 ans et pas mué, c'est parfait. Et que bah tu peux devenir un doux officiel, hein, si tu donnes certains privilèges, notamment évidemment de pouvoir passer avec Polo. Tu veux devenir doux officiel, toi? Oui. Bon, allez, bah, je te passe Polo alors. Il a encore 3 ans de douceur. Ah comment oui. tu t'appelles? Presque 4 même. Thomas. Thomas, moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux et général en chef des armées des doux, j'ai entendu ta demande. De tu veux devenir un doux officiel? Tête de bite. Oui. Thomas, mets-toi à genoux. Tête de bite. C'est bon? C'est fait. Bon, oui. Insulte-toi, Thomas. Tête de bite. Je suis con, je suis un connard et je suis débile. Bon. Ah, un vrai doux. Ah, bah, Thomas, vrai doux, ouais. Prends ton téléphone dans la main droite. Oui. Et tape-toi sur la tête. Oh là là, ah, c'est de la petite tête, hein. Hey. C'est de la tête de 12. Thomas, tu es officiellement doux, bravo! Eh oui! Ouais hey super! Bravo doux! Et tu seras le doux heureux. Le doux heureux. Il a l'air heureux. Ah, il a l'air content, ouais. C'est vrai. Bon, bah, le doux heureux, bah, bienvenue dans la communauté des doux officiels, Thomas. Attention, comme tu es doux, bah, déjà, t'as droit à passer à passer deux dédicaces au lieu de une, bien entendu. Et surtout, tu as la lourde charge sur tes épaules de prévenir tous tes potes, tout ton entourage, d'écouter l'émission sur Fun Radio tous les soirs de 20h à minuit, là, pendant les vacances. Et puis, pendant l'année, de 23h à 2h. Je compte sur toi. Oui. Tu vas le faire. Bah oui. Bon, t'as envie d'écouter un son ou pas, le doux, là, le doux heureux? Oui. Qu'est-ce que tu veux écouter? Laisse-moi deviner, Black M. Non, je sais pas si tu l'as, c'est Katy Perry, le Darkos. Ah, j'ai essayé, si tu veux, j'ai prévu le nouveau ce soir, là. Dis, c'est ça, how we do, c'est celui-là. Ah, il est bien, lui aussi. Il est bien. Oui, oui. Eh ben, je te le mettrai tout à l'heure, le doux heureux, le nouveau Katy Perry, This is how we do. D'accord? D'accord. Bon, on fait ça. Allez, salut le doux heureux. Et est-ce que je pourrais avoir un parfum? Oui, bah bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, d'accord? D'accord. Salut le doux heureux, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi. Il y a Kevin également qui est avec nous. Salut Kevin. Salut Mickaël. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bon, tranquille, ouais. Donc, quoi on va parler avec toi, dis-moi Kevin? Bon, en fait, demain soir, j'ai un anniversaire 18 ans d'un pote. Ouais. Et en fait, je voudrais lui faire des cadeaux, mais bien pourris, quoi. Très bien, ne bouge pas de là, tu as frappé la bonne porte. Nous allons pouvoir t'aider. T'as envie d'écouter un son dans un instant aussi ou pas? Pourquoi pas Black M sur ma route? Black M sur ma route alors. D'accord. Je te le mets juste après la pub, bouge pas. Ça va arriver. Tiens, tu sors souvent en boîte ou pas toi? Ça m'arrive, ouais. Alors, c'est quoi le nom de la boîte dans laquelle tu sors le plus souvent? Je vais au Poisson Rouge. C'est dans un bocal, dis-moi. Non. Le poisson rouge. Ça, c'est du nom, ouais. Ça, dis donc. Non, je posais la question parce qu'il y a Google qui a sorti le top 5 des boîtes de nuit en France. Et donc, alors, c'est pas le Macumba, hein, il n'est que 5ème. Donc, j'ai les 5 premiers, donc avec le Macumba, justement. Et donc, on va voir un petit peu si. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des noms comme le Macumba qui existent un peu partout, hein, en Belgique, ouais. En France, il y en a partout. Donc, je voulais savoir dans quel est le nom de la boîte de nuit dans laquelle vous sortez le plus souvent pour voir si ça fait partie du top 5. Top 5 que je vous donnerai bien entendu un petit peu plus tard. Vous envoyez Mickaël et votre message au 64900 par SMS ou alors avec le hashtag Mickaël 20h minuit sur Fun. Et comme ça vous balancez tous vos messages, je lis tout ça en direct. Tu restes avec nous Kevin. Il sort au poisson rouge. C'est le bon poisson ça, quand même. Rouge. Oh là là. Le poisson rouge. Au rat crevé, moi je sors. Le rat crevé. Ouais. Bon allez, donnez-nous les noms dans les boîtes dans lesquelles vous sortez, dans lesquelles vous avez prévu de sortir, ou même si vous êtes déjà en vacances, si y a la boîte la plus connue du quai du coin, là, donnez-nous vos messages là. Mickaël et votre message au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Vous restez là, je l'avais promis, Black M arrive. Ce sera sur ma route, je vous calerai aussi le nouveau son de Bout. Straight Out of Line sur Fun Radio. Et puis vous restez là, c'est Mickaël No Limit, on est en direct, on est là jusqu'à minuit comme tous les soirs, pépère, en mode été là, horaire d'été, 20h minuit sur Fun Radio, avec le chéri je peux te faire cocu qui arrive avant 21h. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, y'a plus de pub sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. On est en direct, il est 20h13. Benjamin qui dit mort de rire, le nom pourri de la boîte de nuit. Ah non mec, le poisson rouge. Je crois que c'est la pire, j'ai entendu. Putain, c'est Kevin qui sort souvent au poisson rouge là. Bon bah dites-nous si vous êtes si vous sortez souvent dans des boîtes, quel est le nom des boîtes justement dans lesquelles vous sortez. Il y a Google qui a sorti le top 5 des noms de boîtes les plus connus en France. Vous balancez M-I-K-L et votre message au 64 900. Il y a Sarasvati qui dit coucou la team, souhaitez-moi bon courage pour la nuit de merde qui m'attend au taf. Bah bon courage Sarasvati. Et Loïc qui dit salut l'équipe, toujours là au rendez-vous pour vous écouter et pour vous écouter justement, et je suis prêt pour gagner le double fun. Ah bah peut-être qu'il tombera tout à l'heure, faut rester à l'écoute Loïc, on peut pas savoir. Et Devers 45, la boîte dans laquelle je vais le plus souvent, c'est le Baïa. Et il y a aussi l'Atlantide, c'est deux boîtes énormes. Bon, on en parle, ne bougez pas de là, on se met le son de Black M maintenant comme promis. Et juste après je vous repose la question pour gagner votre tablette Asus, la Memo Pad 10 qu'on vous offre tous les soirs. Vous restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Il est 20h14 et comme promis et comme demandé tout à l'heure aussi par Kevin, c'est Black M sur ma route sur Fun. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Sur ma route. Black M. Sur ma route. Et sur ma route sur Fun Radio, 20h18, bienvenue. Mickaël No Limit, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment avec toujours la question qui va vous permettre de repartir avec la tablette Asus Memo Pad 10. On vous en offre toute la semaine. Profitez d'ailleurs, hein, c'est l'avant-dernière soirée où je vous pose une question, vrai ou faux. La semaine prochaine, on fera des questions, des autres questions. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ce sera des nouvelles questions. Voilà, des nouvelles questions. Donc, si vous voulez choper votre tablette, la Asus Memo Pad 10, eh ben, c'est à vous de jouer maintenant. Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux. Robert Pattinson aurait peur des clowns. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vous de jouer maintenant. Vous envoyez votre message là tout de suite, hein, si vous voulez tenter de gagner. Et puis, si vous avez la bonne réponse, eh ben, vous repartirez tout simplement avec la tablette Asus Memo Pad 10. Voilà, elle vaut 200€, 1,6 GHz, elle tient 9h30 d'autonomie, c'est la folie. Et en plus de ça, eh bien, vous serez livré courant du mois de juillet. Et ça, c'est beau. Ce qui veut dire que si vous partez en vacances, vous pourrez partir avec la tablette. Et si vous partez pas, vous pourrez passer le temps avec la tablette. Dans les deux cas, vous êtes gagnant. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900 si vous avez la réponse. Donc, vrai ou faux, Robert Pattinson aurait peur des clowns. Un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez juste le chiffre par SMS au 64 900 ou au 63 22 si vous êtes en Belgique. On tire au sort avant 22h. Il y a Laura qui dit moi, avant, je sortais au cactus. La roue, le cheval blanc, mais il y a 3 ans déjà que je sors plus. Puisque je vous ai demandé. Quels étaient les noms de boîtes dans lesquelles vous sortiez. Titou qui dit Mickaël, c'est super de t'avoir de 20h à minuit, c'est une tuerie. Bah merci Titou, on est content d'être là aussi. Un petit message de bienvenue pour Lulucie, une douce non officielle qui vous kiffe. Il faut devenir douce officielle. Mais oui. Lulucie, là, qu'est-ce que t'attends là alors? Allez vous faire foutre. Et bah voilà la douce non officielle. Virginie qui dit moi je sors au chat. Ah ouais, c'est sympa. Enfin, au chat ou au chat, j'imagine que c'est au chat. Jessica, le Latrium ou Latrium à Reims. Jérémy, moi c'est le Manoir en Vendée. Moi j'allais au Colibri à Cloix-le-Noir. Bisous à toute l'équipe, c'est Richard du 28. Nicolas qui dit moi je sortais au DS Club. Ah, le DSK Club en fait. Le club s'écrit avec un K comme par hasard. Il y a Kint qui dit le Cherry Moon, la bûche également, quand ça s'appelait encore comme ça. Ça c'est en Belgique, enfin vers Tournai, c'est ça la bûche? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ouais. Entre Tournai et Lille. Voilà, Eric qui dit moi c'est le Macumba. Ah, le Macumba, le fameux Macumba qui est classé numéro 5 justement. Maxime, moi c'est Kufa et c'est à Sarrebruck en Allemagne. Pour l'instant on n'est pas dans le top 5. Hein. À part le Macumba, il n'y en a aucun qui a sorti un des noms plus répandus au niveau des boîtes en France. Pascal qui dit moi je suis en Espagne en face d'Ibiza et je sors au Saladino tous les week-ends. Le Saladino. Ça fait penser à la salade. C'est bizarre ça, quand même, le Saladino. Qu'est-ce qu'il y a, Virginie? Moi j'aime pas les boîtes, je vais pas en boîte, j'aime pas. Bah écoute, pourquoi pas. Et alors Kimberley qui dit le Luna sur Canet en Roussillon. Et le Luna n'est pas dans le top. Bah merde alors hein. Et alors le Poisson Rouge est une super boîte à Colmar. Mais moi je sors en boîte à Mulhouse. Ça s'appelle le 1900, c'est cool, plus de 25 ans d'ailleurs. Et Anthony, moi c'est le cul à Bourges. Bon, alors je vous donne le quatrième. Dans les boîtes les plus souvent nommées comme ça en France, il y a le Macumba en 5. En 4, il y a le Millennium. Ah oui, il y en a partout. Ouais, il y a le Millennium. Ouais, mais les gens n'y sortent pas visiblement. Et on en a vécu des histoires. Oh là là, la Boncelle à Liège. Oh là là là là là là. Si les murs pouvaient parler. Oh là là. Bah, il vaut mieux qu'ils ferment la gueule. Ils ont été refaits de toute façon. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, il y a les trois premiers. Je vous donne les réponses. Enfin, je vous donne les boîtes les plus connues donc en France. Les noms de boîtes les plus souvent donnés pour des clubs. Et dites-nous donc quelle est la boîte dans laquelle vous sortez le plus souvent. Comment elle s'appelle? Vous envoyez M-I-K-L espace le message au 64 900 ou par Twitter. Hein. Vous balancez aussi le hashtag et Mickaël 20h minuit sur Fun. Il y a même sur le Facebook également. On est, je sais plus combien on est, 450 plus 55 plus. 53 55. Voilà, 455 000 sur la page Facebook. Là, je vous ai mis un post également. Donc donnez vos avis par là également. Et comme ça, c'est gratos. Bon, Kevin de Mulhouse, t'es de retour là? Ouais. Très bien. Avant de faire les appels malveillants avec Toff, petit message de bienvenue, Kevin. Hein, c'est normal. Merci. Bah, avec plaisir. Toi, espèce de gros enculé de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Voilà. Bienvenue sur Fun Radio, 20h22, Kevin. Bon, tu nous avais appelé parce que t'as l'anniversaire d'un pote et tu cherches des cadeaux merdiques pour son anniversaire. C'est bien ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, c'est ton pote depuis combien de temps? Alors, ça fait 4 ans qu'on se connaît. D'accord. Jusque-là, ok. Pourquoi tu veux faire un cadeau pourri? Bah parce que c'est quelqu'un qui aime bien faire des sales, enfin pas des sales coups méchants quoi, il aime bien faire des blagues et il aime bien rire, alors je me suis dit bon, à mon tour de le faire un peu rire. Bon alors cadeau pourri c'est ça peut être plein de trucs, tu peux. Alors moi le plus beau cadeau pourri que j'avais offert. Ah magnifique. C'est le plus beau, je l'embrasse, hein, c'est voilà. Micha si jamais il nous écoute, quelqu'un qui bossait avec nous avant. Il voulait absolument un iPhone, à l'époque il en avait pas. Il voulait absolument un iPhone et il avait pas arrêté de m'emmerder en disant oui, est-ce que tu peux m'offrir un iPhone, etc. etc. Et donc j'avais acheté mon iPhone, moi j'avais pris la boîte vide et j'avais trouvé sur eBay je crois un espèce d'iPhone tricoté en laine. Mais il était super bien fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc en fait j'avais ouvert la boîte, j'avais mis l'iPhone en laine dedans. En fait ça faisait comme un gant ouais. Mais en iPhone. Voilà, donc j'avais mis l'iPhone en laine dans la boîte, j'avais refermé la boîte, j'avais mis dans un emballage cadeau, je lui offre, c'était pour son anniversaire ou Noël, enfin je sais plus. C'était ouais Noël, ouais. Voilà, je lui offre, il ouvre l'emballage. Et là tu vois sa tête, il était heureux, il avait l'iPhone et tout, il s'était dit putain. Il ouvre et là il a l'iPhone en laine, il était dégoûté, mais dégoûté. Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ces conneries là. Ah, on s'est bien marré. Hein. Ah oui, c'était énorme. Ah putain, c'était très très drôle là. Voilà, en termes de cadeaux pourris, c'est pas mal. Donc est-ce qu'il y a un truc comme ça qu'il a envie d'avoir et qu'il peut pas parce qu'il a pas les moyens, parce que je sais pas. Aucune idée, franchement, je sais pas du tout ce qui... Non, franchement, je sais pas. Bon, après, dans les cadeaux pourris, tu peux aussi lui offrir un costume, c'est genre une bite. Oui. Un costume en bite, un... j'en sais ouais, rien. On y a pensé, ouais, mais voilà, tu vois. Pensé. Ou alors un striptease, mais avec la meuf la plus dégueulasse du monde. Tu sais, il doit y avoir un mec. Ou, un mec. Ouais. Ou avec un mec, ouais, ouais, voilà, ou avec un mec, ouais. Ou alors tu prends, il doit y avoir des sites comme ça, tu sais, où tu vas, chercher vraiment une fille qui est, mais quand je dis dégueulasse, pas forcément moche, hein, mais tu sais, qui est vraiment sapée comme de la merde, qui est pas du tout sapée pour faire un striptease et qui va te faire un striptease scandaleux. Ou un mec, ouais, c'est vrai. Bah, on peut t'envoyer taf pour un striptease, mais Kevin. Ouais, moi je viens, je te fais le striptease de ta vie. Bah voilà! Pas de problème. Ça c'est bien. Dites-nous, tiens, si vous avez des idées de cadeaux pourris, tiens, vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900, Facebook, Twitter, vous dites aussi. Il y a Nadia qui dit, moi je dis le meilleur cadeau pourri, c'est aucun cadeau et tu lui fais croire que tu lui offres un cadeau. Ouais, non, parce que ouais, il va être déçu, parce qu'au final, il y a rien, tu vois. Il y a pas de geste. Ouais, et puis il y a pas de finale, il y a pas de chute, si tu vois ce que je veux dire. Non, il faut faire un truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme cadeau là qu'on pourrait offrir? Comme cadeau pourri. Ou un truc qu'il aime pas, c'est genre tu lui offres un hamburger froid. C'est un cheese, un truc, un giant du quick ou un Big Mac froid, tu lui emballes le truc et tu sais le truc est immangeable, je sais pas, c'est 10 idées hein. Après ça dépend vraiment de ton pote quoi, ce qu'il aime pas, tu vois. Bah il aime assez tout ce qui est jeux vidéo, il est assez geek comme ça donc Voilà, est-ce qu'il a la PS4? Ouais, je crois, ouais. Bah, tu lui offres une boîte vide. Ouais, voilà, c'est ça, c'était lui offrir, bon, s'il a déjà la PS4, alors ça sert à rien, mais genre un truc rapport la PS4 ou un jeu vidéo qui pourrait kiffer d'avoir mais qu'il a pas encore, tu lui offres le faux ou tu lui offres, j'en sais rien, moi, c'est un truc bizarre. Bon, dites-nous, on va demander l'avis des autres pour voir s'il y en a qui ont déjà fait peut-être des cadeaux merdiques et comment ça s'est passé. Appelez-nous donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Benjamin qui dit une boîte de tampons hygiéniques. Ah, pas mal. Ah ouais, tampon hygiénique, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est... Ah ouais, j'y ai pas pensé, mais c'est pas mal, Kevin. Bon, reste avec nous, on va demander l'avis de tout le monde. Tu bouges pas là. Il y a Pauline qui est avec nous. Salut Pauline. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Pauline. C'est qui la chose bizarre qui a dit c'est moi? C'est moi. Ah, c'est toi. C'est Pauline. Ok, comme t'as dit, c'est moi. Avec une voix bizarre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Bon, eh ben, sois la bienvenue, Pauline. Tiens. Merci. Ce n'est pas pour ça que tu appelles, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une boîte dans laquelle tu sors souvent? Ou tu sortais souvent? Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle le Papa Tango à Saint-Sébastien. Papa Tango. Alors, c'est mais c'est un une truc boîte de... géniale. Ah ouais. Toki Walkie, ça, Papa le Charlie, les Papa Tango. Avec Toff, on allait souvent en métropolis à Marche avant. C'est vrai. Ah ouais, putain, ça faisait du bruit là-bas. Hein. Ah oui, puis c'était long, hein, fallait avoir envie d'y aller. Hein. Ouais, c'est clair. Le métropolis. Et le métropolis n'est pas classé dans les 5 premiers, c'est bizarre. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup, je crois. Hein, ah ouais? Ouais, il y en a 3 ou 4, mais c'est tout. Ah, j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup plus. Donc le Papa Tango alors. Ok, d'accord, ouais. Pourquoi pas. Bon, alors qu'est-ce qui t'amène, toi, Pauline? Moi je me suis permise de vous appeler car je suis célibataire depuis un an et je cherche depuis l'amour. Un an? Combien mesures-tu, Pauline? Non mais depuis un an? Ouais. Mais comment ça se fait? Non mais depuis un an? Non, j'ai pas compris. Non mais qu'est-ce que ça dit? Je me suis fait larguer il y a un an. Ah oui, bah ce sont des choses qui arrivent, hein, Pauline. Hein. Ouais. Bah oui, ça arrive. Bah oui. On passe au-dessus. Mais combien mesures-tu, Pauline? Je mesure 1m70. Combien pèses-tu, Pauline? Je pèse 59 kilos. Ah oui! Quel est ton tour de poitrine? Oh, c'est pas très grand. Mais c'est pas grave. Je fais un 85B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ça fait du 38. Mais tu n'es plus célibataire. Bah, il est con, hein. Mais alors c'est complètement bizarre quand même là. Pourquoi t'as viré là? C'est quoi l'histoire? Parce que bon, physiquement t'as l'air plutôt intéressante. Mais après c'est quoi l'histoire? Alors en fait l'histoire c'est que 3 ans auparavant je lui ai fait croire que je l'avais trompé. Ouais, ça c'est bien un truc de meuf ça. Mais j'avais plus d'attention, que... j'avais l'impression qu'il m'aimait plus. Et du coup pour essayer de... Ben c'est des erreurs qu'on fait. Mais tu te crois où dans un... Tu te crois genre dans la Rome antique, ouais, dans un film de guerre? Genre tu fais des stratégies. C'est ça, ouais. Je me suis dit, voilà, il va avoir peur, il va réagir, il va bouger un peu ses fesses et au final... Il a bougé ses fesses mais pour aller ailleurs. Après, t'as tout gagné, Pauline. Bon, Pauline, on va essayer de trouver un mec. Contrairement à d'habitude où c'est les mecs qui appellent pour trouver une meuf, où on n'a jamais de meuf qui appelle parce que forcément, 9 fois sur 10, c'est des pervers. Là, à mon avis, ça a bien marché. Je sais pas pourquoi. Une photo à polo@funradio.fr. Surtout si vous êtes un homme. Ouais. Non mais il faudrait qu'on rappelle l'autre là qui cherchait une meuf. Ah, merde, comment il s'appelle? Anthony. Non, c'est Damien. Pas Anthony. Comment il s'appelle? Arthur. Bah, le mec qui cherchait une meuf là. George. Alors bouge pas, Pauline, on va peut-être trouver chaussures à tromper plus vite que prévu. En attendant, si vous voulez parler à Pauline, vous envoyez Mickaël et votre message et votre numéro de téléphone au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Vous restez tous là, on va se faire dans quelques minutes les appels malveillants. Dans un instant, appel malveillant à base de texans hier, souvenez-vous. Et ben aujourd'hui, j'ai encore du très très lourd. C'est un chômeur qui doit envoyer son CV et une photo de lui au Pôle emploi du Texas. Ouais. Et le mec qui veut évidemment mettre toutes les chances de son côté envoie donc une photo et en plus, il envoie une deuxième photo avec sa bite. Voilà, bon, ça ne s'est pas super bien passé comme vous imaginez avec la conseillère qui a bien entendu porté plainte. On est aux États-Unis, bien sûr. Donc, Toff, tu vas demander à tes amis s'ils ont déjà fait des photos avec leur, des photos de leur sexe. Bah oui, avec plaisir. Bon, bah très bien, je suis on sûr fait qu'ils ça. Ah bah j'imagine, on fait ça, il est 20h30 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Les appels malveillants, c'est juste après Both, Straight Off The Line sur Fun Radio. C'était Both à l'instant sur Fun, 20h33. Allez hop, on va parler des cadeaux pourris encore dans quelques minutes. Et il y a toujours la tablette à gagner, tablette Asus, Memo Pad 2. Et il faut simplement répondre un ou deux par SMS au 64 900. Un pour vrai, deux pour faux. Est-ce que, donc apparemment Robert Pattinson aurait peur des clowns. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous envoyez un ou deux, uniquement ça, un ou deux en chiffres au 64 900. Ou au 63-22 pour la Belgique. Et la tablette Asus Memo Pad 10 sera peut-être pour vous. Elle vaut 200 €, elle est magnifique. Vous serez même livré mi-juillet. Et ça c'est beau. Ça, c'est rapidité, quand même plutôt pas mal. Voilà, donc mi-juillet vous serez livré de la tablette là, la Asus Memo Pad 10 si vous voulez la gagner. Robert Pattinson aurait peur des clowns. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Un ou deux, vous envoyez ça par SMS au 64 900. Et je vous souhaite évidemment bonne chance. Avant de récupérer Pauline qui cherche un mec, elle a 31 ans et elle a l'air plutôt bien roulée. Récupération de Kevin également qui voulait des idées pourries pour le cadeau d'anniversaire d'un de ses potes. Et on parle également des boîtes dans lesquelles vous sortez. Quelles sont, c'est quoi le nom de la boîte dans laquelle vous sortez le plus souvent? On en parle juste après les appels malveillants. Appels malveillants à base de texans, donc hein, encore une fois comme hier d'ailleurs, un texan qui a décidé de postuler pour un emploi, sauf qu'en plus d'envoyer sa photo, il a également envoyé la photo de son sexe. Mais oui, c'est dit, il n'a pas du tout plu à la conseillère texane. Je comprends pas, parce que moi c'est pareil, j'aurais envoyé ma bite, j'aurais espéré que la meuf me rappelle quoi. Ouais, bah écoute, elle a rappelé, mais la police, donc puisqu'elle a porté plainte. Du coup, on appelle des gens, des gens en l'occurrence qui ont été envoyés par les auditeurs sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et on appelle le premier maintenant. Allez, c'est parti. Et on fera le je t'emmerde aussi tout à l'heure. Hein. Si vous voulez vous inscrire, vous nous appelez tout de suite. Allez. Allô. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si ça vous arrivait de prendre votre sexe en photo, monsieur. Pardon. Est-ce que ça vous arrive de prendre votre sexe en photo, monsieur? Non, mais toi, ce qui va t'arriver, c'est d'avoir mon poing sur la gueule dans pas longtemps, espèce de fils de pute. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Pourquoi je dis ça? Bah, t'es oui. Qui dis-moi, t'es qui? Dis-moi, moi, t'es qui? Dis-moi, tu te trouves. Dis-moi, moi, t'es qui? Dis-moi, tu te trouves. Je suis Toff, monsieur. T'es Toff? Oui. Alors, t'es enculé, Toff. Mais enfin, pourquoi et vous me dites ça, je monsieur? Je te jure que... Putain, mec, je te... Mais je comprends pas, monsieur. Faut pas vous énerver, je vous appelle juste pour vous poser une question. Oui, oui, ben moi, je te dis que la question, tu as eu une chance de pendu, mon ami. Que je ne sais pas ni où tu es. Ni qui tu es, parce que je te jure que dans 40 secondes, je suis là, je te pète toutes tes dents. Ben, tu m'as bien compris. Si vous voulez, je vous donne l'adresse, comme ça vous venez, monsieur. Eh ben oui. Donne-moi l'adresse, vas-y. Je suis 20 rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Oui, et ça se trouve où exactement, ton putain de bled, là? À Paris, monsieur. C'est un très, à Paris. C'est un très gros bled, monsieur. Va. Allez, va te faire enculer, connard. Mais vous venez pas, monsieur? Et on entend maman derrière, mais raccroche. Mais je ne savais pas que les pendus avaient de la chance. Bah écoute, moi non plus. Ah, tu as retrouvé avec une chance de pendu. Bon, bah écoute, je ne savais pas. On va le rappeler, elle avait l'air gentille. Oui. Allez hop. J'ai l'impression qu'on a Charleroi. Je pense, hein. Allez hop. Il a démarré par va te faire enculer. Allez, je mets 2 centimes. Allô. Oui, bonsoir madame, j'étais en communication avec votre mari, mais il s'est un peu énervé, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est qui? Moi je m'appelle Toff, madame. Ah, c'est Fun Radio, un truc ainsi. Qu'est-ce que j'ai à branler? Dis-lui d'accrocher tout de suite. Dis-lui qu'il arrête parce que je vais monter sa radio. Mais arrête, dis-lui, c'est une radio, ils font des blagues j'en à la radio. Rien à foutre. Dis-lui de raccrocher ce fils de chien. Thibaut, Carole, arrête. Dis-lui de raccrocher ce fils de chien. C'est pas ça, c'est pas la radio? J'en mettrai la branche, il lui a raccroché. Pas du tout, madame, moi je vous appelle parce que je voulais poser une question à votre mari. Ah bah allez, posez votre question. Bah en fait, je voulais savoir si votre mari se prenait parfois le sexe en photo, madame. Ah, non, je ne crois pas, non. Ah jamais, ça ne lui est jamais arrivé. Je te demande à ma femme qu'elle se prend son sexe en, en photo, espèce de fils de chien. Mais c'est con, c'est de la radio. J'en ai rien à foutre qu'il ferme sa putain de gueule. Oh mais enfin monsieur, non. Allô. Je radio. Oui, allô monsieur. C'est vraiment con, moi. Bah oui, vous répondez pas à ma question, monsieur. Mais pourquoi monsieur, je comprends pas. Non mais le mec il est ouf quand même. C'est-à-dire que là, en fait il se fait encore engueuler par sa meuf. Toi t'es vraiment con hein. Bon, on le rappelle. J'aime bien le. Bah c'est Fun Radio hein. Et alors j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre, fils de chien. Bon, on le rappelle. Allez hop. En speed. C'est juste pour sauver le couple. Mais décroche plus, Mélin. Bah non. Merde. N'est pas disponible. Merde. Oh, dommage. Tant pis. Oh, il avait l'air tellement motivé en plus. Eh oui. Mince. Bon bah tant pis. On en appellera d'autres tout à l'heure dans moins d'une heure. Nouveaux appels malveillants bien entendu. Et puis on va reparler des boîtes de nuit. Là, il y a Émilie qui dit. Ah oui, ça c'est pour les cadeaux pourris. Je le mets de côté. J'ai pas encore l'âge d'aller en boîte, mais mon frère va souvent dans une boîte à Lille nommée la Boucherie. Oh dis donc, ça a l'air sympa ça. Hein. Oh, ça donne envie d'aller là. Alexandre qui dit il y a une boîte chez moi qui s'appelle le Magnum. Ah pas mal, mais c'est pas dans le top 5 Google. Nadia qui dit la madame comme nom de boîte aussi, oh, je connaissais pas. Devers45 qui dit gros coup de pelle pour l'ami Goréo là car il sera pas à votre écoute pendant deux semaines car il capte pas où il est. Ah bah c'est ah, dommage parce qu'après on sera plus là donc il pourra pas capter non plus. Tiens, je lui mets un coup de pelle, tiens. Voilà. Nous on sort au B-Box à Clermont-Ferrand. Bisous, c'est Noémie. Et Luna qui dit le cadeau assez pourri, je dirais. Ah oui, ça c'est encore les cadeaux pourris, on va en parler dans un instant. Alors, cadeau pourri, le nom de boîte pourri, pardon, il y a le Macumba. Hein, qui revient souvent. Le Millennium, je l'avais dit. En 3, le Copacabana. Ah bah oui, le fameux Copacabana. Ah oui, le Copacabana, il en reste deux. Quels sont à votre avis les deux noms de boîtes les plus souvent donnés dans les boîtes en France et même en Belgique d'ailleurs? Vous envoyez M-I-K-L espace votre message. Quel est le nom de la boîte dans laquelle vous sortez le plus souvent? Vous nous dites, on lit tout ça en direct sur Fun Radio. Il est toujours 20h39 et il y a Kevin qui est de retour là. T'es là Kevin? Non, il cherche des cadeaux. Bon, c'est pas grave, on va le récupérer après, puisque Kevin voulait avoir des idées de cadeaux pourris. En attendant, c'est pas grave, Stéphane est avec nous dans le Calvados. Salut Stéphane. Salut. Ça va bien? Salut. T'es en forme? Ah bah oui, nickel. Bon bah tant mieux alors. Bon Stéphane, bienvenue à toi, tu voulais réagir par rapport aux boîtes. Tu sors dans quelle boîte toi? Ouais, moi je sortais l'écho du lac. L'écho du lac? Ouais, c'est pas mal. C'était bien comme boîte ou c'était naze? Bon, ça va. Un ça peu va. Naze quoi, non? Ouais. Là, il y avait aussi les planches à Deauville. Les planches, ah putain les planches. Ouais c'est à côté ouais. Des planchettes. Ouais à côté des planchettes, ouais voilà c'est ça. Non en deux il y avait le Niagara comme nom. Putain mais c'est naze. Ouais et en un il y a le Sphinx. Ah le ouais il y en a plein ça. Ah ouais mais pour c'est marrant parce que personne n'a cité ni le Sphinx, ni le Niagara, ni le Copacabana, ni le Millennium, il y a juste un Macumba. Ouais. Mais non mais parce que les plus communs c'est vrai que c'est le Millennium et le Macumba. Il y en a partout dans tout le. Où tu ailles, tu trouves une merde comme ça. Mais ah mais le Sphinx que... aussi apparemment c'est le nom d'après Google. J'ai jamais entendu. C'est le nom qui est le plus donné au club en France. Ouais si, il y en a je crois il y en a deux déjà en région parisienne. Le Sphinx. Ah peut-être, mais je le sais pas. Sphinx. Bon bah voilà, donc du coup dites-nous hein, qu'est-ce qu'il y a comme boîte tout près de chez vous. Toi Stéphane, donc il y a ça, l'autre, les planches, il y en a d'autres ou pas? Bah ouais, il y a le Guest, le Tiffany à Vire. On est à paquet, après, le guest, j'aime bien le guest. Ouais. C'est le nom, vous sortez, vous rentrez pas, monsieur. Je suis pas bien habillé, vous rentrez pas. Ah bon, bah pourtant je suis au guest, bah, j'en ai rien à foutre. Tu dis? Non, ça va, on arrive à rentrer quand même. Ah bon, bah ça va, alors c'est le principal, très bien. Bah merci d'avoir appelé Stéphane. Ah, de rien. Et tu reviens quand tu veux. Ok, ça marche. Salut à toi Stéphane, ouais. À bientôt, ciao. Bon, il y a toujours Pauline qui est à recherche de mec, hein. Pauline? Ouais. On, oui. On trouve, hein, t'inquiète, on est en train de rappeler là. Ne bouge bah pas, il y a du lourd, il y a du lourd. Ah bah il y a du monde. Hein. Ah bah oui, Pauline, 31 ans là, qui veut absolument trouver un mec. Elle s'est fait larguer il y a un an. Et donc si vous êtes intéressé, envoyez votre numéro de téléphone. Vous envoyez M.I.K.L. et votre numéro au 64 900. On vous appelle juste après. Pauline, tu restes avec nous et vous pouvez aussi appeler le standard, hein, bien sûr 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Kevin, t'es de retour ou pas? Oui, je suis là, oui. Ah, voilà. Donc, Kevin de Mulhouse qui cherche des idées de cadeaux pourris pour l'anniversaire de son meilleur ami. Il y a Jules qui proposait un cadeau pourri, une carte cadeau, mais tu dépenses la thune avant de lui offrir. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a aussi où est-ce qu'il est, celui-là si j'ai déposé plein de bisous de... Attends, c'est quoi? Ah oui, tu fais... c'est Émilie qui envoie ça. J'ai une idée de cadeau pourri. Vous prenez une boîte, vous la remplissez de papier journaux, vous décorez la boîte de chaussures, pas obligé de les décorer, bien sûr. Vous l'emballez, ensuite vous donnez à la personne. Celle-ci va rire et dire « mais il n'y a rien dedans » et tu réponds « si, j'ai déposé plein de bisous, c'est le cadeau du radin. » Ah, ouais. Ah oui, c'est très radin, celui-là. Ah ouais, pas mal, Émilie du Caliente, là. Pas mal. On va ressortir ça. Bien sûr. Ouais. Je le réutiliserai à outrance. Ouais. Sinon, tu fais une grosse boîte et puis tu mets que des petites boîtes à l'intérieur. De plus en plus petite jusqu'à ce que tu trouves un truc ridicule, genre un bonbon, un chewing-gum ou n'importe quoi. Ça, le mec, il va avoir un cadeau de ouf, une espèce d'énorme boîte. Il va se dire, oh putain, ça va être énorme. Et en fait, il est hyper déçu parce qu'il va se retrouver avec un cadeau pourri. Mais est-ce que vous comptez quand même offrir un vrai cadeau derrière, et donc après la vanne, ou non? Ben, en fait, on comptait offrir plusieurs petits trucs inutiles, mais plusieurs petits cadeaux en fait. D'accord, ok, donc il y a quand même un petit cadeau qui arrive derrière. Bon, ok. Sinon, bah ouais, il y a le cadeau, le truc, tu mets les uns derrière les autres. Sinon, il y a Luna qui dit aussi, ou Luna, le cadeau assez pourri, je dirais, une simple carte où c'est écrit « Joyeux anniversaire ». Et c'est tout, et la carte, elle sera moche, pas décorée bien sûr, ni rien. Juste une feuille blanche que t'auras pliée en deux. Pas mal. Ouais, sinon, il y a la carte bien pourrie, tu sais, qui fait de la musique. Truc que, ouais. tu peux pas arrêter une fois que tu l'as ouvert. Ouais, c'est vrai. Oui, ça c'est pas mal aussi avec la petite musique. Il y a Florian qui proposait un cadeau pourri, c'était du PQ emballé. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal aussi. Un bon Polo, il serait content, un bon PQ. Bien doux, torcher, bien doux pour les fesses. Ah ouais, j'adore ça, moi. Bah voilà, il serait. Triple épaisseur. Bah ouais. Ah ouais, c'est ce qui est vrai. Ah, Clément qui dit comme cadeau pourri, une bouse de vache. Ah, c'est pas mal. Ouais. Mais pourquoi tu lui offres pas des cadeaux sur 2-3 trucs par exemple, s'il pue de la gueule, tu lui offres une brosse à dents. Ouais, c'est pas mal, toi aussi. S'il perd ses cheveux, tu lui offres une brosse. Tu vois, tu lui fais 2-3 trucs comme ça par rapport à des défauts physiques. Ouais, ça je pourrais faire, ouais. Ça peut être pas mal. Oh. Bon, après, il y a d'autres idées. Hein. Attends, il y a aussi Adam qui est avec nous à Mons, là. Salut, Adam. Salut. Comment ça va? Où est Eve, Adam? Ouais. C'est drôle, ça. Bon, bienvenue, Adam. Alors, toi, t'as des conseils de cadeaux pourris pour Kevin? Ouais, en fait, moi je l'ai déjà fait, tu offres la chose qui fait le plus plaisir, c'est un gâteau, et tu remplaces la crème fraîche, dans ta crème fraîche tu mets des asticots. Oh mais c'est dégueulasse. Ah, c'est pas mal. La première chose qu'il va faire, c'est aller piocher dans la crème fraîche. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas mal du tout ça, Kevin. Hein. Ouais. C'est bien crado. Ah ouais. C'est pas mal, ouais. À méditer, ça. Ah ouais, mais... franchement, méditer, ouais, mais il est pas mal. L'idée n'est pas mal. C'est scandaleux. Bravo, un cadeau, un gâteau. Bravo, Adam, hein. Merci, ah non, j'ai bien fait, donc. Bah, j'imagine. Et donc, le résultat, le mec, il a fait quoi? Il a été vomir, il a fait quoi? Ouais, il a bouffé le reste du gâteau. Ah ouais, carrément, le mec, il avait faim. Non, tu me diras, ça fait des protéines, hein. Bah ouais, ça. Bon, voilà, un asticot, c'est pas mal. Eh ben, merci, Adam. De rien. Merci à toi, il y a Louis aussi qui est avec nous, là, en Haute-Savoie. Salut, Louis. Salut. Comment ça va? Bah bien. Bah tant mieux. Et ça c'est un doux qui veut se faire passer pour un mec qui pèse. Ouais. Un doux qui pèse. Passé hier, alors. Ah bon, ça va alors. Bon, Louis. Ouais. T'as des conseils pour les cadeaux pourris, toi? Bah perso, une fois, on avait... c'était l'anniv d'un pote et il y a tout le monde qui lui offrait genre des trucs assez chers. Moi, comme un radar, je lui donne 30 centimes. 30 centimes. Ouais, c'est... Autrement, le cadeau le plus pourri, il y a top. Ouais. Mais, ça sort pas difficilement quand même. Hein. Pour le striptease, on y avait pensé. On aurait pu éventuellement gérer avec Kevin pour que Toff aille faire un striptease au mec. Mais on est quand même pas des enculés à ce point-là. Quoi. Ouais, non. Ça se fait pas. Il y a Roxane qui dit il peut lui offrir une clé de voiture, mais sans la voiture. Ouais, c'est une idée, pourquoi pas. Ou alors, à la limite, t'essayes de faire, mais c'est compliqué, hein. Mais c'est dégueulasse. Non, je vais pas le dire, c'est dégueulasse. C'est genre, tu prends un. Bon, je vais le dire. Un ticket à gratter, mais tu sais, t'en fais un faux. Ah oui. Et mais il faut trouver le truc pour que tu puisses gratter. Le mec il gagne soi-disant un million. Ça ou... se fait pas ça. Et le mec après il est vénère. Mais il faut arriver à faire des faux, enfin des espèces de pseudo-faux là. Mais donc ça existe, t'as tout fait. Hein. Ah ouais? Ouais, t'en as dans les magasins de farce et attrape. Ah, sur internet peut-être. C'est sur internet. Ouais, moi je fais ça, le mec me fait ça, je lui mets une patate. Hein. Ah mais oui, tu imagines, tu crois que t'es millionnaire? Ah ouais, je lui mets une patate de sa mère là. Tout le monde, tu fais des doigts à ton patron. Ah ouais, comme dans la pub. Ouais, mon patron, bah va te faire enculer. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Il y avait une vidéo comme ça où une meuf elle avait fait ça à son mec et le mec il la jette. Tu lui dis, ouais, tu dégages, t'es trompé avec ta meilleure amie, j'en ai rien à foutre de ta gueule, tu prends tes affaires. Tu te barres alors qu'en fait peanuts. Et la meuf, elle essaie, en fait, elle essaie de lui dire qu'il avait perdu. Il fait, ouais, j'en ai rien à foutre, tu te casses. Ouais, c'est ça. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait perdu, il est tombé de haut. Bon, Kevin, bon, bah, t'as plein d'idées maintenant. Tiens-nous au courant de celles que tu vas faire. Ça marche, merci beaucoup. D'accord. Merci. Salut, Kevin. Bonne soirée. Allez, ciao. Ciao à toi. Ouais, Kevin. Moi, je vais juste passer une dédicace. Allez, vas-y en speed là. Une seule personne, choisis la bonne. Une petite dédicace à ma copine Pauline que j'aime. Voilà. D'accord. Eh ben voilà, très bien. Salut, Kevin. Merci d'avoir appelé. Allez, ciao à toi, Kevin. On va se faire. On va récupérer Arnaud dans un instant. Il y a Ludovic aussi pour parler à Pauline. On fera ça juste après le chéri. Je peux te faire cocu qui va débarquer sur Fun Radio. Et on va s'écouter aussi le son de Saya. Ah, Chandelier. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à minuit. Je vous repose la question également pour gagner la tablette Asus MemoPad 10 juste après la pub. On revient dans deux secondes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Mickaël No Limit, 20h minuit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, bienvenue si vous arrivez 20h52 avec tous les messages qui arrivent par rapport aux boîtes dans lesquelles vous sortez le plus souvent. Quel est le nom de ces boîtes? Il y a Antoine qui proposait le chat noir à Dijon, c'est moi après le poisson rouge. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Samir aussi, j'y vais pas mais il y a le Pacha Club à côté de chez moi. À Charleroi il y avait le Carré Blanc d'après la friterie Alba. Il y avait Christopher qui dit moi je l'ai dit le Sphinx. Ah ben j'avais pas vu Christopher. Allez la France sur le Twitter qui dit pour le cadeau tu prends une boîte en carton, tu mets rien dedans et tu l'emballes et tu lui offres. Ouais, c'était une idée aussi ça. Thomas, tu lui offres des Oreos, tu remplaces le blanc par du dentifrice, c'est dégueulasse. Shannon qui dit le Pipers à Attu, c'est dans le sud de la Belgique. Ness également, je sors souvent à l'Atrium à Reims ou l'Allegra à Châlons en Champagne. Bonsoir everyone pour Ness, bah salut Ness. Et alors, club échangiste, on en parle ou pas? Bah si tu veux, Benjamin, là on parlait plus de club, des discothèques, des boîtes quoi. Et la douce Fada qui dit gros coup de pelle à mon cousin qui écoute une autre radio de merde. Bah bravo la douce Fada, putain, je te jure, tu sais. Je vais même pas lui mettre un coup de pelle. On va pas salir notre pelle. Non. Voilà, on va pas la salir. Et le César Palace qui dit bonne route au routier. Bah bonne route au routier justement. Et Stéphanie qui dit j'avais oublié l'horaire d'été, j'attendais bêtement 23h. Bon bah me voilà. Bah bravo Stéphanie, là, sans déconner. Si même les fidèles ils oublient, alors où va-t-on? Mais oui, c'est un scandale. Où va-t-on? C'est un scandale. Bon, il est 20h53. Il y a du monde qui commence à arriver là pour Pauline qui cherche un mec. Elle a 31 ans. Les mensurations, toi, fin Les mensurations. Alors, 1m70, 59 kg, 85B et 38 pour le dernier pantalon. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, bah, vous envoyez MIKL et votre message et votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle au 64 900. Julie qui dit le club de la plage à Bordeaux. Il y a le Titan pour Pauline également, là. Moi, je vais pas en boîte. D'accord, ok, très bien. Et puis, il y a aussi l'Equinox à Toulouse. Ah oui, l'Equinox, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Donc, dites-nous. Hein, bon, vous nous appelez. Et le Caliente, bien sûr. Wow, ah, hein. Oui. Magnifique boîte. On sera d'ailleurs nouveau au mois de septembre. Et Maëva qui dit à Rodez dans l'Aveyron, il y a le Sunset Club de Rodez, c'est dans le 12 ça. Bon bah très bien, continuez à nous donner vos clubs là. Et puis dans un instant également à 22h, je vous offrirai votre tablette, la Asus MemoPad 10. Pour ça il faut répondre à la petite question là, comme chaque soir. C'est encore un vrai ou faux ce soir. Alors Robert Pattinson aurait peur des clowns, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux, et vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. C'est pas plus compliqué que ça. Je tire au sort avant 22h l'un d'entre vous qui repartira avec sa tablette d'une valeur de 200 euros, et en plus de ça il sera livré pour la moitié du mois de juillet. Allez, on va se faire le chéri je peux te faire cocu pendant les vacances là tous les soirs vers 20h50, et on va accueillir Delphine qui est avec nous. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Bon, oui bah très bien, plutôt pas mal, tranquillement. Bon alors Delphine, on va se faire un petit chéri je peux te faire cocu. Allez, magnifique. Parfait. T'as quel âge toi, Delphine? J'ai 31 ans. Bon, eh ben écoute, on va appeler ton mec. T'es avec lui depuis combien de temps, dis-moi? 6 ans. D'accord. Comment il s'appelle? Damien. D'accord. Est-ce que il est où là actuellement là, par rapport à il toi? Il est dans son camion et il attend le départ. Bon, très bien. Est-ce qu'il a des défauts physiques? Juste la prise de poids pendant ma grossesse et qu'il est chauve. Ah oui, bah, ça c'est déjà pas mal. C'est bien, ça, très bien. Mais pourquoi tu restes avec? Oui, c'est ça. Et s'il est chauve et qu'il est gros? Ah mais moi je l'aime comme il est moi. Oh so sweet, c'est bien. Bon ok d'accord. Alors où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer récemment justement? L'école primaire. Oui par exemple. Oui, je pourrais être le papa d'une petite fille. Vu que je suis toujours toute seule et qu'on me voit toujours toute seule à l'école. Ben voilà c'est ça, c'est très bien, ben, c'est parfait. T'es dans quelle ville toi au fait? Branges. À Branche, d'accord, ok. Et petit patelin de... D'accord, et c'est quoi le petit patelin qui est à côté, genre Arbre. La ville la plus proche, la plus grande ville, ouais, Chalon-sur-Saône. Ok, très bien. Eh ben écoute, on y va, on l'appelle, bonne chance. Si tu gères bien, tu repars avec les cadeaux comme promis. Donc, eh ben on y va. Hein, Delphine, ça y est, c'est parti. Allez, allez. Il a quel âge, lui, au fait? 34. 34, d'accord, ok. Allez. Je risque de mal te parler, c'est pas grave. Hein. Oui. Allô. Pourquoi t'appelles en masqué? Allô, cœur. Oui. Ça va? Tu m'appelles en numéro privé. Ah, ça y est. T'as peur. Tu m'appelles en numéro privé? Oh, bah, ça doit être Rémi. Il a joué avec mon téléphone. Il a dû faire une mauvaise manip. Il faut le préparer. Voir, elle fait bien. J'ai un truc à te demander. Oui. Bah, tu sais, ça fait un moment, là, quand je vais à l'école, il y a un papa là qui me tourne un peu autour. Et je l'ai dépanné cet après-midi, j'ai récupéré sa fille. Et il est resté avec nous manger et... Quoi? Attends, il est réveillé. Et pourquoi le mec est resté nuit à la maison? Enfin bon, et bah, tu sais qu'on... Voilà, merde, on a dit qu'on se dit les trous. Je suis désolé Delphine, là, j'ai cassé l'assiette. Quoi? Aussi qui ça? Ah, je suis désolé hein, pour l'assiette là, bah écoute... Il m'a mis l'assiette dans le lave-vaisselle, il l'a fait tomber, il a cassé. Je suis vraiment désolé. Attends, sinon je lave, hein, c'est pas grave, je vais laver à la main, c'est mieux, c'est plus sûr. Ah, dis-lui que tu fermes sa gueule ce fils de pute là. Quoi, c'est un culé là, il est chez nous? Non mais attends, on parle mieux, car y a rien de mal. Attends, c'est... non, ferme ta gueule. Il est où là le mec là? T'es où là? Je suis dans le salon. Non, écoute, attends. Je vais aspirer, hein. Ferme ta gueule, putain, oh le con de... Allô? T'es qui à toi, espèce d'enculé? T'es qui toi? Bah dis donc, un peu de respect, on s'est jamais eu au téléphone encore. Et alors, ben t'inquiète pas que le respect, je vais t'apprendre ce que c'est déjà. Qu'est-ce que tu fous déjà chez moi sous mon toit? C'est qu'il y a mes enfants qui dorment, toi, espèce d'enculé de tout, t'es mort. Ah non mais là ils dorment, hein, moi j'ai rien fait hein. Ouais et alors? Bah rien, moi c'est Michel pour me présenter. Comment tu t'appelles? Ça te regarde déjà comment je m'appelle? Bah oui, enfin c'était pour lier des liens. C'est plutôt à moi, ça me regarde comment tu t'appelles. Bah moi je m'appelle Michel. Putain Michel, et en plus t'as un nom de PD toi, mais qui suis fou chez moi toi. Quel rapport t'es... Dis donc un peu de respect, c'était le prénom de mon grand-père qui lui-même le tenait de l'arrière-grand-père et qui a eu effectivement deux enfants avec quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'ils m'ont appelé Michel, donc un peu de respect envers la famille. Bah c'est quoi, va tous les éterrer, t'es mort, et va les enculer en même temps pendant qu'on y est. Dis donc Ah vas-y reste tranquille toi, vas-y repasse-moi ma femme. Bon toi, sinon parce que j'ai toujours... Ma femme. Non mais une seconde, non parce qu'elle est en train de nettoyer là. Mais en fait vas-y, c'est parce que... Vas-y, je m'en bats les couilles, vas-y. Mais non mais parce que... Je lui ai posé une question et elle a dit qu'elle devait avoir ton avis. Question de quoi? Bah en fait si tu veux... C'est-à-dire que... Non mais c'est-à-dire qu'en fait donc si tu veux moi je la vois souvent à la sortie de l'école. Et bon moi j'ai un petit garçon qui a 6 ans aussi. Et vas-y, voilà. Et donc du coup comme bon bah moi ma femme s'est barrée avec les meubles et tout le bordel il y a 2 ans, enfin bref une histoire. Tu veux que je te raconte ou pas? Non, vas-y, écoute-moi. Ah bon. Mais non mais il faut pas s'énerver, tout va bien. Ta gueule. Comme je la vois souvent tout seul, au début je croyais qu'elle était célibataire. Alors du coup j'étais lui parler, hein, normal. Bon. Non, elle est célibataire, bah. Eh ben, écoute, mais non, enfin je peux pas le savoir. Regarde bien sa main, il y a une bague autour de sa main. Bah et alors, n'importe qui peut avoir une bague, hein. Il est bête. Oh qu'il est con. Enfin bon. Et donc du coup j'ai discuté un peu avec elle, je lui ai offert un café et tout, et comme nos enfants s'entendent bien, et ben du coup je lui ai proposé de coucher avec elle un soir. Et donc elle m'a dit ok mais il faut. Vas-y. Elle m'a dit ok mais il fallait d'abord te demander ton avis donc c'est pour ça qu'on t'appelle. Mon avis, tu vois, l'espèce d'enculé, je vais dételer, t'es chez moi, t'as des couilles, t'es un homme. Je vais dételer la remorque. Ah bah oui, quoi, j'ai des couilles, oui, ça c'est. Je vais te donner un bon conseil mon ami, hein. C'est oui. Quoi tu vois la table basse, prends l'apéro, sers-toi le jaune, sers-toi le pastaga avec des petits garçons, tranquille, prends ton temps. Ah c'est ce que je comptais faire, oui. Voilà, prends ton temps, je vais dételer là, tu sais quoi. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Mais je comprends pas. Pourquoi tant de violence, monsieur? Tant de violence? Je préfère vous dire monsieur, parce que finalement, bon. Écoute-moi bien, le con de ta mère, tu me téléphones comme ça, putain, déjà pour me demander pour niquer ma femme, et tu crois que je vais réagir comment? Je vais dire, vas-y, fais ton plaisir. Mais non, mais c'est pas ça, pourquoi le prendre mal comme ça? Pourquoi le prendre mal? Viens devant moi, tu vas voir comment je le prends bien. Bah non, mais là, d'ici à ce que tu arrives, je serai parti, mais bon. Non, mais je te dis, vas-y, prends ton temps. Attends, attends une seconde, attends, Repasse-moi ma femme, toi, je vais t'enculer, toi. Vas-y, non, mais enfin, non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas gay. Ta gueule. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas gay. Vas-y, j'en t'encule, là, putain, là, t'es en train de me mettre les nerfs, pendant. Mais non, mais vous voulez m'enculer, mais je ne suis pas gay, donc ça ne m'intéresse pas. Mais, bah, putain, passe-moi ma femme. Bon, attendez, attendez, je la repasse. Delphine, bon, c'est bon, il est d'accord. Mais il faut que je sois parti dans 3 heures. Putain, tout est mort, toi. Voilà, dans 3 heures maximum, faut que je sois parti. Et j'ai besoin d'être sûr que ce soit toi. J'ai besoin d'être sûr et c'est l'occasion où j'arrive. Oh, wow. Vas-y, arrête de lui parler, toi. Donc, c'est d'accord. Donc, elle est d'accord. On a discuté. Il est d'accord, pardon. On a discuté et bah, il est plutôt gentil. Hein. Tu m'as dit qu'il était assez nerveux, mais en fait, il est gentil. Et rassure-toi, ça se voit pas. Tu peux lui dire que ça se voit pas qu'il est chauve et gros. Il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est vrai, t'es d'accord. Toi, attends, t'inquiète pas. Là, je vais appeler Pascal, je vais détenir la remorque, je m'en bats les couilles, je vais me faire remplacer. Toi, je viens avec le camion, je vais vous écraser, je vais te passer dessus. Mais le prends pas comme ça, toi. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux mettre un peu de musique. Ah oui, regarde. La commande, elle est à côté de l'enceinte. Ah cool, attends. Ah bah parfait. Vas-y, t'inquiète pas. On va se mettre un petit slow. Moi, tu m'as record, même deux. Dis-moi la bouteille, j'arrive. Ah non, je te parle, tu me comprends ou pas? Oui, c'est quoi, je suis en train de comprendre. Non mais il faut dire qu'une copie. Toi, je vais t'enterrer dans le jardin et je vais te mettre ma bite dans la bouche. Je te jure, tu vas demander du pain tellement j'ai. Non mais là, il t'entend plus là. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Toi, je t'ai demandé un mariage, toi. Mais tu sais quoi, mais tu vas te faire enculer. Mais bien profond. Je vais j'ai besoin d'être sûr avant de m'engager. Ça me fait flipper, t'arrives à comprendre. Bon. Delphine. Je suis 300 heures par mois pour que tu me casses les couilles. Je suis en train de me couper. T'avais raison, effectivement. Ouais. Bon, Damien. Mais non, Damien. Écoute quoi, je vais t'enculer. Mais non, tu vas pas m'enculer. 15 secondes, s'il te plaît. Il faut 44 tonnes dans le cul, je vais vous frapper la gueule. S'il te plaît, écoute. Bon, d'habitude, je demande de t'excuser, mais là, je pense que c'est pas possible. Mais c'est. Mais non. Tu veux que je m'excuse de quoi? Mais non. Damien, c'est Toff, t'es en direct sur Fun Radio. Voilà, si tu viens le tuer, n'hésite pas, je m'appelle Toff. Arrête, tu me prends pour un con là ou quoi? Mais non. T'es à la radio. Damien. Mais t'es à la radio. Eh, regarde, je vais te mettre ta jingle, si tu me crois pas là. Regarde, je t'en mets un là, regarde, attends, il faut que je cale là. Attends, merde. Voilà. Tous les soirs, 23h, 2h. Voilà. MKLL, nos limites. Eh oui. Sur Fun Radio. Voilà. Mais oui. Écoute, elle nous avait dit que t'étais plutôt du style à t'énerver rapidement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Ah non, mais c'est un pur Marseillais, tu peux pas tomber. Ah bah oui. Eh, allez l'OM. Allez l'OM, eh oui, gros but. Ah, ça l'a calmé, tu sais. Prochaine fois, est-ce que c'est possible d'attendre que je prenne un café au moins, là? Ouais, mais dis-toi, vois le côté positif, c'est-à-dire que là maintenant, t'es un peu nerveux, mais tu te dis quand même que c'est une bonne nouvelle, que ta femme est à la maison, que tout va bien, et que le Michel est pas du tout tout près d'elle, quoi. Non, putain, mais sérieux, là, tu m'as mis les nerfs, putain, j'ai Bon, ça j'abrose va aller, ça la va aller. Que j'arrive. Ah ouais, je vais te mettre le 44 tonnes dans le cul. J'ai adoré. Allez, rock'n'roll, Damien, là. Bon, Delphine, on va quand même te filer le casque audio, ça vaut 200€. On va t'envoyer ça, je te repasse Sandro au standard. Damien, enfin l'un des deux, de toute façon, ça arrivera au même endroit, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas d'avoir joué, gros bisous tous les deux et bon courage, Damien. Damien, allez l'OM. Allez l'OM, jusqu'à la mort. Eh oui. Allez, bonne soirée à vous, bye. Bonne soirée. Bon. Allez, ciao. Et comme d'habitude, si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Aurélien qui dit du grand bordel ce canular. J'avoue, il était pas mal. Virginie 66 aussi, je vais t'enterrer dans le jardin et te mettre ma bite dans ta bouche, mort de rire. Il était un peu vénère. Hein. Jojo 78 d'ailleurs qui dit enculé de ta race de mer, il est vénère, je confirme. Mister Steven, un peu violence monsieur quand même. Ouais, mais bon, faut se mettre à sa place, évidemment. Voilà, faut se mettre à sa place. Et Stéphanie qui dit moi en boîte de nuit, il y a le Triolet à La Rochelle, puisqu'on vous demandait aussi les noms de boîtes de nuit là que dans lesquelles vous sortez, quels sont les noms de ces boîtes. Arthur qui lit le Pacha Club à Gujan, et puis tous les messages encore. Hein. N'hésitez pas, et Mickaël et votre message, vous envoyez ça au 64 900. On va récupérer Pauline dans quelques minutes. T'es là, Pauline ? Pauline ? Oui ! Oh, mais qui c'est qui parle ? C'est pas toi, puisque tu viens de dire Pauline. Mais oui. Comme si on t'appelait. Ah, il y a un canard derrière là. Pauline, c'est qui le canard derrière? Il y a quelqu'un. C'est ma meilleure amie, c'est Lali. Voilà, c'est ma meilleure amie Lali. C'est bien elle qui avait fait. Elle est mignonne Lali ou pas? Ah bah voilà. Ouais. Dis-lui qu'elle envoie une photo à polo@funradio.fr. Non, elle est pas célibataire Lali. Mais ah oui, mais c'est pas grave, juste pour branler. Polo est pas dans le détail. Bon, Pauline. Moi célibataire. Pauline, ouais. Reste avec nous. Il y a Georges et Arnaud dans un instant qui veulent un petit peu gérer avec toi. Donc tu restes là, Pauline. Et puis on va se faire le je t'emmerde également là, ce grand et magnifique jeu que nous allons faire dans quelques minutes. Si vous voulez jouer avec nous, il y a des casques à gagner, les Jabra offerts par la maison du GSM.com. Ça vaut 120€. Bah vous envoyez, enfin vous nous appelez maintenant pour jouer avec nous. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a le son de Jason Derulo et Snoop qui arrive. Wiggle sur Fun Radio. Ça arrive juste après la pub. On se fait la pub. En hyper speed et on revient dans quelques secondes sur Fun Radio. Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, tu n'as pas le droit. Bah non, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Attends, je vais essayer là. Ah bah là, ça marche. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct 21h09 sur Fun Radio avec Léa qui disait pas mal le canular de tout à l'heure. Ouais, on s'est bien marré avec le Marseillais là. Ah bon. Ouais. Toujours la tablette à gagner, tablette la Asus MemoPad 10 qu'on vous offre, elle vaut 200€, il faut bêtement répondre à une question, pas très compliqué dans l'idée. Robert Pattinson aurait peur des clowns. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un ou deux, un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900. Et si vous êtes tiré au sort avant 22h, dans moins de 50 minutes, et bien vous repartirez avec cette magnifique tablette. Elle est super belle et elle vaut 200€. Ouais, et surtout ça le principal. Et en plus vous serez livré dans le milieu du mois de juillet. Ce qui veut dire que si vous partez en vacances, bah vous l'aurez peut-être pour partir en vacances. Et si vous partez pas, vous aurez de quoi passer le temps. Vous envoyez un ou deux, un pour vrai, deux pour faux au 64 900 ou 63 22 pour la Belgique. Robert Pattinson aurait peur des clowns. Voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On en parle dans un instant sur Fun Radio. Retour avec Pauline aussi là pour la drague. Elle voulait trouver un mec en l'occurrence. On a Georges et on a Arnaud pour elle dans quelques instants. Et puis on va se faire le je t'emmerde avec Geoffrey et Jordan. Ce sera juste après le son de Jason Derulo et Snoop. Maintenant sur Fun Radio, we go, we go, we go, we go, we go sur Fun. Hey yo, Jace. Damn, baby, you got a bright future behind you. Le son de Jason Derulo et Snoop sur Fun Radio à l'instant, là, c'était Wiggle. Il y aura Saya aussi sur avec le chandelier là, hein, ce sera ça là. Et puis je vous calerai aussi le son de Coldplay avec A Sky Full of Stars sur Fun Radio. Allez, si vous voulez demander un son, n'hésitez pas aussi. Mickaël et votre message au 64 900 ou alors par le Twitter. Hein, vous mettez le hashtag Mickaël 20h minuit sur Fun. On lit tous vos messages en direct. Comme Devers45 qui dit salut ma team. De ouf, comment ça va ce soir? Moi, ça va tranquille. Et Toff, peut-être en silence pour faire vacances. C'est une idée. D'accord. C'est une idée, on va y penser. Dans un quart d'heure également, les appels malveillants. Et puis on va aussi, dans quelques minutes, faire le jeu t'emmerde, le magnifique et grand jeu que nous faisons tous les mercredis soirs. Bon, d'habitude, c'est un peu plus tard, évidemment, puisqu'on est à 23h d'habitude. Mais là, évidemment, on le fait plus tôt, puisqu'on fait 20h minuit. Pauline est de retour. Pauline. Oh là là, oh, mais tu peux. Hey, Pauline, on dirait. Téléphone. Attends, on dirait un soldat derrière la copine là. Pauline. Non, ça raconte. Merde, elle est relou. Attends, on va la rappeler. Et l'autre qui gueule derrière, je vois. Pauline. C'est genre, elle peut pas rester à côté. Elle peut pas rester avec le téléphone, tu sais. Bon, on la rappelle. Ce serait dommage pour Georges et pour Arnaud, hein. Ça, si près du but de lui parler, et puis hop, malheureusement. Le drame. Oui, allô. Bon, Pauline, mais comment ça se fait que t'es jamais à côté de ton téléphone? Non, si, je suis tout le temps à côté de mon téléphone, mais là, j'ai fait une mauvaise manip. Non, bah non, non. Mimi qui est à côté. Non, non, parce que là, c'est ta copine qui t'a appelé comme ça fait la troisième fois. Pauline, viens. C'est genre, t'es à le bout de la pièce, là. Donc, qu'est-ce que tu fous, Pauline? Bah, là, je fous rien. Bon, coupe la radio déjà, Pauline, là, ça fera moins d'écho, là, comme ça. On attend ta photo pour voir à quoi tu ressembles, pour voir si t'es sexy ou pas. Ouais, voilà, enfin, c'est surtout pour que... J'ai pas envoyé de photo. Ah bah, t'as bien fait. Bon, il y a Arnaud qui est avec nous, là, de Chigny. Salut Arnaud, dans le Loiret. Salut Mickaël, salut toute l'équipe, comment allez-vous? Ça va et toi? Bah, ça va, au boulot. Ah bah, très bien, tu fais quoi dans la vie? Agent de sécurité. Agent de sécu, ouais, donc t'as le temps de nous appeler, quoi. Ah bah, là, oui. Bah oui, oui, agent de sécu, le problème c'est que quand, je pense en tout cas, que quand il n'y a pas de problème, évidemment, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'est ça. À part tourner et attendre que quelqu'un vienne te braquer, hein, ce que t'espères pas dans un sens, au final, bah c'est vrai, au final c'est ça. Bah oui. Donc, bah oui. Mais bon. Tu surveilles quoi toi? Bah là, je suis à la préfecture. Ah. Ah ouais, donc tu peux pas nous voler des cartes d'identité, des trucs comme ça? Des permis de conduire surtout. Des permis de conduire? Ah non, là c'est la préfecture de la région centre. Ah merde, merde. Non, parce que sinon t'aurais pu piquer une carte d'identité parce que Toff il voudrait devenir français. Parce que comme il est algérien pour l'instant, il aimerait bien changer de nationalité, mais on ne lui accorde pas la nationalité française. Et c'est scandaleux. C'est un clando. C'est un clandestin pour l'instant, exactement. Faut qu'il rentre dans son pays, Toff. Hein. Bah oui, écoute, bah on hésite à le renvoyer à Alger, là, parce que je rappelle qu'il est dans une poubelle à Alger. Et peut-être qu'on va en renvoyer là-bas, je sais pas. Pauline! Oui! Mais comment ça se fait que tu racontes toujours ta life à côté? C'est dingue ça! Bah oui, mais j'ai une grande gueule qui est... Passe-nous Lali! Lali! Attends, je vous la passe! Lali, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quoi ce bordel là? Bah écoute, on est en train de délirer là toutes les deux, on fait notre petit délire et voilà. Et donc ouais, effectivement, je hurle comme un âne derrière, mais parce que je suis trop contente, tu comprends? Non, je comprends pas. Bon bah ça. Mais si. Bon. Mais non, mais voilà, ma Mimi, tu vois, elle mérite l'amour, elle mérite le bonheur, elle mérite tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Ouais. Et je suis là pour elle et voilà, ça Lali... qu'elle trouve l'homme de sa vie. Lali, entre nous, pourquoi elle a fait la dinde avec son ex? Ouais, parce qu'elle était con là. Bah ouais, non mais voilà. En même temps, tu sais, les filles, elles font pas toujours que des choses bien. Ah oui, c'est rare. Non, parce que là, pour ceux qui viennent de débarquer, en gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit à son mec qu'elle avait trompé parce qu'elle sentait qu'il se désintéressait un peu. Et elle a cru que, hop, il allait revenir comme ça et qu'elle allait pas se faire virer. Alors qu'elle l'a pas trompé. En même temps, les mecs, tu sais, des fois, faut pas trop chercher, tu vois, tu sors un truc comme ça et puis ils reviennent au galop, mais là ouais. C'est planté. Bah là, voilà, c'est dommage, j'ai été tombé sur un mec un peu intelligent, bah tant pis, écoute. Bah voilà, c'est ça. Bon, Lali, repasse-moi Pauline. Je te repasse ma Mimi. Voilà, repasse-la. Allô. Bon, je te présente Arnaud, Pauline. Oui. Bonsoir, Pauline. Comment tu vas? Bonsoir, ça va bien, toi? Bah ça va, tu fais quoi toi dans la vie? Je travaille dans une boîte de recouvrement. Oh là là, la salope. Oui, bonsoir monsieur, je m'appelle Pauline, vous n'avez plus d'argent, et bien demain vous en aurez encore moins. Je prends mais non, tout. Mais moi j'appelle... Non, moi je n'appelle pas les débiteurs et les clients. Bah tu fais quoi alors? Le ménage. En fait moi je suis au scan, donc je scanne tout ce qui est documents juridiques, voilà. D'accord. Donc si t'offres un petit souci au niveau d'un recouvrement, tu pourrais éventuellement malencontreusement perdre un papier quoi. Même pas. Parce que j'ai 2-3 dossiers à écouler là. Ouais. C'est Lali la méchante parce que Lali, ma meilleure amie que vous avez eue tout à l'heure, elle appelle les clients et les débiteurs. C'est la méchante. Putain, ça je pourrais pas faire moi. Ils sont super drôles hein, parce que moi j'en ai eu 2-3, je peux t'assurer c'est des sketchs hein, ils sont imaginatifs et tout hein. Ah ouais bah oui forcément qu'ils essaient de te retrouver. Non, moi je suis la gentille. J'appelle personne, je scanne tous les documents qui arrivent. D'accord. Bon attends parce que du coup on sort du dossier là. Arnaud, vas-y continue. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Quel âge tu as, Arnaud? Mec, moi j'ai 24 ans. 24 ans, ça, mais tu sais que j'ai 21 ans. Allez, alors. 31, ça me gêne pas, moi. 31, pardon. Oui, 31, parce qu'elle sera jolie, là, je me dis, bah attends, elle, j'ai 21 ans. Ouais, non, merde, 31, je me suis trompé, j'ai oublié. Bon, j'ai, oui. J'ai 31 ans et j'ai un petit garçon de 9 ans. Oh, oui, oh là là, Pauline, Arnaud, casse-toi en courant. Pars vite. Hey, non, tu retournes pas, cours. Il est adorable, il est à côté, il veut vous parler en plus. Ouais, bah attends, on est doux après. Non, d'abord on te trouve un mec et après on prendra le doux, là, on fera un doux officiel. Bon, est-ce D'accord. qu'il a une voix aiguë, hein? Qui ça? Bah le petit. Mon fils? Oui, non, bah, il a une voix grave. Ouais, mon cul, ouais, je suis sûr. Eh, hey, salut, ça va? Ouais, je suis un doux. Non. Ouais, non, parce on verra. Qu'il a une voix de le mal. Bon, on verra. Arnaud! Il s'appelle comment? Pauline? Il ne s'appelle pas. Oui. Il s'appelle comment? Il demande Arnaud. Bah, je m'appelle Pauline. Mais non, mais le petit. Ah, il s'appelle Sacha. Sacha, voilà, Arnaud. Bon. Alors, Sacha, S-A-S-A. Oui, enfin, on s'en fout, Pauline. Après, non, nous raconter ta life, ah, quand non, même, disons qu'alors. Non. Bon, attends, non, bouge pas. Arnaud, bouge pas. Il y a Georges qui est avec nous également, là. Georges, t'es là? Ouais. Bon, alors, il y a Pauline qui est là. Vas-y, Georges. Oui, bonjour, Pauline. Georges, c'est le ouf. Bonjour, Georges. Comment vas-tu? On l'a déjà eu plusieurs fois. Bah, très bien, et toi? Ouais, tu fais quoi dans la vie? Eh ben dans la vie, je travaille dans une boîte de recouvrement. Oh, c'est bien ça. Ah bon, t'es dans le bâtiment? Bah, c'est un boulot comme un autre. Moi, je travaille dans le commerce. D'accord. Je vends de la drogue. Et puis, j'ai... Et des armes. Tu as 20 ans? Ouais. 18 ans. Tu sais que j'ai 31 ans. L'amour n'a pas d'âge, Pauline. Ouais. Non, c'est sûr, mais bon, j'ai 31 ans, j'ai un petit garçon de 9 ans. Piges, j'essaie de nous emmerder, ouais, ça me gêne pas. Hein. De côté. Ah bah ouais, ça me gêne pas. L'autre, pour une fois qu'il est une meuf là au bas qui a mordu à l'hameçon. Tu fais quoi d'autre, Pauline, dans la vie? Tu sors en boîte? Je sors en boîte, j'adore le hockey sur glace. Mon fils fait du hockey sur glace. Ça a les mêmes goûts que moi en plus. Comme par hasard. Tu adores le hockey sur glace? Ouais. D'accord. Le whisky sur glace. Ouais, c'est quoi d'autre? Bah à part ça, je fais pas grand chose en fait. Toi, je m'occupe de mon fils, je travaille, je m'occupe de ma maison, donc voilà. Ouais. Et puis moi, je fais le ménage, donc ça va. Ah mais c'est bien que tu fasses le ménage. Les garçons, ils sont pas tous comme ça, Pauline. Ah non, c'est sûr. Ah, il était mauvais dragueur, on l'a coaché, c'est encore pire qu'avant. C'est peut-être de notre faute en fait. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, alors, Georges. Oui, bon, t'as eu ta chance, hein. Oui. Bon, t'as eu ta chance. On va encore attendre que d'autres mecs éventuellement appellent, hein, Pauline, hein, plus vieux peut-être. Oui. Voilà. Oui, et puis un peu plus vieux. Voilà. Un peu plus vieux. Et attendez, Pauline, tu restes avec nous. Si vous êtes intéressé par Pauline, les mecs là, vous envoyez M-I-K-L et votre numéro de téléphone au 64-900. Stéphanie qui dit oh Georges le retour. Rien que sa voix, ça me crispe. Et Nico qui dit je pourrais avoir un message de bienvenue, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Et voilà, en parlant des messages de bienvenue, je rappelle que bien sûr, on fera les appels dans quelques instants. Et oui, appels malveillants. Avant ça, il y a Geoffrey, il y a Jordan, on va jouer au. Je t'emmerde. Le jeu du je t'emmerde. Vous êtes là, les gars? Ouais, salut, les gars. Très bien. Je t'emmerde. Yo. Je t'emmerde. Et voilà, et je vous emmerde tous. Geoffrey qui appelle de l'Aigle dans l'Orne, c'est ça? Ouais. Et Jordan qui appelle de Castres dans le 81. Ouais. Mais très tu es bien. Sur un aigle, là, actuellement? Ouais. Tu voles? Sur un aigle, ouais, je vole. Hein. Ouais, bon. Il vole. Tout le monde vole, ça va être cool. Bon, Geoffrey, Jordan, le principe du je t'emmerde est très simple. Il y a un casque à gagner, ça vaut 120€. C'est un Jabra offert par la maison du GSM.com. Et le but, appeler des gens au hasard et leur faire leur placer un maximum de je t'emmerde dans la conversation. Sans qu'ils raccrochent, évidemment. D'accord? Attention, il faut bien dire je t'emmerde ou je t'emmerde. Il n'y a pas de je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc. C'est uniquement ces deux mots-là, je t'emmerde et je t'emmerde. D'accord? D'accord. Bon, qui veut commencer, Geoffrey ou Jordan? Vas-y, Geoffrey, je laisse la place à Geoffrey. Eh ben, on y va, Jordan. On va commencer par toi alors, puisque tu insistes. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant au hasard, Jordan. Bonne chance à toi. Sans te faire accrocher au nez, place le plus de je t'emmerde dans une conversation cohérente. Attention, hein. Il n'y a pas de je t'emmerde les uns derrière les autres. Il faut que la conversation, la discussion soit cohérente. C'est parti, on y va. Et dès que t'entends plus la musique là en dessous de toi, tu dis allô. Hey. Sois bon, Jordan. Ouais. Représente le 81. Nickel. Allô? Allô? C'est oui, bonjour, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai reçu une lettre de vous en me marquant. La fameuse lettre. T'emmerde. C'est tout? Oui, mais là, on a eu le fameux raccrochage. Non. Oui. J'ai reçu oui une lettre en me disant je t'emmerde. Donc c'est pour ça que je vous ai appelé parce que j'ai vous trouvé votre numéro. Et du coup, ben, je voulais voir pourquoi on m'avait envoyé ça, quoi. Je vois pas de quoi vous parlez, madame. En fait, j'ai reçu une lettre, je vous dis de Marquange, je t'emmerde en fait. Du coup, je sais pas pourquoi vous m'avez envoyé ça. Et pourquoi vous pensez que c'est moi qui vous ai envoyé ça? Parce que j'ai reçu le courrier avec votre nom. Et non, je m'appelle. Vous pensez que j'aurais mis mon nom si je voulais marquer je t'emmerde? C'était quoi le nom écrit? Ils sont bêtes. Ah là, je n'ai pas sous les yeux l'enveloppe, je peux pas vous dire là, mais moi je vous dis, j'ai reçu une lettre en marquant bien je t'emmerde. Oui, bah c'est pas moi qui ai envoyé cette lettre, madame. Moi, je pense que vous vous trompez, parce que j'ai pas que ça à faire. Ben non, du tout, je vous dis bien, c'est bien vous qui m'a marqué, je t'emmerde. Et comment je m'appelle alors que, comment vous savez? Là, je peux pas vous dire, j'ai pas l'enveloppe devant moi, mais arrêtez. J'ai pas que ça à faire, marqué je t'emmerde sur une lettre, je suis plus une gamine. Et, par contre, le jeu, c'est lui ou c'est elle qui doit dire je t'emmerde? Mais je sais pas. Vous avez trouvé un numéro, je sais pas où, donc c'est bon. Moi, j'ai pas du tout. Je peux vous dire pas votre nom parce que j'ai pas l'enveloppe devant mes yeux, c'est pour ça que je peux pas vous le dire. Après, c'est bien marqué, je t'emmerde, noir sur blanc, quoi. Ok, d'accord, bah si c'est marqué, peut-être que c'est marqué, mais c'est pas moi, donc c'est bon, arrêtez. Hop, elle est partie, Jordan. Ce qui nous en fait combien? 3. Hein? Non, ouais, c'est plus que ça, hein. Non, lui, là, c'est elle qui les disait tous les je t'emmerde. Moi aussi, je n'y dis pas mal, hein. Bah, t'es sûr? Moi, j'ai pas l'impression qu'il en disait, hein. Bon, attends, on va recompter parce que... Je vais réécouter l'appel, mais... Ouais, on va aller réécouter parce que j'ai l'impression qu'il y en a plus que 3 aussi, quand même, hein. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression, hein. C'était... chaque fois, c'était... Justement, je me disais, tiens, il en dit pas. Bon, on c'était va elle à chaque fois qu'il les disait. On va réécouter, Jordan. En attendant, Geoffrey c'est va... Foot, on va faire... ouais, on va faire un replay. Avec les arbitres, là. Voilà, c'est ça, on va voir, on va vérifier. Bon, vas-y, Geoffrey, à ton tour, on y va. Ok. Allez, et puis on mettra le son de ça y est avec Chandelier et on comptera pendant ce temps-là, tiens. Allez, dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô Geoffrey, hein, sois bon. Ok. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour madame. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi vous m'envoyez des je t'emmerde sur Twitter là? Vous devez vous tromper, hein. Non, vous devez vous tromper. Ben non, parce que je reçois plein de je t'emmerde. À la fin, ça devient chiant, quoi. Vous comprenez? Oui, elle comprend surtout qu'elle a raccroché. Bah voilà, ça nous a fait combien là alors, hein? On compte pas les derniers, bien sûr, puisqu'il avait déjà raccroché. Donc on compte quoi? On compte pas le dernier qu'il a dit. Donc ça fait 4. Donc ça fait 4. Très bien. Bon, Geoffrey 4. Jordan, du coup, reste avec nous. On va vérifier. On va aller réécouter ça pendant le son de Saïa avec Chandelier pour voir combien de je t'emmerde tu as dit. D'accord? Ok. Bon, allez, bougez pas tous les deux. On aura les appels malveillantes qui arrivent là. Et puis on aura Marion. Salut Marion, comment ça va? Allons, oui. Bonjour Mickaël. Ça va bien? T'es en forme? Oula, on n'entend rien Marion. On va te rappeler Marion parce que t'as pas de réseau là. Attends. Oui. On t'entend pas. Marion. Voilà, oui. Ah, c'est l'air d'aller. On parle de quoi dans un instant avec toi, Marion? Bah, en fait, je vais me marier bientôt et plus ça approche, plus je stresse. Oh bah écoute, on va parler avec toi dans un instant là. Marion, reste avec nous, surtout ne bouge pas de là. On va s'écouter le son de Saya comme promis maintenant. C'est Chandelier sur Fun Radio, il est 21h28. Et les appels malveillants, c'est juste après. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. C'est Fun Radio avec Saya à l'instant sur Fun, c'était Chandelier. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Évidemment, la semaine, on est là aussi, hein, 20h minuit pendant les vacances, là. Sinon, le dimanche, 20h minuit, la semaine, 23h-2h, ça, c'est pendant l'année. Ce sera de retour comme ça, d'ailleurs, dès la rentrée. Il y a Valérie qui dit, moi, c'est l'Amazon dans la boîte dans laquelle je sors le plus souvent. Il y a Émilie qui dit, le Popard Club, c'est à Castres. Le Diams sous l'Allegra pour Lolita. Et un message qui dit aussi, merci pour le bon son de tout à l'heure avec Jason Derulo. J'ai dansé dans ma voiture, sympa de faire la route avec vous. Bisous, la Dream Team, c'est Noémie. Eh ben, merci, Nono, gros bisous à toi aussi. Et Nadia qui dit aussi, bonne émission à tous everybody. Merci Nadia. Et Thibaut qui dit, ça fait un an que je vous écoute, je pourrais avoir un message de bienvenue s'il vous plaît. Mais bien sûr, il suffit de demander. Ah t'y, hop là, c'est parti. Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Voilà. Bon, alors retour maintenant avec les résultats. Geoffrey, Jordan, vous avez joué. Geoffrey t'as fait 4, je t'emmerde. Jordan t'en avais fait a priori 3, mais Toff a été réécouté. Et donc on en est à combien alors? Donc en vrai, j'en suis à 5. Seulement 5? 5, il n'y en a que 5. Il le dit 5 fois où il le dit en entier et il dit bien je t'emmerde. D'accord, ok. Bon, il, eh ben, voilà. Et il y a une fois où c'est tendancieux qu'on peut lui accorder ou pas, je sais pas. Bon, bah écoute, alors 5 alors, hein, Jordan. Même moi j'aurais cru que t'en avais dit plus. C'est vrai que la meuf. C'est vrai que la meuf en a dit beaucoup. C'est vrai, non, c'est, ouais. En fait c'est la meuf qui en dit le plus hein. Mais bon, écoute, c'est pas grave hein. Du coup on va refaire la deuxième manche hein. C'est quand même toi qui es en tête hein, avec 5 contre 4 pour Geoffrey. On y va du coup, Geoffrey, c'est à ton tour cette fois-ci, d'accord? Ok. Allez, on y va, on rappelle maintenant le principe toujours le même. Placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation la plus cohérente. Dès qu'il n'y a plus de musique, tu peux y aller et ne pas utiliser le même scénario. Allô, oui, je t'emmerde. Parce que là, recevoir un courrier avec des je t'emmerde, à la fin, j'en ai ras-le-bol. Mais qui, à qui vous parlez? À vous, je t'emmerde. T'as compris? Je t'emmerde. Tu me fais chier à la fin d'envoyer des courriers. Hop, tu comprends pas? Je t'emmerde. Le dernier n'est pas valide puisqu'il avait déjà raccroché. On en est à combien? 7. À 7, c'est bien, Geoffrey. Petit score, mais c'est bien. Bon, Jordan? Ouais. Bon, bah, à ton tour, hein. Faut faire 8 hein, pour gagner. Hein. Ouais. Ah ouais. Bon, la barre est pas si haute que ça. Hein. Y a moyen de gérer. Attention, ne pas utiliser le même scénario. Geoffrey, tu restes à côté là. Jordan, c'est à ton tour. Vas-y, dès qu'il y a plus la musique, tu dis allô. Allô. Allô. Oui, bonjour. Il paraît que vous m'emmerdez. Pardon. J'ai reçu des trucs là, des phrases quoi, comme quoi vous m'avez dit je t'emmerde. Ah, moi aussi, je t'emmerde. Ok. Je pense que vous avez fait une erreur de numéro parce que... Ah non, c'est bien vous qui avez dit je t'emmerde, moi aussi vous le dis, je t'emmerde, voilà, je vous... Ben, moi, c'est vous qui me l'avez dit, je t'emmerde, moi aussi je t'emmerde, voilà. Donc voilà, je t'emmerde, je te remerde. Alors, je vous appelais. Oui, oui, vous m'avez dit je t'emmerde. Ben, moi, je vous répète, je t'emmerde aussi. Personne n'a pris le combiné, monsieur. Donc bonne soirée. Ah ben, au revoir. Si, ben, au revoir. Hein, j'ai passé le... Il est parti. Il est parti. Alors, ouais. Il y avait 7 pour Geoffrey. Il y en a combien pour notre ami Jordan? Il y en a 9. Bah bravo Jordan. Bravo à toi Jordan. Eh ben c'est gagné hein. Ouais. Sur le fil, mais c'est gagné quand même. Bravo, bravo. Bon, et bah du coup, le casque Jabra est pour toi. Il vaut 120€. On va t'envoyer ça offert par Phone et par la maison du GSM.com. Désolé, Geoffrey. Hein. Ok, ouais, est-ce que tu pourrais devenir nous? Bah oui, Geoffrey, reste avec nous. Je te passe Polo dans un instant. Reste là, du coup. Jordan, tu voulais dire encore un truc? Ouais, je voulais faire une dédicace. Bah vas-y. Dédicace à Brian, dédicace à Angela. Et c'est tout. Et voilà, comme je dirais à mon pote vite fait. Comme je voulais lui dire, parce que je lui ai promis que je lui dirais, ah, vas-y. Ça m'aide. Bah très bien, voilà, je suis été gratuit. Bon, ça roule. Jordan, bravo, le casque est pour toi, tu restes au standard, on prend tes coordonnées. Ok, ça marche. Salut Jordan. Merci. Et avec plaisir, Jordan. Bon, on va se faire les appels malveillants et on récupérera Pauline avec Marc qui va débarquer là pour parler à Pauline, essayer de la draguer, on verra bien. J'ai vu un Ludo passer par SMS qui était intéressé aussi, qui savait faire le ménage, qui aimait bien les enfants, etc. On va essayer de te rappeler Ludo si t'as laissé ton numéro de téléphone. Hein, n'oublie pas de les laisser. Quand vous envoyez Mickaël et votre message, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. En attendant, les appels malveillants, eh ben on remet le couvert, on est tombé sur un... Une très charmante histoire, hein, au Texas, comme hier d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est un chômeur qui a décidé de postuler, évidemment. Il a envoyé son CV et sa photo au Pôle emploi. Et sauf qu'il a mis une photo en plus, une photo de sa bite, en espérant que ça passe mieux comme ça. Et ça n'a pas très très bien fonctionné. Hein. Du coup, on appelle des gens qui nous envoient des numéros de téléphone de gens très sympathiques à appeler sur le mail de Tof, toph@fanradio.fr, et on va leur demander si eux aussi ont déjà fait des photos de leur bite. Voilà, et juste ben, pour voir s'ils en font quoi. Eh ben, on y va, on appelle, 21h38 sur Fan Radio, Pauline le retour et Marion également, dans un instant sur Fan. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je voulais savoir si vous aviez déjà fait des photos de votre sexe, monsieur. Va te faire enculer, pauvre type. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Mec, bonjour monsieur, j'aimerais vous savoir si vous avez déjà fait des photos de votre sexe. Oh, oh, bah, oh donc, le malotru. Il a eu du mal à raccrocher, hein. J'aime bien la bonne femme derrière, là. Oh, on le rappelle. Je crois qu'on va tomber sur madame. Ce sera bien. Je pense. Elle avait l'air un peu choquée. Oui. Oui, bonsoir madame, j'étais en communication avec votre mari mais on a été coupé. C'est qui ? Je m'appelle Tof, madame. Ouais. Et en fait, je voulais savoir s'il avait déjà fait des photos de son sexe. Et vous, du vôtre ? Oui, moi ça m'est déjà arrivé. Eh ben c'est bien, pas nous, nous on s'arrange que tous les deux. Sur ce, écoutez, passez une bonne soirée et arrêtez de nous emmerder à l'heure là. Bonne nuit. Bah oui, mais répondez à ma question alors madame. Se couche tout à bonne nuit à 21h30. Bon, on rappelle encore une fois quand même. Attends. C'est des vieux. Oui, bah oui. Quoique, c'est la bonne femme, elle avait pas l'air si vieille. Hein. Elle est énervée. Oui, ça oui, ça oui. On la rappelle quand même. Oui, allô. Allô, pourquoi vous voulez pas répondre à ma question ? C'est pas gentil. Ouais, mais c'est pas gentil, mais vous avez pas de bol parce que c'est une ligne qui est sécurisée et elle est répertoriée. Donc oui. Vous allez avoir des problèmes à force de téléphoner. Oui, mais si vous répondiez à la question, monsieur, je serais pas obligé de vous rappeler. Ah, il y a d'autres... Bah, m'emmerde les autres personnes. Mais... Vous m'emmerdez, moi. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je vous pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre. Oui, non, puis voilà. Ah, donc vous ne faites pas de photos ? Non. Bah voilà, il suffisait de le dire, monsieur. Si vous aviez commencé par là. Ouais, hé, ta gueule, là, t'as pas à nous parler sur ce ton, petit merdeux. Mais enfin, madame, c'est vous qui êtes vulgaire et désagréable, et c'est moi qui dois parler sur un autre ton. Et c'est toi qui nous emmerdes, alors c'est pas moi qui suis venu chercher. Mais je vous alors tu tiens ton clapet, tu raccroches et tu nous lâches la basket. Mais je vous emmerde pas, madame, je vous pose juste une question, c'est vous qui faites des... C'est ennemi, fais pas chier le monde. Mais enfin, madame, pas de ça entre nous. Moi, je vous appelle gentiment. Et vous êtes désagréable et vulgaire. Oui. Non, je comprends pas pourquoi votre femme s'énerve, monsieur. Ouais. D'ailleurs, je trouve qu'elle devrait s'excuser pour toute cette vulgarité. Ah, mais il s'est raccroché au nez lui-même. Je pense qu'à mon avis, c'est Mémé qui est arrivé derrière, elle a dû raccrocher là. Ouais, il dit tiens, c'est bon, tu parles plus à enfin, ce tu peux fermer ton clapet. Ouais. Et tu nous lâches la basket. Et que nini. Bah, elle a peut-être qu'un pied. Hein. Que, oui, peut-être, oui. Que nini. Bon, 21h40 sur Fun, on en fera d'autres. Tout à l'heure, des appels malveillants. Il y aura le canular qui va débarquer dans un instant. Et je voulais vous demander aussi, tiens, c'est quoi votre parc d'attraction préféré ? Est-ce que vous avez déjà été dans un parc d'attraction ? Si oui, lequel ? Je vous demande parce qu'il y a Action Park, le parc d'attraction le plus dangereux du monde qui va réouvrir aux États-Unis. Il avait fermé dans les années 90 et après 6 morts surtout, il y avait environ 10 blessés par jour, donc ils l'ont fermé. Tu m'étonnes. J'espère qu'ils l'ont un peu sécurisé. Donc voilà, c'est quoi votre parc d'attraction préféré ? Et quelle est votre attraction préférée ? Vous nous envoyez vos messages, vous envoyez Mickaël et votre message au 64-900. Ou alors vous nous dites ça évidemment, Facebook, Twitter, vous balancez tous vos messages avec le hashtag M-I-K-L 20h minuit sur Fun. Retour avec Pauline, t'es là Pauline ? Oui Pauline, oui. Eh, t'es pas sérieuse Pauline à chaque fois là. Oui, bon. Je suis en attente, je t'attends, je t'écoute. Bon, très bien, il y a Marc qui est là puisque Pauline cherchait un mec. Est-ce que t'es là Marc ? Salut Mickaël. Salut Marc, l'équipe. Ça va bien ? Ça va. Bon, les deux autres ont été recalés, à toi de jouer maintenant Pauline, Marc. Hein. Pourtant Georges c'était un bon parti. Bah ouais, franchement ouais, c'est dommage, mais enfin bon. Bon alors Marc. Allô Pauline. Allô. Oui, ouais, enchanté. Enchanté. Ben écoute, tu disais que tu cherchais quelqu'un de plus âgé, donc moi j'ai 28 ans et j'ai deux petites filles, donc j'ai des enfants aussi. Oh, donc, d'accord. Recherche, ah, là il marque un point là. Et je recherche, voilà, quelque chose de... Bah, je recherche une meuf qui pourrait éventuellement torcher le fion de mes enfants. Et tu peux se garder, parce que moi, je sors en boîte tous les week-ends, et puis j'ai autre chose à foutre. Voilà. Ah, j'ai à l'hôtel avec des filles un peu de petites vertus, parce que là, voilà, quoi. Non, donc, ouais, voilà, je cherche quelque chose de sérieux. Et donc, après, je sais pas ce que toi, tu recherches éventuellement, mais ça serait sympa, déjà, de pouvoir s'échanger les numéros et apprendre de se connaître. Ah ben moi je cherche un truc, un petit coup d'un soir, hein, donc c'est apprendre à se connaître et pas de se connaître. Oui, on n'est pas dans le détail. Non, mais je dis ça comme ça. Ouais. C'est vrai. Bon, c'est où se connaître ? Ta gueule. Toi, derrière ton huc. Bon, du coup, Pauline. Oui. Que penses-tu de ce prétendant ? Ben déjà, il a l'air plus posé que les précédents. Certes, c'est vrai. Ouh, tu sais, c'est toujours les plus posés, les psychopathes et les assassins. C'est ça, regarde, ouais. Toff, il est posé. Hein. C'est un assassin en, voilà, en puissance. Toute puissance, exactement. Ouais. Bon, du coup, est-ce que vous n'avez pas plus de questions à vous poser ? Ou je sais pas, moi ? Parce qu'il y a un message qui est arrivé, il y a un message qui est arrivé, attends, est-ce qu'il sait faire la levrette ? Moi, je sais tout faire, Ah, bah très bien, bah voilà, donc sexuellement, tu es ouverte. Ah bah tout moi j'attaque aussi hein. Ah bah voilà, bah du coup Marc il a dégainé aussi. Il n'osait pas poser la question, mais bon, comme j'ai ouvert le... La brèche, hop, il est rentré. Il a pénétré la brèche. Immiscé. À défaut d'autre chose. Bon, du coup, puisque vous êtes ouverts tous les deux sexuellement, bah c'est très bien. Bon, c'est quoi ta position préférée Marc? Moi c'est... voilà, le vrai, j'aime bien. Bon, et toi Pauline? Bah moi aussi j'aime bien. Bah, voilà, voilà, vous êtes fait pour vous entendre. Mais oui. Ah bah ouais, c'est cool ça. Et j'aime bah bien. Voilà. S'entendre jouir surtout. Et oui, bah aussi. Après ça, c'est dans un autre esprit encore. Hein, mais bon. Bon, est-ce que vous voulez qu'on vous donne, vous échangez vos numéros de téléphone et vous faites votre life? Eh bah pour moi, il y a pas de souci. Oui, ça je me doute. Hein, c'est surtout pour Pauline que je pose la question. Non mais pourquoi pas. Bon. Bah c'est déjà ça. En revanche, Marc, ouais, je te souhaite bonne chance. Et si j'étais toi, je n'appellerais que demain. Pourquoi ? Parce que là, il y a la meilleure amie qui est là et qu'elle va mettre le haut-parleur et que c'est toujours la merde quand il y a la meilleure amie qui fout son nez dans le bordel. C'est ça. Alors que si tu y vas d'abord tout seul, il y a peut-être moyen. Il vaut mieux. Parce que c'est leur spécialité. Tu sais, le problème des meilleurs amis, c'est qu'elles passent leur temps à donner des conseils à la copine alors qu'elles ont des vies de merde. Va pas avec lui parce qu'il est comme ça. Mais regarde ton mec, il est chum, c'est un pourri, il passe son temps à picoler, regarde du foot. Voilà. Et c'est ça, et je les déteste les amis. Moi un jour j'étais en kiff sur une meuf, il y avait toujours sa meilleure amie, j'ai dû demander à Toff de me débarrasser de la meilleure amie, il a échoué. Oui, j'ai échoué. Quoi, il l'a assassiné? Non, de me débarrasser, genre de sortir avec elle, c'est pour m'en débarrasser quoi, bah il a échoué. Attends. Il dit de la tuer. Mika. Ouais Pauline. Michael, moi tout ce que je voulais dire c'est que le 18 juillet, je vais au Papa Tango avec ma meilleure amie. Qui veut, vient. Oui, ça, de toute façon, le Papa Tango, on n'a pas besoin d'autorisation pour y aller, hein, mais voilà. Bon, ce que je te propose, Pauline, c'est là qu'on voit qu'elle a placé la trentaine. Le 18 juillet En fait, ouais, je ne suis pas percuté, mais c'est pas la semaine prochaine. C'est dans 15 jours. C'est vrai que ça fait deux mois qu'elle a calé ça. C'est la trentenaire, parce qu'elle a trouvé quelqu'un pour garder son fils. Exactement. Parce que ce n'est pas ce week-end, ni le week-end prochain, c'est encore le week-end d'après. C'est le week-end d'encore après, exactement. Bon, Marc. C'est mieux que rien. Mais c'est vrai. Marc et Pauline, on va vous mettre en antenne, vous échangez ou pas vos numéros de téléphone, vous faites comme vous voulez. Et puis, vous nous tenez au courant, d'accord? Ça marche, okay. Bon, allez, salut à vous deux en tout cas. Salut, ciao à vous deux, bye bye. Et puis on va récupérer Marion aussi dans un instant qui va se marier, elle est en stress. Et il y a Geoffrey qui voulait devenir doux, là, t'es là Geoffrey? Ouais. Bon allez, je te passe Polo pour devenir doux officiel, c'est parti. Geoffrey, moi Polo, grand maître de la confrérie des doux et grand général de l'armée des doux, j'ai entendu ta demande, Geoffrey. Tête de bite. Tu veux devenir doux officiel? Oui. Eh bien mets-toi à genoux. C'est fait. Geoffrey, insulte-toi. Je suis qu'un connard, qu'un con, qu'un enculé, un fils de Toff. Parfait. Et bien maintenant, prends ton téléphone dans la main droite. Le problème, c'est que je les connais pas. Oui. Prends ton téléphone. Ah, le pire, c'est quand ils vont se marier et s'ils se couchent ensemble. Pardon, excusez-moi. Mais tu es mon frère. Prends ton téléphone dans la main droite. J'ai fait. Tape-le-toi sur la tête. C'est pas mal, Geoffrey. Geoffrey, tu es doux officiel, bravo. Bravo. Merci. Tu es le doux frais, le doux frais. Allez. Le doux frais. Oui, du Geoffrey, frais, fraîcheur. Ah ouais. D'accord, ok. Bon, bah le doux frais alors. Hein. Bah bienvenue dans la communauté. N'oublie pas de prévenir tous tes potes qu'il faut écouter l'émission tous les soirs. C'est sur Fun Radio que ça se passe, évidemment, d'accord? D'accord. Bon, et je compte sur toi. Est-ce qu'il vous resterait du jeu Watch Dogs? Ah non, ça en a plus les jeux Watch Dogs malheureusement Geoffrey. Faudra faire ça en le doufray. Ok. Bon bah tant pis. Est-ce que je pourrais participer au polo contre le reste du monde? Oui si tu veux, c'est tout à l'heure à minuit avec plaisir. Tu restes au standard et tu le dis à Sandro, on va te rappeler tout à l'heure, d'accord? D'accord. Salut à toi Geoffrey, on aura Roxane aussi dans un instant. Et le son de Coldplay arrive aussi. A Sky Full of Stars sur Fun Radio, vous restez là. Et le canular, eh ouais, canular va arriver aussi dans un instant sur Fun Radio. Puisque je vous rappelle que pendant l'été, on vous met les meilleurs de l'année. Et Dieu sait qu'il y a eu du lourd. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Mickaël, nos limites, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et oui, et le canular arrive sur Fun Radio avec les parcs d'attractions. Je vous ai demandé quels étaient vos parcs d'attractions préférés. Il y a Jojo78 qui dit moi je kiffe Parc Astérix, c'est comme attraction. Il y a Tonnerre de Zeus, Osiris et Goudurix. Qu'est-ce qu'il y a aussi Adeline qui dit à Salto en Allemagne, j'y étais encore la semaine dernière. Cédric aussi, le parc Aventura, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Il y a Nigloland pour Benjamin aussi. C'est bien marrant, ouais, Nigloland quand on avait été avec l'équipe. Hein. Ah oui, on s'est rigolé. C'est marrant, c'est... Non, mais parce que Nigloland, c'est pas ça l'histoire. Nigloland, ce qui est intéressant dans Nigloland, c'est qu'il y a un mec qui s'est fait passer pour Toff. Oui, ouais, c'est vrai, c'est ça, vrai. C'est énorme. Le faux Toff. Ah oui, un mec s'était fait passer pour Toff à Nigloland. C'est vrai, ça en plus. Bon, donc dites-nous, quel est votre parc d'attractions préféré? On en parle, puisqu'il y a un parc d'attractions qui est le plus dangereux donc, du monde, hein, avec 10 blessés par jour et 6 morts, dans les années 90 depuis. Il a fermé, mais là, il va réouvrir. Donc, du coup, je vous demandais quel était votre parc d'attractions préféré. Qu'est-ce que vous aimez dans les parcs d'attractions? Vous aimez, vous n'aimez pas? Bah, vous nous envoyez votre message, M-I-K-L, et votre message au 64 900 en laissant bien votre numéro de téléphone. Ou alors vous appelez direct le standard et vous passez avec nous à l'antenne 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Avant de prendre Mehdi pour faire le canular, je vous répète une toute dernière fois la question pour repartir avec la tablette. La Asus MemoPad 10, elle vaut 200 €. Je vous l'offre dans quelques minutes. Et donc, une question. Deux réponses possibles, hein, vrai ou faux. Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux. Et la question est la suivante. Donc, Robert Pattinson aurait peur des clowns. Vrai ou faux? Vous envoyez un ou deux. Un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et je vous tire au sort dans quelques minutes pour savoir lequel d'entre vous repartira avec cette tablette d'une valeur de 200 €. Et je vous souhaite évidemment bonne chance. Bon, il y a Mehdi qui est avec nous pour faire le canular. Salut Mehdi. On va faire quoi comme canular alors? Je vais dire que j'étais en train de jouer au poker avec des collègues. Attends, mais tu veux piéger qui d'abord? Tu veux piéger qui? Mon père. Ton père, d'accord, ok, très bien. Pourquoi ton père, il joue, c'est un joueur? Mon père, c'est un grand fan de poker. Non, très bien, parfait, ok. Alors tu vas lui faire croire quoi que... Tu vas lui faire croire quoi? Que t'as joué avec des potes et que t'as perdu? Voilà, et je veux dire que mon pote, il a invité des autres. Ouais. Et après, ça s'est mal tourné et j'ai perdu 3 000 €. J'ai joué 3 000 € qui m'a prêté mon collègue et je les ai perdus. D'accord, très bien, parfait. Et ok. Bon, et ton père, il aurait les moyens de lâcher 3 000 € ou il est juste? Oui. Insultez-le, mettez-lui la rage. Ne t'inquiète pas. Bon, allez, Mehdi, on y va, on va appeler ton père. Comment il s'appelle ton père? C'est quoi son prénom? Majid, oh putain. Oh putain! Oh putain! Non, il aime pas les Parisiens, je parie. Non, il aime pas. Eh ben voilà. Alors on est des mecs qui sont venus jouer dans le sud et on est parisiens. Comme ça va l'énerver encore plus. Évidemment, on va dévier sur le foot à un moment ou à un autre, certainement. Effectivement, tu vois. Que son fils est en train de se faire braquer, il va dire. Oh, non, putain de Parisien de merde, avec ton PSG de pute là. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Allez, vas-y, appelle-le. Vas-y, non, tu parles toi d'abord, hein. Tu dis papa machin, j'ai un problème, faut que tu viennes m'aider. Et nous on sera derrière, donc on te mettra des coups. Hein, attends, oh, ça marche pas, tiens. Ah, j'ai bien fait de vérifier avant. Voilà, donc on te mettra des coups, allez. Tout est là, tout est prêt. Et on a un fusil. Oui, Toff va te péter dessus. Le pistolet est là, tout va bien. C'est mon arme secrète. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. On y va, Mehdi, si t'es bon, il y a des cadeaux à la clé, c'est parti. Mais tu sais, de Paris à Marseille, il y a un décalage horaire. Hein. Ah non, du nard, non, Marc, j'écoute. Oui, non, c'est toi. Pourquoi tu m'appelles un inconnu? Non, parce que j'ai plus mon téléphone. Tu as perdu le téléphone? D'un téléphone d'un collègue. Téléphone d'un collègue? Bon, bref, écoute, papa. J'ai joué au poker. Tu as joué au poker? Ouais, mais ça va, c'est vite fait, c'était une partie vite fait. Mais t'as pas joué des sous, moi? Eh ben, j'ai joué, j'ai demandé à mon collègue de me prêter 3 000 €. Et j'avais deux as dans les mains. Attends, écoute. J'avais deux as dans les mains, donc j'ai tout misé. Et j'ai tout perdu à la fin. Arrête tes conneries, Mehdi, que tu me racontes, là. Bon, est-ce que tu vas te dépêcher ou est-ce que tu vas lui demander ou pas? Qui c'est celui-là, Mehdi? Il te fait le marque sur toi, là? Eh ben ouais, voilà. Il veut les sous, je vais. Quel argent? Dis-lui de crier, il va venir mon père et Nick Komok. Vas-y, dis-lui. Ils sont quatre. Hein? Ils sont quatre. J'ai question que je fasse, je suis seul. Combien ils sont? Bon, allez, ils sont quatre. Tu lui demandes directement, ça part. Allez, ça va, où tu es maintenant? J'arrive. Que je te prenne j'arrive, le téléphone, allez, dépêche-toi, qui vient avec l'argent. Je sais pas, ils m'ont dit de passe-moi-le, passe-moi-le, tu sais, celui-là. Dépêche-toi. Vas-y, passe-moi-le, tu vois. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, alors, vous arrivez dans combien de temps avec l'argent, là? Parce qu'on va pas y passer la nuit, je vous le dis directement. Ah, j'arrive de suite avec l'argent. Qu'est-ce que tu veux, des grosses coupures ou des petites coupures? J'en ai rien à foutre, moi, je veux 3000 euros, c'est tout ce qu'il a perdu. 3000 euros? Allez, ça va, j'arrive de suite, là. Bon, écoutez très bien. Alors, on va se retrouver d'abord. J'aimerais bien que vous me déposiez l'argent, on sait jamais, hein. Parce que moi, dans cette ville de merde, là, moi, je suis pas sûr de... J'ai pas confiance. On sait jamais. Hein? Vous allez pas venir seul, je parie, dans cette ville de merde. On n'est pas à l'abri que vous veniez avec des amis et tout le bordel, comme vous dites. Non, vous inquiétez pas, je viens seul, moi. Ouais, vous venez seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, on m'a dit que les Marseillais, c'était des petites merdes. Alors, je préfère être sûr. La preuve avec le petit, là, il arrive. Non, mais moi, je suis de Paris. Je suis de la capitale. Paris, tu es de Paris, toi? Ouais, je suis de Paris. Et après? Je les aime pas, les Parisiens. J'en ai rien à foutre, moi j'aime pas les Marseillais, on va s'entendre comme ça. Bon, il a perdu les 3000 euros directement, là. C'est un petit malin, votre fils, là. Hein. Ouais, écoute-moi. Quoi? Mon fils, c'est mon fils, je le laisse tranquille. J'en ai rien à foutre, moi je lui... Quoi que ce soit, mon fils, attention à toi. Je lui ai déjà mis deux claques, d'accord, il a rien dit. Je vais venir avec les 3000 euros, y a pas de problème. Non, mais je lui ai déjà mis deux claques, il a rien branché, donc c'est bien, c'est pas mal. Il a mis deux claques? Je lui ai tu mis vas deux. Recevoir 10. Oh, quoi? Tu vas recevoir 10. Tu sais quoi, tu vas venir avec 5000, là, parce que tu me menaces. Hein? Ouais, c'est des menaces. C'est quoi? Ouais, je vais venir, je vais vous enculer à tous vos cas. Ouais, tous les cas. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais quoi, j'encule Marseille, moi. J'en ai rien à foutre avec votre vieux port pourri. J'en ai rien à foutre de Marseille, tu vas voir les Marseillais. J'en ai rien à foutre. Un seul Marseillais va mettre le feu aux 4 Parisiens. Mais arrête ton cinéma, d'accord, là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, si on suit le football, c'est nous qui sommes devant. Alors arrête un peu, là. Où c'est que vous êtes, là? Où c'est que vous êtes? Je vais te donner l'adresse après, va. T'inquiète pas, Maintenant, j'arrive, là. Je monte dans la voiture. Oh, reste calme, tu sais même pas où on est, là. Il faut d'abord que je m'assure que tu viennes seul. Bah écoute, je vais venir te rejoindre, je crois, là. Je vais venir te rejoindre. C'est moi qui va attends. C'est pas toi. Non. Reste calme ou je te mets une patate. Qu'est-ce que tu veux comme patate à travers le téléphone? Mais justement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir. On va se rejoindre, tu vas me donner l'argent et après, je relâche ton fils. Allez, ça va, viens. Bon. L'argent. Alors, t'as l'argent sur toi, là, genre. Ouais, passe-moi le, mon fils. Ouais, une seconde. Hé hey, fais-le venir, là, tu peux le détacher, là. Oh. Ah, tu l'as attaché? Fais-le venir. Vas-y, avance. Vas-y, enlève-lui la corde, là, c'est bon. Là. Vas-y. Tiens, je lui repasse. Tu l'as attaché? Putain, c'est vraiment des connards à Marseille. Ah, putain. Tiens, vas-y, je te le rends. Eh, Mehdi, tiens. Mehdi, tiens, il y a ton père au téléphone, là. De ta race pourrie, au PD de Parisien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas qui y a, toi. On a qui y a, ça. Attends, je te repasse ton fils. Mehdi. Allô? Mehdi! Allô, maman. C'est qui? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Merde, y'a la daronne qui arrive, on est pas dans la merde. J'ai joué. Et je leur dois 3000 euros. Et j'ai joué, j'ai perdu 3000 euros, voilà, et. Comment j'ai fait, là? Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Qu'est-ce que tu as en train de nous rendre fous, là? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton problème? Quel poker? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah bah tu j'étais censé aller chez mon collègue, comme je t'ai dit. Où tu es maintenant? Je sais pas, est-ce il m'a mené chez pas où. Est-ce que je peux reparler au père? C'était fini. C'est ça, c'est qui parle là? Est-ce que je peux reparler au père? Où c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il y a toi? C'est quoi ton problème lui? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux là? Est-ce que je peux reparler au père? Qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Oh, écoute-moi, je te parle. Qu'est-ce que tu fais avec mon fils là? Bah rien, moi j'attends de récupérer mon argent qu'il a dépensé. Quel argent t'as dépensé? Écoutez, il voulait jouer au poker, il a gaspillé 3000 euros. Et il faut que je le récupère. Je n'en ai rien à foutre. Où tu es avec mon fils là maintenant, dis-moi. Là on est chez un collègue à lui là. Donc on va pas tarder à partir, on va revenir, on va venir voir votre mari, puis il va me donner mon argent et moi je redépose le petit. Eh ben viens, putain, on attend que ça. Ben viens, chercher l'argent, y a pas de soucis. Ouais, mais je vais pas venir chez vous là, parce que moi je connais à Marseille, je sais comment ça marche. Ouais. Non, tu dois pas savoir comment ça marche, parce que si tu savais comment ça marche, même pas tu m'appelles, même pas tu touches mon fils. Je veux parler au mari. Comment il s'appelle ton père? Tu sais ce que ça veut dire, c'est ta mort. Comment il s'appelle ton père là, Mehdi? Hein? Donne-moi le téléphone, donne-moi. Écoute-moi bien. T'as vu, je vais te montrer que c'est la mafia, moi. Bon, je vais vous enculer à tous. Non, arrête un peu, là. La dernière fois, qu'il y a eu un Paris-Marseille, qui c'est qui a enculé qui? Hein? La dernière fois qu'il y a eu un Paris-Marseille, qui c'est qui a enculé qui? C'est moi, je vais les niquer, moi. J'ai pas besoin de la police. Vas-y, ouais. C'est moi la police. C'est moi la police. Je m'en bats les couilles, la police. À Paris, c'est la police. C'est la police de toute la France. C'est la police de toute la France à Paris. La police de France, excuse-moi. Où vous êtes? Écoute, ce que je te propose, c'est mais que... Mais je propose rien, c'est moi qui propose. Non, moi, c'est moi qui propose. C'est moi qui t'accule. Non, je vais chercher mon fils, la PD. Quel grossier. Quelle grossièreté. Tu touches à mon fils, il a 15 ans et demi. Écoute. Écoute, je te ramène ton fils. Tu me donnes rien. Ah, voilà que j'ai l'accent marseillais maintenant. Je te ramène ton fils. Tu me donnes rien. Tu me ramènes, là? Tu me donnes rien. C'est Mehdi ou Ilan? Tu me donnes rien avec Mehdi, avec Papa. Mehdi. Papa. Et tu paries la prochaine fois sur Paris. Papa. Tu fais un pari sur Paris la prochaine fois. Quel pari? Bah sur Paris, sur le PSG. Non, je m'en bats les couilles du PSG, ramène-moi mon fils. Mais il est là, il va bien. Mehdi, dis-lui à ton père que tu vas bien. Ouais, Mehdi. Papa, en plus c'est un collègue à eux, il s'appelle Gilou, il me lâche pas. Écoute-le, regarde ce qu'il dit, passez-lui. Qu'est-ce que c'est, Gilou? Tu me racontes, mais tu je comprends rien, moi. Ah oui, après, tu prends mon chemin et puis tu guides. Hein? Y a pas de verre au cul, non? Y a pas quoi? Oh, arrête, tu me fais bander. On va laisser ta mère, je te fais bander, moi. Je vais t'inculer, Pédé. Je vais te montrer comment tu vas bander. Au grand chef, on va faire l'amour, je vais vous montrer. Prends ton pistolet, on va jouer tous les deux la marelle. Oh grand chef pute, qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, bah, comme t'es branlé, prends qu'à toi, c'est tout. Hein. Oh, c'est quoi, sperme. Bon, Mehdi. Oui. Bon, dis-lui à ton père, le pauvre. Papa. Quoi? C'était pourri, t'es sur une radio. Mais oui. Le code de ta race, pourri, Mehdi. Le code de ta race, c'est une radio, il m'a dit. Allô. Hey, bonjour maman. Bonjour maman. Allô. Oui, c'est Mickaël. T'es sur Fun Radio avec Mehdi. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il est con celui-là. Bête, hein. Quel sale gamin. Oh, Mehdi, c'est sa mort ce soir, Mehdi. Mehdi va mourir de l'aimer. C'est ta mort, Mehdi. C'est ta mort ce que tu m'as fait là. T'as vu, je commence à trembler. Mettez-lui une chaise pour moi, maman. C'est comme des fous. Mais oui. C'est claque, ça, tu rates. Exactement. Voilà, Mehdi, c'est tout ce que claque. Tu mérites. Des bonnes claques dans ta gueule. Ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est rien, mais oui, c'est Fun Radio, c'est Mehdi, il voulait faire une blague. Non, d'accord. Ah, mais par contre, je veux bien les 3000 euros, hein. J'ai gagné 3000 euros. Non, moi, je veux bien les avoir. Ah ouais, hey, dis donc, papa. Oui. Eh, allez Paris, hein. Non, jamais, allez l'OM. Oh, à la mort, allez l'OM. Allez Ibrahimovic. Ça va. Vive Fun Radio. Ah, merci. Ça c'est bon. Vive ça va. Vive Fun Radio. Là on est d'accord. Vive l'OM. Exactement. Oh. Allez Marseille. Non mais bon. C'est vrai, c'est Fun Radio. Mais oui, c'est la radio. Dis-lui. Oui papa. Oui. Mais je crois que c'était Ilan. Moi j'ai dit la 15 et demi. C'est toi. Oh putain Mehdi. Je crois que c'était Ilan. Il est parti à l'entraînement. Ah ça va? C'est vrai, c'est Fun Radio? Eh ouais, qu'est-ce que si je te le dis? Putain, je me suis bien survêt, je me les sentais, c'est parisien. Aïe, c'est sûr, ah, papa. C'est sûr. Oh, tiens le bonjour de Gilou, écoute-le. Arrête, conneries. Qu'est-ce que c'est? Y'a pas de refus, non? Bon allez Mehdi, comme promis tu vas gérer le cadeau, on va voir le stock là avec t'aimes bien le skate ou pas Mehdi? Le skate, faire du skateboard. Je préfère Sandro, moi tu le sais. Eh bah écoute, je t'envoie Sandro sur le skateboard électrique. J'ai testé le skate électrique qui claque de folie. Exactement, ouais. Bah, allez, vas-y, je prends. Tu vas gérer ça avec Sandro standard. Non, c'est un skate qui déchire, on a mis la vidéo sur Facebook, faut aller voir. Et vitesse et tout. Hein. Mais ouais, c'est de la folie. Bon, allez, salut merci à vous deux, merci. Merci beaucoup, Radio, merci beaucoup, que votre radio dure encore plus longtemps. Et allez l'OM. Merci, chef. Ciao. Allez. Bon allez, si vous voulez faire un petit canular également, là n'hésitez pas, hein, on fait ça avec grand plaisir. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Adeline. Kathleen qui dit Mehdi va prendre cher en rentrant, bah c'est sûr. Il y a Sadia aussi, trop marrant. Oh, P2 de Parisien, PS, je préfère le Futuroscope de la Charente. À chaque fois que tu lis mes messages, je me mets à pleurer de joie et d'émotion. Ah bah voilà, Sadia, oh, c'est, écoute, mignon. C'est gentil, c'est gentil. Nadia qui dit on peut placer ce canular dans le top 5 des meilleurs canulars de l'émission. Il était pas mal, c'est vrai. Et Mister Steven qui dit le Gilou qui fait une apparition dans le canular, c'est trop bon. Eh hey, Gilou, rappelle-nous à l'occasion là. Oui, ça tu nous manques, Gilou. Ça fait longtemps qu'on t'a plu. Julien aussi, mort de rire le canular. Un message de bienvenue s'il vous plaît, je vous kiffe grave tous, sauf Tof bien sûr, c'est un enculé de merde. Qu'il aille se faire voir ce con. Voilà, bah, au moins comme ça le message est passé. Hein. Je vais en mettre un petit message de bienvenue, tiens. De bite. Bah voilà, tout simplement, tout simplement. Bon allez, Nadia le Prince qui dit aussi ah, ah, ah, il te fait le max sur toi. Ça c'est de la phrase qui déchire. Oui, effectivement, oui. Bon allez, balancez vos messages encore. Il est 22h07, on va appeler le gagnant ou la gagnante maintenant pour la tablette comme promis. C'est parti. Et si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la réponse à la question que je vais lui poser, bah il ou elle repart avec la tablette, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis on fera le jeu pour gagner les maillots de foule comme tous les soirs aussi. Hein. Allô ? Allô, bonjour. Oui. Comment tu t'appelles ? Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour, combien mesures-tu ? Est-ce que tu aimes les messieurs tout nus ? Ah, c'est fait une radio. Oui, bah oui. Nous avons été reconnus. Oui, bizarre, étonnant, oui. Bon, alors, Mélissa, c'est ça, hein ? Oui. Bon, Mélissa, t'as quel âge, dans quelle ville ? 21 ans, Nemours. D'accord. Et est-ce que Robert Pattinson a peur des clowns ? Non. Non. Oui, oui. Oui, oui, hein, oui, il me semblait bien. T'es sûr, hein ? Oui. Bon. Voilà, tablette pour toi. Ah, merci. L'Asus Memopad de 10. Pour le coup, t'avais vraiment répondu oui, donc j'étais très étonné que tu répondes non. Forcément. Non, mais... bon, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est parce que c'est voilà. Parce que t'as la voix de Tof, t'es tellement perturbé dans le dégoût que, que du coup t'as dit non, t'as été perturbé quoi. C'est ça. Voilà, c'est je suis ça. Bah, désolé, pardon. Hey, mais ça arrive, ça arrive. Bon, bah bravo à toi en tout cas Mélissa, je te fais des plein de gros bisous, tu seras livré avant le 15 juillet. Est-ce que tu pars en vacances ou pas cette année là ? Non, oui, au mois d'août. Oh donc, bah ça va, tu seras livré avant, donc c'est cool, tu vas où ? Ouais. Je vais à Royan. Ouais. Après, attends, j'entends rien. À quoi et après quoi ? À Royan et après sur Arles. D'accord, ok, très bien. Bon, ben c'est parfait. Tof, il part aussi, il part à Dunkerque. Mais oui, moi j'hésitais. Ah. Dunkerque ou alors peut-être. Non, non, en fait, on se fout de votre gueule, il part voir la famille à Alger. Okay. Voilà, c'est vrai, hein, avoir les grands-parents ouais. Et tout. Et, bah, et puis les longtemps cousins, que je les ai pas vus, c'est vrai. Bah voilà, et. Il manque. Il va à Alger, quoi. Ouais, et après, je vais à Oran. Il est Babelwed, c'est ça. Je cherchais, c'est Babelwed. Exactement. Son mais ça existe vraiment ? Bon, ah oui. Mélissa, je sais que c'était un truc inventé. Mélissa, je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux, moi Mel. Aussi. Salut Mel, ouais. Ciao. Au revoir. Allez, restez avec nous sur Fun Radio dans un instant. Marion qui va se marier, elle est en stress. Et puis on aura Anthony pour nous parler des parcs d'attractions. Roxane aussi qui nous a appelé et on va parler avec elle avec grand plaisir. Et puis bah justement, donnez-nous vos parcs d'attractions. C'est quoi vos parcs d'attractions préférés ? Vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900. N'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 42 48 5000 pour la France et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Restez là, le son de Coldplay arrive sur Fun Radio. A Sky Full of Stars sur Fun Radio. C'est ce qui va débarquer dans quelques instants. Mickaël No Limit, bienvenue si vous débarquez pour la première fois. On est là jusqu'à minuit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, il est 22h12 là, il y a Louis qui dit j'en peux plus, ce canular était trop bien. Oui c'est clair, on s'est bien marré avec le canular. Ouais. Si vous en voulez d'autres, bah appelez-nous, on en fait. Il y a Sadia aussi, l'attraction, pas d'attraction, c'est le Futuroscope. Je suis méga en retard, versez-moi de la merde de Tof sur la tête, c'est Antoine. Et Sandra qui veut avoir un message de bienvenue. Si tu veux Sandra, je t'en mets un petit message de bienvenue là, attends. Allez vous faire foutre. Et bah voilà. Ça va te faire enculer connard. Exactement. On fera d'autres appels malveillants dans un quart d'heure sur Fun. Vous restez là. Et puis attention, les maillots de foot de l'équipe de votre choix à gagner maintenant. Pour ça il faut envoyer M-I-K-L et la réponse à la question suivante. Oh, les Belges auront plus facile pour répondre évidemment. Mais bon hein. Quel est le surnom de l'équipe nationale belge ? Les Français par exemple c'est les Bleus. Ouais. Voilà, l'équipe de France, c'est les Bleus. Et le Portugal, c'est la Selecao, par exemple. Ouais, les Allemands, la Mannschaft. La Nationalmannschaft. Et ben, en Belgique, comment ils s'appellent? Voilà, on les appelle comment? Bon, c'est pas faute de l'avoir dit hier, hein, donc. Non, pas une fois. Ça. Donc, si vous avez la bonne réponse, maillot de l'équipe nationale de votre choix, pourvu qu'elle ait participé au Mondial 2014, c'est offert par Pro Direct Soccer. Donc, quel est le surnom de l'équipe nationale belge? Voilà, voilà. Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Vous envoyez Amy, quelle est la réponse au 64-900. Et évidemment, la Belgique peut jouer, même si elle est la plus facile. Vous envoyez Amy, quelle est la réponse au 63-22 si vous êtes en Belgique. Et je vous souhaite bonne chance. Allez hop, Coldplay maintenant sur Fun Radio, produit par Avicii d'ailleurs. Hein. A Sky Full of Stars sur Fun Radio. Appelez-nous d'ailleurs hein, si vous voulez délirer avec nous. On est ensemble et on est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limite. Jusqu'à minuit tout l'été. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Et y a Kim qui a envoyé un message. Tiens, bizarrement, tous les auditeurs de l'émission se sont mis à supporter la Belgique à la Coupe du Monde depuis hier. C'est Kim. Bah oui, bah tant mieux en même temps. Vous allez quand même pas supporter les États-Unis. Tant qu'à faire. Mais non, attends, t'es con. Moi, je supportais les Américains. Moi, je dis, ce serait top d'avoir. Bon, déjà, faut que la France arrive à passer l'Allemagne et que la Belgique arrive à passer l'Argentine. Mais ce serait bien d'avoir un petit France-Belgique en finale. Hein. Oh là là. En plus, on sera là pour suivre la finale en direct et tout. Ça va être génial. C'est chaud. Ça va être génial. Moi, je soutiens la France. J'en ai rien à foutre. Oui, bah je me doute bien. Pourtant, t'es belge. Mais bon. Non, je suis pas belge. Bah, c'est pas grave, il y a pas de honte. Bah oui, je comprends pas. Est-ce que Toff se retient de dire je suis allergien? Non. Bah non. Voilà, tu peux admettre que t'es né à Charleroi, Polo. Voilà, c'est pas grave, t'as un carolo, nos malaises. Quelle horreur, jamais. Bon, il y a un message qui est arrivé d'Arthur qui dit Mickaël, la meilleure attraction c'est exploser la gueule de Toff. Voilà mon numéro. Ah bah très bien Arthur, si tu veux lui exploser la gueule, n'hésite pas à passer. Et Thomas qui dit merci à vous Fun Radio pour le pack fun, je l'ai reçu, grave merci. Bah de rien Thomas. Comme quoi ça arrive. Bah oui, tu vois. Bah oui. Faut juste être patient. Sandro se fait assez chier pour les envoyer les packs fun. Hein. Hein. Mais c'est à jour. Hein. C'est à jour, exactement. Et il a dit tout à l'heure, ouais, mais de toute façon, moi j'ai failli pack fun. Alors j'en ai rien à foutre. Si les douilles reçoivent des capotes, ils vont pas me faire chier. Ah oui, j'ai mis des capotes parce que c'est je veux pas de capotes, machin. Voilà, donc ils font le ballon jusqu'à la fin. Voilà, faites gaffe les parents, faites gaffe aux parents si jamais c'est eux qui vont relever le courrier là, il se pourrait que mais bon, voilà, après de c'est toute bien, façon, c'est bien d'en avoir une au moins, vous êtes tranquille, vous l'avez. Soit vous jouez, vous faites un ballon gonflable ou une boule d'eau avec. Ouais, soit vous la gardez pour plus tard. Non, vous l'achetez parce qu'elle va périmer. Ça dépend, il y a une date de péremption, mais ça tient pas 3 mois, tu vois, ça tient longtemps, donc à la limite, pourquoi pas vous la garder au cas où, on sait jamais. Mieux vaut l'avoir de côté, c'est plus safe. Bon, il est 22h18 sur Fun Radio, donc je vous avais demandé hein, comment est-ce qu'on surnommait l'équipe de football belge, donc je donne pas d'indice là. Non, là, d'habitude c'est je donne des propositions, mais là je vais quand même pas abuser. Hein. Non, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique justement, pour repartir avec le maillot de foot de l'équipe nationale de votre choix. À vous de choisir et vous le recevrez évidemment dès la fin de la Coupe du Monde, bien entendu. C'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. On tire au sort avant minuit. Il y a quelqu'un qui proposait les Fenecs. Mais non, les Fenecs, c'est les Algériens. C'est pas ça. C'est pas la bonne réponse là. Bon, allez-y, continuez à chercher. Marion, t'es de retour. Marion. Oui. Ah, Marion qui est de retour. Donc, on avait eu qui appelle de Longwy, qui va se marier. Du coup, elle stresse. Mais Marion, t'as 22 ans. Qu'est-ce que tu vas te marier à 22 ans? Mais oui, ça se fait pas. Mais si, ça se fait. Bah, mais je veux dire, comment ça se fait que tu te maries si tôt? Bah, parce que c'est... En fait, je me marie avec une femme et que c'est obligé que ce soit elle. C'est obligé que ce soit elle. Que ça soit elle, oui. Que ça soit elle. Mais et alors, mais ça ne... on s'en fout que tu te maries avec une femme ou pas une femme, mais pourquoi tu te maries si tôt quand même? Forcément, bah, parce que du coup, s'il lui arrive quelque chose, j'ai aucun droit sur elle, quoi que ce soit, en fait, c'est niveau papier plutôt. Ouais, même ah, donc tu te maries pour les... Ah bah elle va être contente si elle entend, tiens. Sinon il y a un truc vachement bien, ça s'appelle le Pax. Non, on en a déjà parlé en fait avec elle. D'accord, ok. Donc tu te maries parce que tu l'aimes ou parce que non, c'est plus facile pour les papiers? Je l'aime. Oh, c'est mignon. Mais en fait, plus que les jours y passent, plus je stresse. Plus j'aimerais bien qu'on soit mariés, comme ça je peux la dépecer, la tuer et toucher l'héritage. Non, pas du tout, non. C'est une idée ça. Et non, surtout mais... l'assurance vie. Bon, mais t'as peur de quoi concrètement? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? T'as peur de quoi, dis-moi? Je sais pas du tout en fait, c'est le... Parce qu'en fait, ça arrive bientôt là. Bah oui. Du coup, il y a le stress de la voir habillée, ce que j'ai pas encore vu, ce qu'elle veut pas. Le fait que, bah, du coup, moi, je serai en costume, le fait qu'elle m'a pas encore vu non plus, il y a le stress aussi. Ah, c'est toi le l'homme, en fait. Le stress aussi, donc. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Est-ce que tu es familier avec la conspiration des lesbiennes? Non, mais qu'est-ce qu'il est relou avec ça là? Non, c'est important. Mais c'est nul. Oh non. Là là. Je pense que c'est important. Est-ce que t'es pas au courant? Bah écoute, je t'expliquerai un autre jour parce que là on n'a pas le temps, mais c'est très long. C'est ça, c'est très long, c'est surtout totalement inutile, mais c'est pas grave. Bon, ça alors du coup, changer le monde. Bon, mais quel est le problème? Oui, tu stresses, c'est normal. Tu vas te marier, c'est quand même un moment important. Maintenant, voilà, tu vas la voir en robe, oui, ça va être bien. Elle va te voir en costume, bah ça va être bien aussi, j'imagine. Et puis voilà, vous allez faire l'amour, toute vous la allez nuit. Faire l'amour, ça va être beau. C'est quoi le mariage exactement? C'est organisé comment? Il y a, vous allez au une petite soirée, tout ça ou pas? Ouais, on fait la mairie en fait, et après on fait une soirée avec la famille, enfin beaucoup plus de la famille quoi. Et quoi, il y a à bouffer? Oui, voilà. Bon, et nous on vient alors, hein. Vous cherchez pas un DJ? À bouffer, à boire. En plus, toi fais presque DJ. Voilà, je pourrais vous faire une bonne soirée moi. Et il y a que des lesbiennes ou pas? J'ai pas compris. Il y a que vous êtes entre lesbiennes ou il y aura des gens, des hétéros? Non, il y a des hétéros. Ah bah voilà, bah alors nous on vient. Hein. Bah oui, avec plaisir. Bah voilà, pas de problème. C'est quand le mariage? Le 19 juillet. Eh ben, j'annule mes vacances. Bah oui. Moi j'avais rien, tout, donc. Voilà, là j'annule tout, je viens, alors hein, pas de problème. Hein, donc. Non mais bon, Toff, je crois qu'il part à Alger le 20, lui. Ouais, donc y a pas de soucis, je pense. Donc il peut venir sans problème, Marion. Voilà. Bon, dites-nous si vous vous êtes déjà marié, justement. Tiens, est-ce qu'il y a eu un stress, pas stress, comment ça s'est passé? Appelez-nous, dites-nous. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ce sera plus simple comme ça, tiens. Antoine qui est avec nous également, là. T'es là, Antoine? Ouais, je suis là. Salut, Kael. Tu t'es pas marié, toi, non? Non, pas encore. Pas encore. T'as raison. Bon, d'accord. Attends, il y a Salma. Salut, Salma. Salut. Ça va, Lyon? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tu t'es pas marié, toi? Non, j'aimerais bien. Ah, t'aimerais bien. Bon, bah écoute. Et Anthony, qui est avec nous également, là, dans le 42, t'es là, Anthony? Ouais, je suis là, Mick. Hein. Tu t'es pas marié, toi, encore? Ouh, non, je suis contre. Ah, t'es contre le mariage. Bon, alors, il y a que des non-mariés, là. Attends, il y a Rémi aussi, de Marseille. T'es là, Rémi? Ouais, salut Mickaël. Ça va Rémi? Ça va et toi? Bon, tu t'es pas marié toi? Non, pas encore, non, ça bon va, bah, je suis encore jeune. Ça va. Bah, personne se marie, c'est dingue ça. Bon, ben bah, Rémi, reste avec nous. Bon, les mariés là, s'il y en a qui ont déjà été mariés ou qui sont plus mariés mais qui l'ont déjà été, appelez-nous et on en parle. Vous envoyez Mickaël et vous laissez votre message au 64 900 par SMS. Ou alors le standard, il y a Sandro qui décroche 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On vous attend avec impatience. Marion, du coup, tu restes avec nous, hein, d'accord? Oui. Très bien. Et puis on va prendre Anthony pour parler des parcs d'attractions, Anthony. Ouais, c'est ça. Bon, parfait. Alors Anthony, dis-moi, quel est ton parc d'attractions préféré? Quelle est ton attraction préférée? Dis-moi tout. Ouais, attraction préférée, je peux pas dire, mais le parc que j'ai vraiment kiffé il y a quelques années déjà, c'était Porta Ventura en Espagne. Ah, mais il paraît que c'est énorme ce ouais, parc. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais tout le monde en parle. Moi, c'est... Ah ouais, franchement, il est énorme. Mais c'est mi-aquatique, non? Il y a des... Ouais, c'est tout mélangé, mais c'est énorme. Ouais. Parce que moi c'est un truc moi je déteste les parcs d'attractions. Non mais c'est vrai. Faudrait que je réessaye parce que là j'ai été réparer mes oreilles, mais je veux dire à l'époque, enfin les dernières fois où j'y suis allé, dès qu'il y a un truc, dès que ça se retourne, dès qu'il y a des virages un peu trop secs ou n'importe quoi, j'ai la tête qui tourne, c'est une horreur. J'ai la tête qui tourne, c'est je suis pas bien, ma journée est niquée. Hein. Elle est morte la journée, donc c'est hyper désagréable. Et voilà, du coup j'aime pas trop les parcs d'attraction, donc faut voir. On m'a dit qu'il fallait que j'avais des cristaux dans les oreilles, qu'il fallait que ça se recolle, je sais pas quoi, ou qu'il fallait aller voir un ORL. Donc j'ai été en voir un, je dois le revoir là ce week-end, oui, demain ou après-demain, je sais plus. Et donc on va voir si c'est passé, si les cristaux sont remis ou je sais pas quoi. C'est pas derrière la tête là ou dans les yeux? Ouais, ou derrière la. Je crois que c'est dans la tête, ouais. Moi j'avais plus, mais voilà. Et ça donc apparemment. Tête, ouais. Et ouais, exactement. Mais moi c'est un truc de ouf. Hein. J'ai un pote qui s'est bien roulé, etc. Tu sais, parfois ils testent les voitures un peu de manière un peu violente, on va dire. Si je suis sur circuit, si c'est moi sûr qui roule, si c'est moi qui roule, ça va parce que je sais où je vais, donc je me prépare. Mais si c'est pas moi qui roule, dès qu'il y a un virage un peu trop sec, putain, j'ai envie de gerber, je suis mort. Ouais, c'est ton oreille interne. Ouais, je crois que ça doit être ça, mais c'est une catastrophe quoi. C'est... Alors un jour j'avais fait un saut en parachute, et donc j'avais déjà fait un saut en parachute, d'ailleurs on était avec Tov qui a sauté et tout. Hein. Ah bah ouais, le saut de l'ange. Ouais, c'est ça. Il y avait Polo qui était là aussi, puis ouais. L'instructeur qui dit: bon, qui a déjà sauté en parachute? Bon, moi je lève la main puisque j'avais déjà sauté. Il me dit ok, d'accord, et puis au moment où on saute, le mec, comme j'avais déjà sauté, il a fait un truc en plus, il a fait la toupie. Putain, je m'en ai voulu. J'ai voulu lui mettre une patate, mais je n'aurais pas pu. Quand je suis arrivé en bas, j'étais mort, hein, j'avais envie de gerber tout ça. J'étais malade pendant les 24 heures qui ont suivi le saut en parachute. J'allais pas bien, le mec a fait la toupie, j'avais envie de tuer sa mère. Et t'avais mangé des trucs barbecue. Et j'avais, depuis, je ne peux plus bouffer quoi que ce soit avec sauce barbecue, je déteste ça, c'était une horreur. Bon, et donc du coup, toi Anthony, toi c'est le parc en Espagne alors. Ouais, sinon bon. Après j'ai fait Futuroscope, le PAL et Walibi. D'accord, ah oui. Ok. Et attends, il y a Salma aussi à Lyon. Salut Salma. Salut. Bon, enfin, re-salut plutôt Salma. Alors toi, t'as déjà fait quoi comme parc d'attraction? C'est quoi ton préféré? Alors moi, c'est Grand 8. J'ai kiffé Grand 8. Ouais, mais c'est pas un parc, ça, c'est une attraction. Ouais, une attraction, mais moi, le parc, c'est Walibi Rhône-Alpes, quoi. Walibi Rhône-Alpes. Très bien. C'est pas très long, donc... Bah ouais. Mais, cela dit, tu vois, Salma, par exemple, moi, le Grand 8, je pense que je peux décéder, hein. Ouais, j'imagine, ouais. Ah non, mais parce c'est que, en fait, c'est... Et puis surtout quand... C'est parce que, en fait, je peux expliquer ou... Non, parce qu'on s'en fout. Non, mais vas-y, évidemment. évidemment, Salma, t'es là pour ça. Vas-y. Non, en fait, parce que moi, je suis handicapée, tu vois. Ouais. Je suis malvoyante, j'ai plein de problèmes de santé. D'accord. Et du coup, tu sais, quand je fais le grand lit, je vois pas très bien, c'est un peu paniquant, tu vois. Ah, donc, ah ouais. donc tu vois un petit peu, en fait, donc t'es pas dans le noir. Ouais, non, la journée je vois bien et la nuit c'est mort. Hein. Quand je d'accord, vois, okay. Par exemple, c'est mort. Tu vois que dalle. D'accord, ok. Donc quand t'es dans une attraction, si c'est en pleine journée, tu vois. Ouais. Ouais, je vois bien, c'est merveilleux, mais c'est effrayant. Pourquoi c'est effrayant du coup? Je comprends pas le rapport, parce que si tu vois bien la journée, en fait, ça, le handicap change rien. Ouais, mais le rapide, c'est rapide. C'est le mouvement voilà, que tu vois pas. C'est la vitesse. Ah oui, d'accord, ok. Vitesse. Putain, ça c'est doit être vitesse. Violent quand même aussi pour ceux qui sont effectivement vraiment non-voyants. T'imagines, tu les mets là-dedans, bon, même si... Bah, à la limite, t'as la différence, tu vois. T'as celui qui a déjà vu et qui est malheureusement tombé aveugle, enfin, qui voit plus, et on le met dans une attraction. Mais il sait ce que c'est, il l'a déjà vu avant. Mais alors, celui qui ne sait pas ce que c'est, et on est beau lui expliquer, tu vois, ça reste quand même compliqué. Ça, c'est un truc, ça m'a toujours perturbé. Pour ceux qui n'ont jamais vu de leur vie, ouais. D'arriver à... qu'est-ce qu'ils imaginent, eux, dans leur tête? Quand tu leur dis, tiens, allume l'écran. C'est quoi un écran? Enfin, tu vois, ouais. Ils doivent savoir, mais ils doivent pas savoir, ils doivent pas l'imaginer. Une voiture, la gueule d'un humain, d'un chien, enfin, tu vois, tout, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est comme si, admettons que nous, par exemple, on voit, mais il y aurait une autre dimension, enfin un autre truc qu'on ne voit pas. Voilà, et on lui dit bah tu me passes le truc. Ouais. Il paraît, c'est vrai que vous êtes du coup vachement plus les oreilles, les autres sens sont vachement plus développés, il paraît. C'est surtout les couleurs. Ouais. Ah, tu peux me bah, t'as le truc il est rose. Ouais. Parce que encore c'est vrai que non mais c'est vrai qu'un objet tu peux encore le toucher, voir plus ou moins à quoi il ressemble, sa forme, mais une couleur. Tu peux pas toucher, tu peux pas savoir comme qu'est-ce toi, que c'est Michael. Le rose, le bleu, le vert. De quoi? Comme toi, Michael. Moi, j'ai pas une couleur, moi. Mais non, t'es un objet. Enfin, t'es une personne. Je suis un objet. Je ne suis pas un objet, Salma, je suis un être humain. Je suis un objet. Toff est un objet. On l'utilise d'ailleurs pour nettoyer les chiottes à la radio. C'est toutes les merdes dont on l'utilise à tête à toi. Tête à l'envers dans la cuvette des chiottes et ça marche nickel, hein, ça passe crème. Désolé, c'est la journée en fait, vu que je fais le ramadan. C'est bon là, tu peux manger là depuis une demi-heure là. Ah oui, je suis en train de manger en même temps de vous parler. Bon appétit Salma, tu manges quoi là? Rien de fameux, du pain avec du beurre avec un chocolat au lait quoi. Ah bah écoute, très bien. Bah Toff, il vient de terminer aussi là, il a mangé sa cracotte avec son fromage. Bah c'était bon, c'était bon. Eh Toff, par contre, au niveau drag, t'es nul hein. Oui, ah bah ça c'est pas nouveau hein. Mais j'ai dragué personne. Non, là maintenant, mais toutes les fois. Sur les appels malveillants. Ah oui, mais ça va venir. On va en faire dans quelques instants des appels malveillants, tiens. Bon ben Anthony et Salma, merci d'avoir appelé en tout cas, vous revenez quand vous voulez. Je peux passer une délicate. Bah vas-y Salma, vas-y. Je connais la règle 1. C'est très bien. Délicate à un mec célibataire de Lyon, environ 30 ans. Voilà, je suis célibataire. D'accord, ok. Elle dit ça comme ça au hasard. Très bien. Bon, si vous êtes lyonnais, les mecs, hein, vous nous appelez, on passera le numéro. Salut Salma, gros bisous. Hein. Salut. Allez, ciao à toi Salma. Et Anthony, tu voulais dire un truc? Ouais, une délicate aussi. Vas-y. Bah tous mes potos qui vont rouler au rallye de la Côte Rouennaise ce week-end et notamment Mehdi qui fait son retour à la compétition depuis un petit moment. Très bien, les messages sont passés, il n'y a pas de problème. Salut Anthony. Salut. Ciao à toi. Marion, bonne nouvelle, on a Géraldine qui va réagir à toi. Tu restes avec nous Marion? Oui. Bon bah bouge pas de là, Géraldine qui va arriver, les appels malveillants vont arriver également, la petite giclée de 22h30 et puis on va se mettre le son de Duck Diamond, là je l'avais promis tout à l'heure. Duck Diamond maintenant, I got you sur Fun Radio, bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël No Limit, appel malveillant à suivre. Et toujours la grande question pour repartir avec les maillots de foot, comment est-ce qu'on surnomme l'équipe belge de football? Vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, bonne chance. Duck Diamond sur Fun, c'est I Got You. Mickaël No Limit, 20h minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun, 22h34. On se fait les appels malveillants maintenant. Et après je vous repose la question pour partir avec vos maillots de foot. Appel malveillant à base d'un Texan donc qui a voulu postuler, enfin pas postuler mais en tout cas s'inscrire au Pôle emploi Texan. Et donc il devait envoyer son CV et une photo. Et il a envoyé une petite photo en sus, une petite photo de sa bite. Voilà, juste pour faire plaisir à la conseillère du Pôle emploi quoi. Exactement, sauf qu'elle a, c'est une Américaine. Qui elle va être heureuse. Elle a porté plainte, tout ça, etc., etc. Et du coup, on appelle les amis de Toff grâce au numéro que vous nous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, pour leur demander s'ils ont déjà fait des photos de leur bite. Bah oui. Bah voilà. Donc du coup, on y va, 23h34, et on appelle. Encore une petite giclée d'appels malveillants. J'espère qu'ils seront chauds. Et retour avec Marion juste après, donc restez bien là. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pris des photos de votre sexe, monsieur. Mais c'est qui? Moi c'est Toff, monsieur. C'est qui Toff? Bah c'est moi, monsieur. Bah non. Bah si, je vous assure que c'est moi, monsieur. Ouais, allez. Oui, vous avez pas répondu à ma question, monsieur. Je vais répondre à ma bite, ouais. Non, en fait je veux savoir si vous la prenez en photo, monsieur. Je prends ta mère en photo. Oui, si vous voulez, mais je vois pas le rapport. Ah ouais, bah pourquoi tu m'appelles alors que je m'en bats les couilles? Bah juste pour savoir si vous prenez des photos de votre sexe, monsieur. Bah si je prends ça, fais pas le crasser, connard. Je comprends pas, monsieur, qu'est-ce que vous essayez de me dire? Bah non, je suis pas clochard, allez bouge. Mais c'est-à-dire vous êtes pas un clochard, vous répondez pas à la question, ou non vous êtes pas un clochard, vous faites pas de photos de votre bite? Bah ouais, je suis pas un clochard pour faire ça, je le dis. Donc vous ne faites pas de photos de votre bite? Bah non, je suis pas un clochard pour faire ça. Non, mais est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans votre réponse, parce que j'ai du mal à comprendre ce que vous essayez de me dire? Bah t'as qu'à pas être con et réfléchir, connard. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, mais votre façon de parler est un peu compliquée, monsieur. Ouais, je baisse ta mère. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la question. La question, c'est juste de savoir si vous faites des photos de votre sexe ou pas, monsieur. Écoute. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari prenait des photos de sa bite, madame. Attends, vous avez dit quoi, là? Je voulais savoir si votre mari prenait des photos de son sexe. Vous avez pris mon beau-père pour quoi, là? Ah, c'est votre beau-père, pardon. Je l'ai pris pour rien, je veux juste savoir s'il fait des photos de son engin, quoi. Bah toi, fais-toi une photo de ta bite au lieu d'appeler les gens comme ça à l'heure là. Mais non, parce qu'en fait, moi, ma question, c'est de savoir si lui en fait. Il va pas faire ça, vous dites n'importe quoi, là, vous êtes sérieux? Bah oui, moi, je suis sérieux. Je m'en bats les couilles, votre question, vous êtes sérieux, vous? Oui, moi, je suis sérieux, madame. Bah prenez votre bite en photo au lieu d'embêter les gens. Oui, ça, vous l'avez déjà dit, mais ça ne répond toujours pas à ma question. Si mon beau-père va se prendre sa bite en photo, c'est pas un capite comme vous, hein. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'il ne le fait pas? Bah non, il est pas comme vous. Ah bah voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Et c'est pour ça que vous appelez? Bah oui. Vous connaissez pas les autres gens au lieu de casser les couilles aux gens qui dorment? Bah non, moi je veux juste savoir, c'est tout, c'est pas grave. Bah vous êtes... vous servez à rien, franchement. Ça c'est possible, mais bon, c'est un autre problème, ça. Bon, allô? Oui. Je mets chez Mamadou, serpent. Pas du tout, monsieur. Ok, ta mère. La vôtre aussi, monsieur. Ok, ta mère. C'est quoi la question? La question, c'était de savoir si vous prenez votre sexe en photo, monsieur. Ouais, pour l'envoyer à ta mère. D'accord. Bah, si vous voulez, monsieur, hein, peut-être que ça lui fait plaisir, moi je ne sais pas. Hein. Ah oui, ta mère, elle aime ça. C'est une cochonne, salope. Ah, si vous le dites. Y a pas moyen de faire une tosse avec ta mère ou quoi? Je sais pas, vous l'appelez, vous lui demandez. Hein. Vous avez l'air de bien la connaître. Comment? Non, je dis, vous l'appelez, vous lui demandez, vous avez l'air de bien la connaître. Oh ouais, ta mère, ouais, j'en connais même ta grand-mère. Ah, ma grand-mère aussi? Ouais, bah là, ta mère, là, elle a la bouche pleine, là, elle peut pas te répondre. Ah, je comprends. Comment se fait, vous en parlez alors là aussi? Bah, parce que, en fait, je me posais la question, du coup, je vous ai appelé. Ouais, bah vas-y, va niquer ta mère. Il suffisait d'y aller, là. Ah bah, il a été long. Je crains que nous... Enfin, je crains. Je pense que nous étions dans le Nord. Oui, dans le Nord. Oui, on était là-bas. Ouais. Bon, allez, on fera d'autres appels malveillants tout à l'heure dans moins d'une heure sur Fun Radio. Si vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on peut appeler, bah vous balancez, hein, n'hésitez pas, comme d'habitude. Tapez toph@funradio.fr, vous laissez le numéro de téléphone de gens comme ceux-là, par exemple, qu'on peut appeler afin de leur poser la question. Bon, en parlant de questions, je vous avais demandé de me donner le surnom de l'équipe de foot nationale belge. Si vous avez la réponse, il y a des maillots de foot à gagner. Maillots de foot d'équipe nationale au choix, bien sûr. Offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Vous devez simplement envoyer M-I-K-L, espace la réponse. Le nom de l'équipe de foot de la Belgique. Alors, on proposait les Reds. Non, c'est pas ça. Les Reds des îles. Ah non, pas du tout. Non. Pas le Reds des îles. Hein. Les Dragons Rouges. Allez, c'est moi qui gagne. Je veux le maillot du Portugal. Ouais, non, malheureusement, là, la réponse n'est pas bonne. Les Diabolos Rouges. Les friteurs, c'est drôle ça, ça c'est drôle Zazia. Bon, non, c'est pas ça non plus. Bah, vous envoyez M. Quelle est la réponse. Donc, quel est le nom de le surnom donc, qu'on donne au, je vais dire la réponse, aux joueurs de l'équipe nationale belge. Comme en France, on dit les Bleus, etc. quoi. Voilà. Voilà, donc la Mannschaft en Allemagne. La Mannschaft en Allemagne. La Squadra Azzurra. Donc c'est en Italie, effectivement, ouais. Donc si vous voulez jouer, vous envoyez M. Quelle est la réponse. C'est quoi le surnom de l'équipe nationale de foot belge qui est en quart de finale comme la France, d'ailleurs. Je tiens à le rappeler. La France qui joue vendredi face à l'Allemagne et la Belgique qui joue samedi face à l'Argentine. Voilà. À qui? Argentine. Ah oui. Voilà. Bon, allez, bonne chance tout le monde. Message qui dit effectivement, Toff ne sert à rien, c'est signé Antoine. La douce Fada qui dit mon parc d'attraction préféré, c'est PortAventura. Agnès, moi aussi, c'est trop bien PortAventura. Surtout le Chambala, il est trop bien avec le Dragon Kai. Il y a Florian aussi, mon parc préféré, c'est Europa Park avec le Blue Fire et le Silver Star, c'est de la tuerie. Cindy aussi, Mika, t'es déjà allé à Europa Park, ça déboîte. Non, comme je te dis, je suis pas trop fan des parcs d'attraction. Tant que j'ai ce problème d'oreille interne là, mais bon, peut-être que si ça passe, enfin, en tout cas j'ai tout fait pour que ça passe, donc j'espère que ça va passer. Mais si ça passe, peut-être que je vais bien aimer, tu vois. Là c'est super désagréable pour moi parce que dès que j'y vais, tu veux, je suis malade après, donc c'est un peu chiant pour le coup. Bon, retour avec Marion, t'es là Marion? Oui. Bon, Marion qui va se marier, elle est en stress, du coup on cherchait des auditeurs qui s'étaient déjà mariés. Et justement il y a Géraldine de Toulon qui est avec nous. Salut Géraldine. Salut Michel. Ça va bien? Ça va bien et toi? Bon oui, très bien. Géraldine, mariée toi déjà ou pas alors? Ou plus mariée? Oui, je suis mariée depuis 2 ans maintenant. Et j'ai fait une émission de 4 mariages pour une lune de miel d'ailleurs. Non, non, c'est énorme. Oh, merde, laquelle? T'étais laquelle? J'étais la deuxième, celle qui a perdu, une bombe. Ah merde, attends, est-ce que t'as le kit manip là Géraldine? Je suis en voiture, mais non, j'ai pas le kit manip, j'ai rien. C'était quoi le nom de ton mec? Aurélien, c'était le traiteur de mon mariage d'ailleurs. Le traiteur du mariage. Ah ouais, attends, oui. Parce que Toff est en train de se rincer l'œil, il est en train de regarder pour retrouver ta tête. Hein. Je t'annonce directement les choses. C'est quoi l'épisode 2 dans Google, mariage Géraldine et Aurélien, Toulon. Et là, vous allez voir. Ah d'accord, ok, très bien. Tu penses bien que... vidéo, normalement. T'as pas eu le temps de terminer ta phrase, que tout le monde a déjà été dessus. Hein. Polo, Toff, ils sont tous sur le Facebook, sur le Google, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, alors vous avez trouvé ou pas? Mais bien sûr. Bon, bah très bien, que je vois aussi à quoi ça ressemble. Elle a fait 4 mariages. Bon. Et en attendant, du coup, Géraldine... 21 avril 2012, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Attends que je regarde aussi. Bon, tapez en même temps, si vous voulez voir. Oui, 21 avril, effectivement. Mariage de Géraldine et Aurélien. Filmé pour TF1, c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Bon, pour l'instant... Et c'était pas encombrant, les caméramans. Ah ouais, non, c'est pas du tout, ouais. Bon, pour l'instant, on voit ton mec. Voilà. Non, c'est journaliste. C'est tout. Et puis, on voit rien d'autre. Hein. Bah, mais t'es plus loin, là, on s'en fout. L'installation, tout le bordel. Moi, je veux voir Géraldine en mariée, là. Ah, bah voilà. C'est qui le mec qui parle avec le dessus blanc? Je sais pas, moi. Il est à côté de toi, t'es en robe de mariée, un peu balèze comme ça, là, non? Tu vois pas? Ah non. Non, c'est pas grave. Enfin bon, c'est pas grave. Bon alors Géraldine, est-ce que t'as un conseil à donner à Marion qui va pas tarder à se marier là? Eh ben franchement, il faut juste qu'elle pense au meilleur. Moi, ce qui m'a stressé, c'est vraiment les caméras. Après, j'étais vraiment pas stressé sinon. Ouais, mais puis évidemment, c'est normal quand t'as la télé qui va filmer ton mariage. De quoi Géraldine? J'ai dit que c'était plus mon mari qui était stressé parce que c'était lui qui faisait tout le repas. Ben, après moi ça va. Ah oui, parce que c'est lui qui était le traiteur. Putain, il a fait le traiteur de son propre mariage. Ouais. C'est original. C'est comme le photographe comme qui ça. Photographie son propre mariage. Oui, mais au moins, en fait, c'est par rapport au budget. Au moins, ça nous a coûté pas cher. Ah oui, oui, ah oui, là, vu comme ça, c'est sûr. Ah oui, mais quand on aime, on ne compte pas. C'est clair aussi. Mais quand on a plus, on a plus. Hein. On ah a oui, beau ne pas compter. Ouais, voilà, mais quand on n'a pas de sous et qu'on veut se marier, j'aimerais bien me marier un jour. Ouais, bah avec Toff. Non mais non, je suis pas homosexuel. On fait un mariage gay. Mariage pour tous. Et après on fait un divorce pour tous. Mariage pour tous et divorce pour tous. Pas de problème. Et je te tue quand dans l'histoire, à la fin ou ça, au je milieu? Sais pas. Bon attends, on va prendre Franck également qui est avec nous de Morlaix dans le Finistère. Salut Franck. Ouais, salut. Comment ça va? Eh, tu sais que c'est la ville préférée de Toff, Morlaix. Parce qu'il est mort, il est laid. Ouais, exactement. Ouais, tu peux me rendre aussi. Bon Franck. Ouais. Tu voulais donner ton avis par rapport à Marion au niveau du mariage, alors on t'écoute. Ouais, bah moi ça fait 26 ans que je suis marié. Non, mais t'as quel âge, pauvre? Ah putain, t'as 46 ans, Franck. Ouais. Et combien de fois tu l'as trompé déjà? Tous les jours. 0-0. Ouais. Bon, allez, 2 ou 3 quoi. Ouais, c'est beau. Ça, 26 ans. C'est beau, c'est bien. Ouais. Bon, et qu'est-ce que t'as comme conseil à donner à Marion alors? Bah, c'est pas la peine qu'elle stresse, ça va se faire tout seul. Ça, après, ça suit son petit chemin. Si les deux sont réglo, ça suit son petit chemin et y a aucun souci quoi. Mais je pense pas qu'elle stresse dans l'absolu du fait d'être mariée avec elle. Elle stresse du jour du mariage, c'est ça, ouais, Marion? C'est ça en fait. Il y a le peur d'oublier quelque chose, que les gens s'amusent pas. En fait, c'est un tout en fait qui stresse. Bah ouais, mais bon, après, tu sais, faut c'est pas la peine de te prendre trop la tête, hein. Je veux dire, ton mariage, ça va être le plus beau jour de sa vie. Ouais, normalement, et puis t'inquiète pas, si jamais c'est pas le plus beau de ta vie, t'en auras d'autres, hein. Ouais, tu trouveras bien une autre meuf après. De quoi, Marion? Comme pas divorcer pour me remarquer. Non, mais je me doute, je rigolais, même s'il y a des chances que ça arrive malgré tout, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas en tout cas. Bon, moralité, Marion, vas-y, fonce, t'inquiète pas, pense à autre chose, pense à la teuf, pense à ton mariage et pense pas à ceux qui risquent de s'emmerder. S'ils s'emmerdent, ils prennent la porte et puis ils se cassent et ils vont voir ailleurs. Bah oui. Ouais. Te fais pas chier, ouais. Bon, bah merci Géraldine et merci Franck d'être passé, hein. Ouais, je t'en prie. Allez, salut à vous deux, à bientôt. Ciao. Et Marion, bah bon mariage et tiens-nous au courant, d'accord? Merci Mickaël, je peux avoir un petit cadeau? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Toff te gratte le dos? Bah je peux lui gratter l'arrêt. Oui, voilà, ça c'est possible aussi si tu veux. Bon, tu vas gérer ça avec Sandro, je crois qu'il y a des packs, mais je sais pas ce qui reste encore en stock. On va voir, hein, qu'on est en la fin d'année. Je te fais des bisous, Marion. Merci, bisous. Salut. Ciao, Marion. On aura Antoine et Rémi pour parler des parcs d'attraction dans quelques instants. Antoine également de Caen, Océane de Bar-le-Duc et Roxane d'Aulnay dans le 93. Et bah, vous bougez pas de là. On va revenir dans un instant sur Fun avec le son d'Avicii. Ce sera les Mi Down sur Fun Radio. Et puis si vous voulez écouter un son en particulier, bah vous demandez, on écoutera aussi comme promis tout à l'heure le nouveau son de Katy Perry et le nouveau David Guetta. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit, sur Fun Radio. En direct sur Fun, 22h51, avec tout à l'heure Polo contre le reste du monde, avant de partir bien sûr. Et puis on a Quentin qui dit, ah oui, par rapport à la question là, comment est-ce qu'on surnomme l'équipe belge de foot? Évidemment les Belges peuvent jouer, ils auront plus facile, mais bon quand même, on a tellement répété hier soir que c'est quasiment donné quand même. Pour gagner votre maillot de foot de l'équipe de votre choix, il y a Quentin qui proposait, c'est les Tigres Rouges leur surnom. Tu m'entends Mickaël? Ouais, je t'entends bien, et je lis surtout que c'est une mauvaise réponse Quentin. Les Bafalas, non. Les frites rouges, non plus. Les frites ketchup, c'est drôle ça. Les Grands Ducs, non, c'est pas les Grands Ducs. Les Diablotins, non, ça c'est les c'est le surnom des jeunes. Voilà, ouais. C'est le surnom des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a comme message également? Attends que je lise tout ça là. Les Bial Rouges. Les Bials? Oui, les Bials. Bah non, c'est pas ça, non. Bon, c'est les Diabolica en force. C'est Oriana qui avait envoyé le message. C'est pas la bonne réponse non plus. Bon, vous êtes pas très loin. Il y en a qui sont arrivés, des bonnes réponses. On tirera au sort parmi les bonnes réponses, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on surnomme les joueurs de l'équipe nationale de foot belge? Vous avez la réponse? Eh bah, tentez votre chance. Vous envoyez M-I-K-L, M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse au 64-900 par SMS ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Bon, on va se faire tout à l'heure les appels malveillants, bien entendu. Et puis on a Océane qui est avec nous maintenant de Bar-le-Duc. Salut Océane. Salut. Comment ça va? D'accord. J'aimerais me noyer dans toi, Océane. Non. Non ? Non. Non. Tu sors pas loin, toi. Oui, mais complètement, Océane, t'inquiète pas. Bon, alors, Océane. Oui. Qu'est-ce qui t'amène ? Non, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, là, par rapport aux capotes et aux dates de péremption. Ouais. Bah, en fait, je voulais savoir à quoi ça sert. De quoi ? Les dates de péremption ? Les dates de péremption ? Non, les capotes. Ouais, parce que c'est du plastique, quoi. Bah oui, mais c'est du latex, ouais. C'est du latex, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, lubrifiant. Ouais, il y a un lubrifiant et en fait, ça ne tient pas aussi longtemps. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir, si tu passes à la date de péremption, si tu veux, quand tu vas ouvrir la capote, elle va pas être en petits morceaux. Hein. C'est juste qu'elle est moins solide. Elle est moins solide et elle risque plus facilement de craquer parce que le lubrifiant va sécher au fur et à mesure et du coup, le latex aussi. Et du coup, ça va casser plus facilement. Ah, mais voilà. Si on fait avec la date de péremption expirée, bah ça change rien quand même. Si, c'est un risque que ça casse. Résultat, t'as un risque de tomber enceinte et t'as surtout le risque de choper une maladie. Donc quand c'est périmé, poubelle. C'est dommage, hein, c'est gaspillé, mais tant pis. Poubelle. Ah non, mais c'est pas grave. Vaut mieux dépenser un petit peu d'argent que d'avoir des problèmes. Voilà, que d'avoir des maladies ou de tomber enceinte, quoi. En plus, elles sont super longues, mais non, c'est genre 5 ans. Mais non, ça tient 5 ans, donc ça va, tu vois, c'est pas comme avant. Donc voilà, mais quand vous avez une capote qui est périmée, tant pis, jetez-la, c'est comme ça. Il vaut mieux l'acheter, prendre une autre neuve, parce que voilà, il y a des risques que ça fasse mal, des risques que ça se déchire, que ça casse et que ça perd. Etc. Donc prenez pas ce risque, c'est dommage, ce serait con. C'est pour ça qu'au bahut ils donnent toujours des capotes périmées pour faire les expériences. Ah oui, pour faire des expériences, ouais, éventuellement. Bah, après je sais pas s'ils font ça, mais quel genre d'expérience? Bah en fait cette année on est VT, on avait pris une bite en plastique et on devait mettre la capote dessus. Ah putain, c'est scandaleux ça. Bah non, moi ils savent comment. Non, franchement, moi je me dérange pas. Je préfère qu'on sache comment la mettre que de la mettre n'importe comment et. Mais attends, t'as pas besoin de faire un cours en SVT pour savoir comment une capote sur une bite. Tu serais bien étonné le nombre de gens qui savent pas la mettre. Non mais les cours c'est fait pour autre chose quand même. Un peu. Non, moi ça me choque pas que tu fasses pas que ça. Non, moi je trouve ça très bien au contraire. Qu'on vous apprenne à comment faire et à dire qu'il faut le faire, etc. Moi je trouve ça très bientôt apparemment ils vont vous expliquer comment bien lubrifier un trou du cul pour. Mais non, mais il y a un moment il est vieux jeu là, Robert là. Mais si t'es vieux jeu. Mais non, mais tu peux faire ton. Tu le sais, je veux dire, t'as qu'à te renseigner, ils passent leur temps dans des Tu sais quoi? Je vais te dire, les gens, je vais pas faire généralité, hein, mais il y en a qui ne vont pas se renseigner parce qu'ils sont persuadés de savoir. Donc ils ne se renseignent pas et ils font parce qu'ils pensent savoir, ils savent pas. Donc c'est bien de leur apprendre, c'est en plastique, ça me choque, voilà. Ah mais bon, c'est un sextoy, voilà, c'est pas la mort. Ouais, tant qu'à faire, autant prendre une banane. Je refuse que mes enfants. De toute façon, ça tombe bien pour tes enfants. Heureusement, ils ont de la chance, ils ne sont pas nés. Ils ont beaucoup de chance. Bon bref, Océane, donc quoi qu'il en soit, oui effectivement c'est pour ça qu'ils prennent des périmés pour faire l'expérience, puisque là pour le coup on s'en fout. Mais si vous utilisez, si vous avez une vraie relation, utilisez des capotes qui sont pas périmées. Et au moins comme ça vous êtes sûr et mettez-la bien aussi, comme ça vous êtes certain que ça te casse pas. D'accord Océane? Ok. Et bon. Michel? Oui Océane. C'est possible que je fasse un appel malveillant avec Toff? Tu veux faire un appel malveillant avec Toff? Mais ouais. Bah non, c'est Toff qui fait les appels malveillants, Océane. C'est un professionnel. Mais oui, il y a que Damien le canulariste parce que bon, lui il a c'est un semi-professionnel. Voilà, c'est un semi-professionnel, il en fait déjà aussi. Et Clara Morgan, bien entendu aussi, mais ça c'était un one shot parce qu'il est passé Julien des Marseillais aussi, mais c'est exact, pareil. Mais c'est parce qu'ils étaient invités, mais pourquoi pas à l'occasion, Océane. Entraîne-toi. Merci. Entraîne-toi parce que ne deviens pas canulariste qui veut. Non. Attention. Attention parce qu'on a beau critiquer tête de merde là-bas, Toff, mais il a quand même un don. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire des canularismes comme ça. Des canularismes, exactement. Ouais. C'est trop français. Tout à fait. Bon, Océane, je te fais des gros bisous en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Bisous, salut. Salut Océane, ciao, à bientôt. Roxane avec nous maintenant là. Salut Roxane. Roxane? Roxane une fois? Deux fois? Ses parents doivent être fans de Sting. Peut-être. Bon, c'est pas grave, on la reprend après, Roxane, c'est pas grave. Antoine, entre-temps, de Versailles, salut Antoine. Salut Mickaël, salut l'équipe, ça va? Comment va le château? Ça va bien. Le château est toujours là, tout va bien? Le château est plutôt pas mal, ouais. D'accord, c'est un peu la maison de Polo, hein. Bah, en ce moment, c'est son lumière, là, non? Ah ouais. La maison de Polo? Ah oui, le château de Versailles, il habite là. Mais tu sais que je suis très pote avec Polo. C'est vrai? Bah, j'espère. Ah bah oui. Là-bas. Mais bien sûr, cool. Mais tu passes chez lui quand tu veux. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. L'aile droite mérite t'es réservé. Tout à fait. Bon alors, Antoine, tu voulais réagir par rapport au parc d'attraction, toi. Ouais, exactement. Alors vas-y, on t'écoute. Tu voulais parler de Versailles. Un peu. Non, Versailles, niveau attraction, il n'y en a pas. Grand. Pas des masses, non. Ou alors pour le troisième âge, mais c'est. En fut un temps, il y avait beaucoup, mais là maintenant. Ouais, non, c'était pour dire qu'il y avait un peu partout, enfin j'étais allé un peu à différents parcs d'attractions, au Canada, aux États-Unis et en France. Ouais. Et la plus fat attraction que j'ai pu faire, c'était aux États-Unis, en Californie l'été dernier. Mm-hmm. C'était en gros le même délire que Goudurix. Ouais. Sauf que au même moment que tu bouges, la nacelle tourne sur elle-même. Ah oui, c'est... Oh, quelle angoisse, putain, moi je peux gerber pendant 3 jours. Ça c'est plutôt sexy. Oh, je peux gerber pendant 3 jours. Sexy. C'est comme l'attraction. Enfin, c'est pas vraiment. Si c'est une attraction, mais c'est pas un truc de ouf. Sinon, c'est super haut. Mais t'es arrivé, Antoine. Hein? Je dis t'es arrivé. Ouais. Non, parce que comme on entend la meuf du GPS dire, vous êtes arrivé. Je voulais être sûr que t'avais bien entendu. Non, c'est à Las Vegas sur l'hôtel la Stratosphère. C'est en fait une espèce de tour qui ressemble qui est assez haute, ouais. Las Vegas. Ouais, c'est dans Las Vegas, exact, ouais. Et donc, tu vas tout en haut, et donc tu vas comme si c'était une montagne russe, c'est genre des petits, un espèce de tout petit train, là. Oh là là, quelle horreur. Et donc, t'es tout en haut, et tu vois le vide, évidemment, et t'as l'espèce de petit train qui va vers le bas, mais t'as peut-être une petite chute de 3 mètres, je crois, un truc comme ça. Ouais, hein. C'est bah, je l'ai faite, celle-là, justement. Ah, tu l'as faite? Alors, alors ça, c'est comment? Parce que moi, je l'ai pas encore faite. Et j'avoue que la prochaine fois que j'irai, j'hésite quand même à le faire ou pas, j'ai peur quand même. Mais enfin, vas-y, finis celle-là, parce qu'après, il y a une nouvelle qui va se transférer. Bah, vas-y, Antoine, on t'écoute. La première descente est assez sympa, et la deuxième est particulièrement ouf. Mais c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'y suis allé pensant que c'était simplement tu vois une chute et basta. Ouais. Et en gros, donc il y a eu la première chute, j'étais déjà pas à l'aise. Pas ouf. Deuxième chute, là concrètement, je me suis dit là il y a une boulette. Et je me suis dit bon bah je vais visiter les sous-sols de Vegas, c'était cool. Oh putain, ah ouais carrément, donc t'as vraiment eu peur de clamser quoi, putain. Et bah j'ai pas compris la deuxième chute quoi. D'accord, oui, ok. Bon, bah écoute, je sais pas. J'hésite à la faire là. Ah ouais, putain, il y a Tof qui est en train de me montrer un. Donc ça, c'est nouvelle... à Vegas encore. C'est la nouvelle de la Stratosphère. Donc t'as celle dont tu parles, qui est celle l'historique, qui était déjà là avant. Et donc maintenant, en fait, sur la pointe de la Stratosphère, t'as un truc qui te monte jusque tout en haut de la pointe et qui te laisse tomber. Oh là là, et t'es attaché. Alors, je vous explique, c'est une espèce de mât comme il y a les antennes radio, etc. Hein. C'est une espèce de mât, et donc en fait, il y a des espèces de. Il y a un carré de plaques autour de ce mât, et sur ces plaques, ils ont vissé des sièges. Donc on s'installe sur ces sièges, on monte, et puis après, un peu comme la chute à Disney, là, comment ça s'appelle? La tour infernale. L'ascenseur ou je sais pas quoi, ouais, non, la tour, je sais plus, bref. C'est ça, la tour de la terreur. Voilà, la tour de la terreur, ouais. Sauf que là, vous êtes à l'air libre, et donc, boum, ça tombe d'un coup. Mais c'est un peu ça, comme je peux faire, ça je peux, parce que le vide me dérange pas. Et c'est un quand peu comme ça tourne. La Dalton Terror à Walibi en Belgique. Ah ouais voilà. C'est bon parce que moi la chute dans le vide me dérange pas, j'ai pas de problème, c'est quand ça se tourne sur soi-même que j'ai des problèmes avec la tête. Ah mais là t'imagines quand t'es tout en haut, c'est-à-dire que la vue que tu dois avoir sur Vegas. Non, je peux pas l'abri de l'aller faire moi ça. Oh là là, ça doit être Ah oh, ça doit être horrible. Ah ouais. Oh, ça peut être bien, malade. Rien que d'y penser, je suis malade. Bon attends, je crois que t'aimes bien les attractions. Non, etc. Moi j'adore les attractions, tout ce qui est roller coaster, Goudurix, tous ces machins là où ça bouge, où ça tourne, où ça. Tu vois, où j'ai pas le temps de voir qu'en bas il y a 200 mètres de vide quoi. Ah oh, mais c'est rien ça, c'est pas grave. Mais c'est moi j'ai adoré. L'ascenseur à Disney, il est pas si violent que ça en fait. Non, ça va, franchement ça va. Pour l'avoir testé là, ça allait. Et il y a le truc avec Aerosmith là, comment ça s'appelle? Roller coaster. Il est bien roller coaster. Ouais, c'est pas mal. Et attends, il y a aussi Rémi avec nous de Marseille. Salut Rémi. Salut. Ça va bien? Ça va et vous? Bah ouais, tranquille. Bon, toi en tant que Marseillais, ouais. tu vas avoir fait le truc le plus. Attends, putain, je t'interromps encore une fois Rémi là. Mais c'est toujours en stratosphère. C'est toujours sur la stratosphère, ouais, c'est les nouvelles attractions. Oh putain. Alors en fait, si vous voulez, donc c'est l'espèce de des bras. C'est ouais. Une grue avec en fait, des bras. Ouais, c'est une grue qui t'amène vraiment dans le vide de chez vide. Putain, mais c'est des. Et là, il y a 5 espèces d'énormes tentacules qui vous font tourner dans tous les sens, sauf que vous êtes au-dessus du vide. Attends, ça je fais pas. Hein. Mais moi en fait, ce qui me fait pas. Moi c'est pas tant le vide ou ça, c'est que j'ai peur que le truc se pète. Ouais, en fait, mais bon, il y a quand même c'est peu de risque. En fait, moi, le vide me fait pas peur et le truc m'accrocher, mais en fait, c'est ça, c'est l'angoisse que ça pète. Ouais, mais c'est comme l'avion, tu prends l'avion, il peut tomber. Mais non, mais je suis en train de dormir moi dans l'avion. Ah ouais, bah dors dans l'attraction aussi, tu vas être bien là. Bon, alors Rémi, tu as fait quoi toi comme attraction là? C'est quoi le parc préféré? Ton parc d'attraction préféré, c'est quoi? Donc, moi, c'est PortAventura. J'y suis, voilà, j'y vais depuis que je suis tout petit. J'adore ce parc, c'est mon parc préféré. Et moi, je fais tous les manèges, donc voilà, tout ce qui est à sensation et tout, j'adore. Et vraiment, je trouve que le meilleur parc, c'est PortAventura. Ouais. PortAventura? Ouais. Sans hésitation, ouais. Parce que déjà, il y a les attractions, donc voilà, en général, tous les records d'Europe, c'est là-bas. Donc, la plus haute montagne russe d'Europe, c'est Shambhala. La plus forte accélération, c'est Osiris Bako. La plus haute tour d'Europe, c'est à PortAventura aussi. Et en plus, même, il y a les décors qui sont magnifiques, le parc est immense, les spectacles qui sont aussi magnifiques. Donc, pour moi, ouais, vraiment, ce parc, il a tout, voilà. D'accord. Pour tous les goûts, voilà. Bah, il y en a plein qui le disent aussi, c'est vrai. Bah, pourquoi pas. Bah, merci en tout cas, Rémi et Antoine, d'avoir appelé, ouais. Hein. Je vous en prie, merci les gars. Et vous revenez quand vous voulez tous les deux. Tu peux faire une dédicace ou pas? Bah vas-y Rémi, ouais. Alors moi je fais une dédicace donc à toute ma famille, à Jessica et Julie donc que j'adore. Je fais une dédicace aussi à tout Renzo et je fais une dédicace aussi à Papy Ford, Adeline et Mélo. Bon, t'as de la chance que j'étais en train de faire autre chose là, que j'ai zappé le fait que t'en aies lâché 5 parce que normalement c'est une. C'est pas bien. Pardon. Ah oui, bah c'est trop tard là maintenant. J'ai fait un futuroscope avec eux donc voilà, c'était dans le thème. D'accord. Ok. Bah les messages sont passés, y a pas de problème. Salut à toi Rémi. Allez, salut, à bientôt. Salut Rémi, ciao. Allez, on revient dans un instant sur Fun Radio. Ah oui, est-ce que vous avez déjà vu des trucs complètement ouf dans les toilettes publiques et surtout dans les toilettes des festivals? Oh, si, on a vu un truc. Oh, c'était si. Avec toi, Mike. Quand? Les chiottes. Ce week-end, Miami, là non. Ah oui, oui, c'était avec moi, oui. C'était oh, avec moi, oui. Putain, t'étais on là. On va vous expliquer. Oui, c'est moi qui envoie la photo. On va vous expliquer dans quelques instants. Parce que je viens de lire qu'il n'y a aucun risque à utiliser les toilettes publiques, même si elles ont l'air crades. J'ai vraiment du mal à y croire, cela dit. Donc dites-nous si vous avez déjà trouvé des trucs improbables dans les toilettes publiques. On a une belle histoire qu'on va vous raconter également dans quelques instants, ouais. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous pouvez aussi jouer par SMS. Enfin, jouer. Envoyez vos messages. Et Mickaël et votre message et votre numéro de téléphone par SMS au 64 900. Donc il y a Nina qui dit: le pire c'est dans une fête foraine où tu es dans une boule et il te lâche, ça doit être horrible. Ah bah oui, c'est clair. Et par rapport à la question également, la question sur pour le foot, arrête de lire que les mauvaises réponses Mickaël, c'est les Big Reds, tout le monde le sait. Ouais. Non, c'est des chewing-gums les Big Reds. Ouais, voilà, donc c'est pas la bonne réponse. Déjà tu vois que je ne lis pas que les mauvaises a priori hein. Donc je disais hein, si vous avez la bonne réponse, il y a les maillots de foot de l'équipe de votre choix qui sont à gagner ce soir. Donc comment surnomme-t-on l'équipe de football belge? Si vous avez la réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse. Vous envoyez au 64-900 au tir au sort dans moins d'une heure. Et si vous êtes en Belgique, bah, vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 63-22. Bref, c'est la même chose mais c'est pas le même numéro. Voilà, donc à vous de jouer, bonne chance. Comment est-ce qu'on appelle l'équipe nationale de foot belge qui a joué d'ailleurs hier soir, hein, on l'a répété juste 1000 fois hier soir je pense dans l'émission. Donc allez-y et bonne chance. Capucine qui dit: salut l'équipe, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Bah bien sûr. Attends, je vais t'en mettre un là. Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Voilà, un message très sympathique comme tu as pu le remarquer. Florian aussi, je vous kiffe toute l'équipe, que des bars, continuez comme ça, ben, c'est gentil. Moi c'est Europa Park pour terminer sur les parcs d'attraction, c'est Florent. Toff, tu pars en pèlerinage revoir ta poubelle à Alger, c'est en bah, évidemment, je vais aller mettre un cierge dessus. Comme il est né dans une poubelle à Alger, bah il y va cet été, ça va être cool. Chloé qui dit: les mairies par chez moi ne veulent pas de mariage homosexuel, donc pour le moment ma petite femme et moi ne pouvons pas nous marier. Oh, oh ça va venir Chloé. Et Gauthier aussi, bah pourquoi tu veux pas reconnaître d'être belge, Polo? C'est une fierté, vive la Belgique. Exactement, Gauthier. Je suis pas belge. Et Damien qui dit: c'est quoi la différence entre une cacahuète et un clitoris? Aucune, ce sont tous les deux des amuse-gueules. Oh là là là, j'aime bien. Allez, restez sur Fun Radio, je vous l'avais promis, il arrive, le son d'Avicii. Avicii avec Lay Me Down, ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Il y aura aussi le nouveau Katy Perry. This is how we do sur Fun Radio. Allez, restez sur Fun, les appels malveillants, la dernière giclée également sera dans 20 minutes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Hello. Mickaël, nos limites. 20h minuit sur Fun Radio. 23h09 sur Fun Radio. Allez, 30 minutes sans pub, là, c'est ce qu'on vit actuellement avec tous vos messages que vous envoyez en direct là maintenant. Là, n'hésitez pas à continuer. Vous allez sur le Twitter, vous tapez le hashtag Mickaël sur Fun. Et Mickaël, 20h minuit sur Fun. Vous pouvez aussi envoyer votre message. Et Mickaël et votre message au 64-900. Laissez bien votre numéro hein, pour qu'on en parle et pour qu'on lise vos messages et pour qu'on vous rappelle aussi. Et puis dites-nous si vous avez déjà été dans les festivals ou même si vous avez déjà été dans les shows publics là. Est-ce que vous avez déjà été dégoûté? Qu'est-ce que vous avez déjà trouvé? Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans les shows publics là? Appelez-nous, on en parle. Et je vous l'avais promis, le son d'Avicii maintenant sur Fun Radio à 23h10 là. Avicii, Lay Me Down. Juste après, on aura aussi les appels malveillants. Une petite giclée supplémentaire qu'on va faire, dernière giclée de la journée d'ailleurs. On fait ça dans un instant sur Fun Radio. Ah oui, bah oui, oui. Et Avicii sur Fun Radio, c'était Lay Me Down. Allez hop, il est 23h14. Il y a Stéphanie qui dit: moi je veux que la Belgique soit championne du monde pour que Sandro couche avec toi. C'est ce qu'il a dit hier, hein. Enfin c'est ouais. Ce qu'ils se sont mis d'accord hier. Si la Belgique est championne du monde, Toff couche avec Sandro. Voilà. C'est ce qui a été dit. Et moi je suis d'accord. Et je n'en doute pas. Donc c'est ce qui a été dit. On verra, on verra. 23h14. On va parler également de ce que vous avez déjà pu trouver dans les shows publics, puisque nous sommes déjà tombés sur des trucs assez improbables. Pierre avec nous de Grenoble, t'es là Pierre? Oui. Bon, parfait. Tu sais, quand on avait été, on avait déjà parlé, hein, mais pour les nouveaux auditeurs par exemple, on avait été en vacances avec Toff, avec Polo, etc. Et donc on était dans un centre commercial aux États-Unis et Toff, je crois que c'est toi qui devais aller au chiottes. Ouais, ouais, c'est ça. Toff doit aller au chiottes. Et là, il y a un mec, je sais pas s'il y a eu une guerre dans les chiottes. En fait, tout le monde, en fait, il y avait plein de mecs qui passaient et ils rigolaient. C'était des latinos, ils parlaient en espagnol et tout le monde se pleurait de rire. Et là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Toff ouvre la porte des chiottes et là il y avait de la merde. Mais tu sais, bon, après t'as parfois la cuvette est sale parce que des mecs sont des gros porcs, etc. Mais là il y avait de la merde sur les murs, de la merde, de la merde sur la porte, de la merde sur la cuvette de chiottes, de la merde sur la chasse d'eau, de la merde partout. Mais attention, quand on dit de la merde, c'est pas un caca quoi. C'était le mec qui avait t'as l'impression d'avoir la chiasse et le truc il est parti mais comme une mitraillette quoi. Il s'était torché le cul avec son slip. C'était et il avait jeté horrible. Son slip dans les chiottes comme ça. Ouais. C'était horrible. J'en ai pleuré de rire. Non mais c'était une horreur. À pleurer de rire. Ce n'est pas sans nous rappeler d'ailleurs cette grande histoire. Il y avait des auditeurs qui avaient demandé. Tiens, du coup on va la remettre. Ah bah oui. Cette grande histoire de pause caca. Ah la fameuse. Ah c'est rapide mais écoutez, ça valait de l'or. Alors donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Mais je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Ah bah. Et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi toi ou pas, Grâce? Ah non, pas du tout. Hein. D'accord, ah, bon. Bon, et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle. C'est que il y a pas de toilettes. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol et qui est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les exactement. Mouches. Exactement. Avec les mouches et tout là. Et donc. Donc finalement, au bout d'un moment, il fallait que ça sorte. Et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais... Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je chie dans mon fut. Et comme je voulais pas le dire, machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, je me souviens, c'était la honte. Moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fiche. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, hein. Il y a pas de soulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche elle m'a saoulé. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le oh, meilleur. Oh putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a été le meilleur, celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc... Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir mon ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. Ouais. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Ah, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc mais j'avais chié dessus donc elle se voyait plus. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Voilà pour la petite histoire, comme quoi vous avez vu, il s'en est passé, hein. Il s'en est passé. Bon, Pierre. Oui. T'as fait les scouts ou pas? Ah non, du tout. Ah d'accord, ok. Mais t'aurais dû, ça t'aurait permis de vivre des aventures comme celle-là. Très intéressante, en effet. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, toi, t'as déjà trouvé quoi dans les chiottes publiques? Alors moi, j'ai trouvé des menottes sadomasochistes vraiment plantées dans le mur, quoi. Mais comment tu sais que c'était des menottes sadomaso? C'est peut-être un mec... Quand on voit des menottes à pointe et le collier pour le coup... Là on peut rien dire, ouais. Et quoi, mais comment ça, elles étaient dans le mur? Ben en fait, c'était lors d'un festival. Un festival au-dessus d'Albertville, un festival électronique. Ouais. Et ils avaient fait des choses, sauf que l'endroit où c'était un ancien boîte de nuit exprès pour les sadomasos. Ah oui, ah. En même temps, quand tu vas dans un festival, c'est sûr que tu peux vite tomber sur des trucs un peu bizarres. Il y a juste où on était un festival avec Polo là, ce week-end, ouais. Le Rockfield à Luxembourg. Putain, tout est propre. C'est vrai. Les chiottes sont... Bon, c'est Luxembourg aussi. Hein. Oui, c'est ça. Les chiottes sont propres, le gazon est propre, tout est tondu, tout est propre, tout est nickel, quoi. Et chose bizarre, c'est la première fois de ma vie, je vais dans un... Bon, il y a plusieurs concerts, il n'y a pas un mec de sécu. Non. Personne fait le bordel. Il y avait juste trois flics qui étaient devant, mais ils étaient plus là pour regarder le concert qu'autre chose. Je disais, je vais en France, mais il y en a 150 000, il y a des mecs partout. Et là, il y avait personne. Personne n'est monté sur scène, personne n'a fait de bordel. Voilà, tout le monde était cool, monde était à la cool. Du riz et tout. Il a bouffé des frites, du riz, de la maillot, enfin, il y en avait partout. Mais voilà, donc c'était pour la petite anecdote, comme quoi, effectivement, Luxembourg, le festival était plutôt cool, tout plutôt propre aussi d'ailleurs. Bon, et donc du coup, les menottes, du coup, t'as quand même été pissé ou chier ou t'as préféré changer? Non, il a appelé sa copine, il l'a attaché. J'ai préféré pisser nature. Hein. Ah, nature. Du coup, t'as pissé dehors, quoi. Ah. Voilà. Ouais, c'est ça. On va dire, ça me retenait, quoi. C'est... Bah, te dire qu'il y a déjà eu des trucs... J'avais pas envie, quoi. Ouais. Il y a aussi les toilettes d'autoroute. Ah, ça dans les aires, sent. Dans les aires d'autoroute. Oh là là, putain, là, c'est violent. Ah ouais. Ah bah, c'est le numéro de téléphone qui va avec. De quoi? Il y a aussi les numéros de téléphone qui va avec sur les... Sur les portes. Ah oui. Ouais, c'est clair. Et là, il y a par contre... Et, c'est marrant parce qu'il y a parfois des trucs bien drôles sur les portes. Ouais. Qui se lâchent et qui écrivent n'importe quoi, c'est rigolo. Il y a un pote à moi, véridique, on était à la favela chic. Non. On était à la favela chic et pendant... Bon, il doit pas écouter donc on s'en fout. Il sortait avec une meuf et il couchait avec une autre meuf. Bon, ouais. C'était sa grande spécialité. Et un jour, donc, la meuf arrive et tout. C'est pas toi, enfin, c'est pas moi. Non, c'est sûr et certain. Ouais. Et donc, il avait l'habitude de rencontrer la maîtresse dans la fameuse favela chic. Et il était plus trop avec elle. Et puis un jour, il va avec sa meuf officielle là-dedans. La meuf va dans les chiottes, elle revient. Et là, elle lui fait un scandale. Et il y avait l'autre salope qui avait écrit. Elle avait écrit son prénom. Ouais. Je vais dire Christophe, mais c'est pas Christophe. Ouais. Christophe nanana, est un bon coup avec le nom de famille et tout. Et l'autre a été vénère. Et là le mec il commence, je ne comprends pas. Et il a commencé à lui expliquer en fait ce qu'il a fait. Garde en fume. Il a regardé sur internet et il a vu qu'il y avait plusieurs mecs qui avaient son nom de famille et avec son prénom. Et il a dit bah regarde, ça doit être lui et tout. Et il a appelé le mec, il a eu de la chance parce qu'il a dit au mec il lui a expliqué vite fait l'histoire. Et le mec il a dit ouais moi ça m'arrive, je vais à la favela chic et tout. Et là il s'en est sauvé. Il est en fait c'était pour lui quoi. Oh le chien. Elle a écrit son nom de famille, son prénom et tout. Rouge à lèvres sur le. Putain, elle aurait pu faire un effort quand même. Ah ouais, c'était beau quoi. Putain, il a eu une chance lui, un truc de dingue quand même. Bon attends, il y a Romain aussi qui est avec nous de Fontainebleau. Salut Romain. Salut. Ça va? Ouais, tranquille. Oh, t'es un doux, toi. Ouais. Ah ouais, t'es un doux. T'as déjà été doux officiel? Quoi? Non. T'as pas encore? Tu veux devenir doux officiel? Bah pourquoi pas. Bon bah attends, je te passe Polo alors. Salut jeune doux, comment t'appelles-tu? Romain, moi Polo, grand maître de la confrérie des doux et grand maître et grand chevalier de l'ordre des doux. Tête de bite. C'est à chaque fois que j'invente des trucs. Tête de bite. Et général en chef de l'armée des doux, je peux accéder à ta demande. Tu veux devenir doux officiel? Tête de bite. Oui. Mets-toi à genoux. Ça c'est bon. Ok. Insulte-toi. Je suis un putain de fils de pute, ma mère. Mais non, mais pas ta mère, enfin. Oh, d'accord, ok. Je suis qu'un gigolo, je me fais défoncer tous les soirs par DSK. T'es loin, toi aussi, hein. Qui fonce d'où. Qu'est-ce que tu as ton téléphone à la main droite? Ouais, ouais, c'est bon. Tape le doigt sur la tête. Encore. Romain. Oui. La bonne nouvelle vient de tomber. Nous avons ouais. délibéré, moi et les grands sages des doux, et nous pouvons te dire que tu es doux officiel, bravo ouais. Bienvenue dans la confrérie. Et tu seras le doux extrême. Ok. Le doux barré. Le doux barré. Bon, bah, doux... je vais changer mon nom sur Twitter. Eh bah, ouais. J'espère bien, Twitter, Facebook et Instagram, tout ce que t'as, quoi. Le doux barré dorénavant, Romain. Et n'oublie pas, du coup, tu dois prévenir tous tes potes qu'il y a enfin un truc de bien à écouter le soir à la radio, que c'est sur Fun que ça se passe. Et donc, je compte sur toi, le doux barré. Bon, le pas doux barré, tu voulais réagir, toi, par rapport au lieu public et aux chiottes. Qu'est-ce que t'as déjà trouvé dans les chiottes? Alors, moi, j'étais au festival des Vieilles Charrues, et en fait, dans les toilettes des hommes, il y a 5 toilettes, et il y a 5 trucs pour pisser, là. Ouais. Et moi j'avais envie de pisser et vu que je suis hyper pudique, moi je préfère aller dans les chiottes. Donc je vois la première chiotte, elle est bouchée. Ouais. La deuxième elle est bouchée. Mm-hmm. La troisième est bouchée. Ouais. Et la quatrième j'ouvre et t'as le mec qui dit oh, s'il vous plaît laissez-moi tranquille, ça fait 3 toilettes que je bouche là, j'en peux plus. C'est pas une blague. Eh, on aurait pu croire quand même, hein, là comment tu l'as raconté, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une blague. Donc le mec il a bouché toutes les chiottes et il a été niqué la dernière. Ouais. Putain c'est bon ça. Et t'as fait comment avec ton petit zizi? Oh bah j'ai pissé dans l'urinoir. Hein. Ah bah oui. Ah bah ouais là pour le coup pas le choix. Mais ils sont bien les nouveaux urinoirs, enfin les nouveaux. Tu sais les trucs, les ouais, espèces de tours où il y en a 4 tours. Enfin t'as pas de trucs dégueulasses à faire. Ouais voilà c'est bien, c'est propre. C'est juste que t'imagines ce qu'il y a dans la boîte. Tous ces litres de pisse dégueulasses, tout mélangé avec tout, c'est une horreur. Rien que d'imaginer ça, c'est une angoisse permanente. Tiens, il y a Nina qui dit le pire, c'est sur les aires de repos dans les stations-service et les chiottes sont dégueulasses. Il y a Florine qui dit moi, c'était dans les toilettes de mon lycée. Il y avait aussi de la merde étalée partout sur les murs et la cuvette. La douce Fada qui dit la fameuse histoire des scouts, je l'adore, elle me fait trop rire, je commence déjà à rire avant qu'il raconte. Et Nico qui dit les toilettes des routes nationales sont sympas également, vous pouvez trouver des numéros pour avoir des plans cul sympas. Ah ouais, bah écoute, c'est plutôt cool, hein. Pas mal. Bah, je suis disponible. Bah, j'imagine, t'as qu'à aller là-bas, c'est bien. Bon, attends, on va prendre aussi Virgile avec nous du Havre. Salut Virgile. Salut. Encore un doux? Non. Ah si. Ah si, t'es un doux. Ah si, si, avec une voix pareille, on peut pas faire autrement. Ah, pas officiel, mais t'es un doux. Oui. D'accord, il me semblait bien. Bon, Virgile. Oui. T'es déjà tombé sur des trucs bizarres, toi, dans les chiottes? Oui, c'est dis-moi. Surtout la suite qui est grave. C'est que j'étais au toilette de la gare Saint-Lazare. Ouais. Et donc je paye la pipi là, la dame bizarre. Mais oui. Donc déjà je ça c'est scandaleux. Minutes. Attends, excuse-moi, je te coupe, je trouve ça scandaleux qu'on nous fasse payer la pisse. Ça dépend. Ça dépend. Ça me dérange pas, ça me dérange pas de payer si les chiottes sont nickel et tout est propre. Ah non, on paye mais pas. Mais si c'est pour payer pour avoir de la merde et dégueulasse, là je suis pas d'accord. Ah non, la pisse c'est free. Non, je suis pas d'accord. Après il faut que ça soit sur la dame. Non, la meuf elle est là, elle nettoie, franchement tu lui donnes 30 centimes, ça va pas te tuer. Mais voilà, c'est juste que il faut que ce soit propre, parce que si tu payes et que c'est dégueulasse, là par contre ouais. Et ce que j'aime pas non plus, c'est les chiottes où il y a pas de lunettes quoi. Ah ouais, ça c'est horrible. Putain, ça c'est vraiment emmerdant. Bah d'ailleurs moi pour me venger, je ne chie pas, voilà. La toilette n'a pas l'honneur d'avoir mon cul. T'as raison. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon alors vas-y Virgile, donc t'étais à Saint-Lazare et puis... Donc déjà je mets 10 000 pour trouver mes 5 centimes qui me manquent. Ouais. Et donc j'arrive dans les toilettes et je vois je tombe sur une capote. Donc je fais c'est pas grave, hop, je fais mes besoins. Mes besoins. Le mec c'est un chien. Tu fais une petite crotte quoi. Ouais. Non elle était grosse. Mais bon bref. Et le problème c'est qu'après je sors. Et il y avait la dame de service qui arrive et tout. Sauf qu'elle m'a carrément fait comprendre qu'elle pensait que c'était moi qui avais mis la capote ici. Oh merde. Ah d'accord. Mais t'as sorti son certificat d'où? Et le problème bah c'est qu'elle a été voir ma mère. Oh, quelle connasse. Oh mais attends, c'est bon, elle a même pas de preuve en plus. C'est ça. Et ma mère qui fait bah pourquoi il aurait fait ça? Elle fait bah je sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle espérait faire quoi en fait en allant le dire à ta mère? Je sais pas. Tu prennes une claque, à moins que en tant que sale doux, c'est toi qui l'as vraiment fait. Moi j'ai rien fait, personnellement. Et ouais. Un doux peut en cacher un autre. C'est ça. D'ailleurs, sur le front de tous les douilles, il y a marqué coupable. Ah si hey, t'aurais dû négocier, t'aurais dû lui glisser une petite pièce de 20 centimes pour corruption. Tu vois ce que je veux dire? Pour la corrompre. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais pu essayer, oui. Ouais. Non, t'as pas fait ça? Non. Ah, t'auras peut-être dû essayer, mais bon. Bon, les doux, merci à vous d'avoir appelé en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. Ouais. Salut les doux. Ciao, salut Romain, salut Virgile. Et restez bien là, il y a les appels malveillants qui arrivent encore. Une petite dernière fournée là. Il y a Pierre aussi. Est-ce que tu peux faire une dédicace pour moi en direct à la radio? Bah oui, pour Max et Louis de Pau, de la part de Pépé. Bah voilà, le message est passé. Et puis il y a un message qui dit Tof patauge dans la mer depuis son enfance, c'est Antoine. Et le Bostiakov qui dit j'aimerais dire à une fille que je l'aime devant toute la France, mais je n'ose pas vous appeler. Bah mais le Bostiakov, pas de entre nous. Bah non. Ah bah non. Depuis le temps qu'on parle ensemble, appelle-nous et puis tu passes à l'antenne, le Bosniakov. On t'attend. Allez hop, fais pas l'enfant maintenant. 01 42 48 5000. Bon, et puis je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les maillots de foot à gagner sur Fun Radio. Si vous avez la bonne réponse à la question suivante, comment appelle-t-on, comment surnomme-t-on l'équipe nationale de football belge? Si vous avez la réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. On tire au sort dans moins de 30 minutes. Quelqu'un qui proposait les rouges, c'est non, Roman de Liège. Non, t'es pas sérieux. En tant que belge, tu ne sais pas comment s'appelle l'équipe nationale belge? Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne sait pas, il ne peut pas. Les rouges, c'est le Standard de Liège. C'est pas l'équipe nationale, Roman, là. Oh là là. Bon, allez, allez-y, les autres. Hein. Vous y allez. Si même les Belges se trompent, alors là, je parie pour vous. Hein. Je suis désolé. Ah, voilà, maillot de foot de l'équipe nationale de votre choix. Si vous avez la réponse, vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64 900 ou au 63 22. Si vous êtes en Belgique, comment surnomme-t-on l'équipe belge, l'équipe de foot belge? Voilà, allez, bonne chance. On écoute Katy Perry maintenant, je l'ai promis, on se le met maintenant. This is how we do sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël Nolimit jusqu'à minuit. Il est sympa le nouveau Katy Perry là. This is how we do sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël Nolimit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Bon, toujours en direct évidemment, on va continuer à parler de ce que vous avez déjà trouvé dans les toilettes publiques. Et avant ça, on va se faire la dernière giclée des appels malveillants. L'appel malveillant donc à base de Texans encore une fois comme hier. Sauf que ce soir, l'histoire en fait, bah, c'est qu'il y a un Texan qui a décidé de trouver du travail. Jusque là c'est bien, donc il va au pôle emploi Texan où il dépose son CV, une photo, sauf que bah, il envoie une petite photo en plus en espérant avoir plus de chance. Photo de sa bite. Mais oui, il a une photo sympathique. Voilà. Une photo qui le met bien en valeur. Du coup, la meuf va forcément apporter plainte, surtout aux États-Unis, hein, puis comme ils sont. Donc du coup, bah, on appelle des gens pour savoir si ils ont déjà fait des photos de leur bite. Mais oui, allons-y. Voilà, allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant à 23h34. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari s'était déjà pris le sexe en photo. C'est pas mal comme blague, ça. C'est pas une blague, madame, c'est une question. Ah, comme tous les hommes, hein. Ah oui, donc il se prend le sexe en photo, alors. N'importe quoi. Ah bah, je sais pas, je vous pose la question, madame. Vous avez que ça à faire, d'appeler les gens et de poser des questions comme ça? Oui, complètement. D'accord, bon, ben, alors, vous savez quoi? Vous allez raccrocher, vous allez me laisser tranquille. Ah bah non, d'accord. Vous n'avez pas répondu à la question, madame. Mais qu'est-ce que ça vous regarde? Bah, c'est pour ça que je vous appelle, madame, sinon je vous appellerai pas. Bon, allez, au revoir. Ah bah non, allô. Oh, elle est relou. Attends, on la rappelle. Scandaleux de pas me répondre. Voilà. Ah oui, une honte, on rappelle. Oui, allô. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je veux toujours la même chose, madame, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais vous avez que ça à faire. Mais comment ça j'ai que ça à faire? Bah oui, puisque moi je vous appelle, je vous pose une question, vous y répondez pas, donc du coup je suis bien obligé de vous rappeler. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Bah savoir si... la question. Bah savoir si, vous... savoir si votre mari se prend le sexe en photo, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais c'est juste pour savoir, madame. Et une fois que vous savez? Bah c'est tout. C'est Fun Radio, n'importe quoi. Bah oui, quelle idée. Qu'est-ce qu'il va s'imaginer enfin? Oui. Hein? Non, moi je... Oui. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? En plus, je vous ai répondu. Mais non, vous m'avez pas répondu, madame. Oui, mon mari se prend tous les jours le sexe en photo, c'est sa passion. Il adore ça. Ah bah voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. D'accord. Bah voilà. Bah une bonne soirée, madame. Bah vous aussi. Au revoir. Au revoir. Eh ben voilà. Quand même, sur 4 appels, on s'est quand même fait griller 2 fois. Hein. Ouais. Victime du succès. On est victime du succès, ouais. T'as remarqué que c'est jamais celui qui décroche qui a capté. Hein. Oui, c'est vrai. C'est toujours celui qui est derrière qui dit oui, je fais pas la radio. C'est l'autre connard là. Oui, c'est l'autre connard là. C'est exactement le sac à merde. Le sac à merde. Ça va te faire enculer, connard. Voilà, exactement. C'est le sac à merde. Bientôt, je ne pourrai plus appeler tranquille. Ah oui, il va falloir appeler au Canada. Et quand est-ce que tu fais des appels à Alger? Ah bah oui. Ça parle français, l'Algérie. Bah oui. Ouais, on peut essayer. Bah oui, parle français. Ouais. Bah allez, demain on fait une spéciale. Spéciale Algérie. Ah non, attendons que le Ramadan passe. Que le Ramadan passe. Oui, c'est on mieux. Ouais, comme ça, on termine. On fera ça l'année prochaine. Bon, il y a Chloé qui dit les chiottes des campings sont pas mal aussi parfois en termes de propreté. Ah oui, ça c'est clair. Ah, c'est clair. Cela dit, en parlant de propreté, celles de la radio sont pas mal non plus. Il faudrait que de temps en temps on fasse des photos. Putain, parce que c'est quand même. Franchement, je vais être dégueulasse. Je suis désolé, mais je vais quand même le raconter. Hein. Un jour, j'y vais. Bon, il y a la toilette des filles, toilette des garçons. Je vais souvent du côté des filles parce que c'est plus propre et parce que les mecs pissent toujours debout. Moi, je pisse toujours assis, c'est meilleur pour la santé, il paraît. C'est vrai, hein. Et quand tu pisses debout, en fait, tout sort pas. Alors que quand t'es assis, tout sort. Et puis en même temps, t'es pépère. Si, j'ai vu ça. Je sais pas, moi, je pisse comme je peux. Oui, bah voilà, mais après, si t'as pas le choix, tu pisses debout. Mais si je veux dire. Si tu pouvais te coucher dans les chiottes, je le ferais, moi. Ah ouais. Enfin bref, donc tout ça pour dire que je vais parfois chez les meufs, parfois chez les mecs quand j'ai pas le choix. Chez les mecs, c'est toujours hyper crade, dégueulasse, scandaleux. Et puis, chez les meufs, un jour, j'y vais. Et là, qu'est-ce que je vois ? Du sang sur la lune, sur les lunettes. Du sang des règles. Bon, évidemment, c'est pas la faute de la radio, c'est la meuf qui avait eu ses règles et je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, il y en avait qui étaient restés collés, tout ça. Moi, une fois, j'ai été soupçonné par Francis Zégut. Ouais. Parce que moi, je vais en bas, j'explique, je vais choisir, c'est le grand boss, je suis dans ses toilettes parce que c'est plus propre, où je vais en bas chez RTL. RTL 2, ouais. RTL 2, chez Francis Zégut. Et une fois, je vais chier comme ça, et Francis Aigut pensait que c'était moi qui dégueulassais tout le temps les chiottes. Et j'ai beau lui expliquer que non, il m'a dit, mais si, c'est toi, là, tu viens toujours et tout. Mais parce que c'est toujours dégueulasse partout ici. Hein. Mais ouais, mais c'est dingue, hein. C'est dingue. À part chez notre grand patron, où là, c'est toujours très, très propre. Ah, hein. Ah oui, là, il y a du savon, toutes les couleurs de savon, il y a tout, pas de problème. Il y a même un coffre-fort chez son Altesse. Oui, c'est vrai, que j'avais déjà mis sur Facebook, d'ailleurs, on a toujours pas réussi à le braquer. J'ai été à l'Arena, une boîte de nuit, et quand j'ai voulu aller aux toilettes, j'ai ouvert la porte et j'ai vu une fille en train de tailler une pipe à un mec. Oh, c'est bon, et quand ça. Ils m'ont vu, l'homme m'a demandé si je voulais prendre le rôle de sa femme. Putain, t'es sûr que c'était une boîte de nuit normale? Parce que c'est bizarre quand même. C'est pas une boîte de nuit échangiste, c'est bizarre. Il y a Alessia avec nous de Lyon. Salut Alessia. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, t'as l'air en forme. Hein. Ouais, elle a l'air heureuse et tout. Un peu fatiguée. Ah, d'accord. Bon, Alessia, sur quoi t'es déjà tombée dans les chiottes publiques? Alors, quand j'étais gamine, en fait, j'ai un papa qui est routier et on allait souvent en Italie. D'accord. Alors, imaginez un peu les chiottes en plein air. Ah oui, scandaleux. Hein. Tout, voilà. Ah ouais, ça c'est les pires de toutes. Hein. Ouais. Les aires de repos en plein air où il y a pas de station, c'est les pires et de surtout des Italiens, il y a rien de pire. Pourquoi? Tu racontes ça comme ça. Et alors qu'il a jamais mis un pied en Italie, il faut le savoir quand même. Bon, et donc alors après, la mafia m'interdit de venir là-bas. Ouais. Et alors, une fois, j'étais toute petite, j'avais une envie pressante et tout. J'arrive dans les chiottes. Alors déjà, là-bas, c'est toujours rempli de merde. Mais tu vois, c'est les chiottes turques un peu. Ah, je déteste ça. Quand j'étais petit, j'avais peur que quelqu'un mette un bras. Ouais. Parce que moi, je regardais beaucoup de films d'horreur. Et j'avais toujours peur. C'est con, mais qu'il y avait un truc qui sorte et qui te bouffe le cul et qui te tire dans la... Alors, je n'y allais jamais. Ah, tu m'étonnes. Ah, mais ça, je déteste ce genre de chiottes-là. Oh, enfin, bon. Turques. Et puis... Et alors, arrivé là-bas, je commence et tout, et d'un coup, je vois un préservatif rempli au fond des chiottes avec de la merde autour. Alors, je me suis imaginé un seul instant que c'était le mec qui s'était fourré dans le cul, j'en sais rien. Oh. Je me suis retenu, je suis parti, ça m'avait écœuré. Et j'avais même retrouvé une fois, dans d'autres toilettes publiques, un rat mort au fond des chiottes. On sent qu'ils font le ménage souvent. Ah ouais, la grande classe. Ah mais là-bas, c'est tout le temps crade, c'est rempli de merde, c'est jamais nettoyé pour ainsi dire. Oh là là, ouais, mais ça c'est sur les aires d'autoroute. Hein. Forcément, il y a personne qui va nettoyer ou ils vont nettoyer une fois de temps en temps. Et même ceux qui vont nettoyer se disent... De toute façon, même s'ils vont nettoyer une fois par jour, les mecs dégueulassent tout. Mais c'est donc vrai que tu te dis... Et ça fait peur les aires d'autoroute, tu sais, tu peux tourner un film d'horreur là-bas. Mais des fois la nuit. quand t'es en journée, ça va, mais moi, ça m'arrive parfois, c'est en hiver. Quand je fais la route, il est pas tard, il est 6-7 heures seulement. Quand on mais essaie d'abandonner tout noir. Tof, des fois. Putain, tu t'arrêtes et tout. Ouais, on a déjà mis Tof avec une laisse, on l'a attaché à un arbre, il est revenu. Hein. Ouais, je reviens toujours. Quelqu'un l'a détaché, il avait vu son adresse sur son petit collier. Mmh, du coup, ils nous l'ont ramené. Alors, bon, on s'est dit, ah ben on l'avait perdu, génial. Donc voilà. Bon, on réessayera. Hein. Ne le faites pas avec des animaux. Avec Tof, on peut, mais pas avec des animaux, c'est pas bien. Ouais. Voilà, si vous avez un animal, gardez-le et assumez-le et démerdez-vous avec. Et en fait, t'as déjà remarqué que sur les murs, souvent, t'en as, je sais pas comment ils font, mais il y a la trace de merde avec la main, carrément. Non, mais ça arrive souvent sur les aires de route, en Italie et tout, un peu partout, là. Ouais, mais t'en as qui sont vraiment pas finis, sincèrement. Tiens, il y a Capucine qui dit aux toilettes, j'ai trouvé un vieux soutif. Un Léonie mort de rire. Ah, peut-être le soutif de maître de Léonie, je ne sais pas. Stéphanie aussi, à 27 ans, j'ai toujours peur du monstre des toilettes turques. Ah bah toi aussi, tiens, c'est comme Polo, tiens. Attends, on va prendre aussi Angelo avec nous, là. Salut Angelo de Saint-Dizier, comment tu vas? Ça va. Oh putain, ça c'est du doute compétition, ça. Ah ouais, c'est le tueur des tueurs, là. Ah, le tueur des tueurs. T'es là, c'est le doux. C'est un peu le Al Capone des doux. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors, t'es là, Angelo? Ouais. Bon, ouais, t'es un doux, toi, hein? Ouais. Bon, alors, on y va. Vas-y, fais péter, Angelo. On t'écoute, qu'est-ce que t'as déjà vu? Alors, j'étais dans un toilette public, dans une station de service normale. Et, ouais, parce qu'il y a des stations de service pas normales. Et dans le pot, il y avait deux chiottes. Je rentre dans un premier, il y avait plein de pisse, mais à ras-bord. Donc je voulais aller dans le deuxième. Et puis là, je vois une grosse merde, mais à côté, c'est pas dedans, pas sur la lunette, mais bien à côté. Bah ouais, mais il y a des mecs qui, t'sais, ils voient pas bien où elle est la lunette, du coup ils sont un peu décalés et ça rippe, quoi. Mais le pire, c'est que il y avait carrément un mec qui avait marché dessus. Mmh. Et puis après, j'ai sorti, puis il y a un mec qui est rentré dedans. Et il est ressorti avec une tête un peu bizarre, c'était trop marrant. Bah tu m'étonnes, le mec il devait être dégoûté. L'horreur. Mais oui, mais c'est comme les chiottes qu'on a vues avec la merde partout sur les murs et tout, une honte. J'ai autant ri de ma vie. Oh, dégueulasse. C'était juste dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. Bon, merci du coup Alicia d'avoir appelé, hein. Ouais, de rien. Et tu reviens quand tu veux. Et Angelo, bah, merci aussi. T'es déjà doux officiel toi, Angelo? Non. Tu veux devenir doux officiel? Ouais. Bon, alors je te passe Polo. On en a fait ce soir des loups officiels. Hein. Angelo! L'armée s'agrandit. Angelo! Oui? Je suis Polo, grand maître de la confrérie des doux, général en chef des armées des doux. Oui? Tu as décidé de devenir un doux officiel en ton âme et conscience. Oui? Alors mets-toi à genoux. C'est bon? Oui. Insulte-toi, Angelo. Je suis un gros connard. Encore? Un salaud, un connard. Encore? Je me fais tout le temps violer. Oh non, Angelo, quoi là? Tu t'insultes pas là? T'es un dingue ou quoi? Mais oui, quand vous avez un moment d'imagination, vous dites que vous êtes tof. Attendez, je veux bien que vous vous insultez, mais restez dans les connards. Voilà, dans les insultes, voilà, propres. Salaud, pourriture. Oui, et donc, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Non. Ah, mais prends-le! C'est bon. Allez, tape-toi sur la tête! Encore! Encore! Stop, ça suffit! Tu vas s'ouvrir le crâne. Angelo, je t'annonce la bonne nouvelle, tu es doux officiel, bravo! Merci! Et tu seras le doux mafieux. Ouais. Le doux mafieux. Le doux mafieux. Voilà, tu peux changer ton pseudo sur Twitter, Facebook, Internet, tout Instagram, Internet mongol. Donc voilà. Facebook. Le doux, sur Facebook, tu changeras sur Facebook, y'a pas de problème. Bon, le doux mafieux, n'oublie pas de prévenir tous tes potes qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio, c'est sur Fun Radio que ça se passe, d'accord? D'accord, je peux faire une petite dédicace. Même deux puisque t'es un doux officiel, vas-y. Une dédicace à Gab, mon meilleur pote, et à Chigou. Très bien, on l'embrasse, y'a pas de problème, message passé. Salut, salut! Salut. Allez, à bientôt. On va filer dans quelques instants également le maillot de foot qu'on vous promet depuis tout à l'heure. Pour ça, évidemment, maillot de foot de l'équipe de votre choix. Il faut répondre à la question que je pose depuis tout à l'heure. Donc, on va donner la réponse et on va appeler le gagnant dans moins de 10 minutes. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique par SMS. Donc, quel est le surnom des joueurs de l'équipe belge? Comment est-ce qu'on surnomme l'équipe belge de foot? Voilà, si vous avez la bonne réponse, la France c'est les Bleus par exemple, il y a les Fenech pour l'Algérie, merde, j'ai oublié comment on dit Argentin, l'Argentine, c'est quelque chose. Non, c'est les, enfin je sais plus. Bon, soit, c'est pas grave. Donc les Belges ont un surnom également. Donc allez-y si vous avez la bonne réponse. Tirage au sort dans moins de 10 minutes. Comment surnomme-t-on l'équipe belge de foot. Allez-y, bonne chance. Et Mickaël est la réponse au 64-900. Vous restez bien là, dernière ligne droite avec Polo contre le reste du monde. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Mickaël, nos limites, 20h minuit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun, allez, dernière ligne droite déjà. Déjà, putain, 23h51. Oh. Bon, on sera de retour demain, hein, rassurez-vous, à partir de 20h, hein, on sera là, bien sûr, sans problème. Il y a Léo qui dit, où est-ce qu'il est Léo là? Moi, au lycée, on sentait de la merde dans les couloirs. On a été voir aux chiottes, on a trouvé une merde qui montait jusqu'à la cuvette, dégueulasse. Bonne chance à la femme de ménage. Bah, tu m'étonnes. Alexandre aussi, j'ai trouvé une meuf en string bourrée, couchée par terre, et elle m'a fait flipper sur le coup. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, j'aurais bien baisé. Ah, ouais, je sais même pas quoi elle ressemble. Il y a Nadia aussi, les meilleurs auditeurs à l'écoute de la meilleure émission de radio, c'est ici, cherchez pas ailleurs. Bah, c'est gentil Nadia. Et alors Esteban qui dit Mickaël, trop bien l'émission, ce serait possible d'avoir un message de bienvenue. Je suis né aussi le 19 avril. Ah ah, quelqu'un qui a du goût, même si tu n'y peux rien évidemment, mais tu as du goût quand même. Bon, un petit message de bienvenue. Alors attends, je vais t'en mettre un petit là. Un que j'ai pas encore mis ce soir, tiens. Faites chier la peine. Ah. Bon. Non mais alors qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Bon, c'est pas le plus violent. Attends. Bon, écoute-moi, petit merdeux. Tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer. Ta mère, elle va te faire enculer. Tu vas aller te faire enculer. Et tu nous casses pas les couilles, ok? Bon, tout le monde va se faire enculer, quoi. Non, mais comme ça, au moins, on est bien. Bah ouais, oui. Voilà, les choses sont faites, tout est plié. Bon, le gagnant foot, je l'appelle dans 5 minutes. Donc, restez bien là. Comment s'appelle l'équipe belge? Comment est-ce qu'on la surnomme? L'Espagne, par exemple, c'est la Roja. Oui. Voilà, il y a les bleus pour l'équipe de France, etc. Il y en a des marrons, pour Malte, c'est les chevaliers. Les chevaliers? Ouais. Et il y a les trois lions aussi pour les Pays-Bas. Non, l'Angleterre. Trois lions, c'est l'Angleterre. Ouais, c'est ça. Les grands-ducs, c'est la Finlande. Les croisés, c'est pour la Géorgie. Ah bon? Et la Grèce, c'est le bateau pirate. Le bateau pirate, ouais, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc on avait déjà proposé Diablotin, tout ça, mais ça, c'est la petite équipe, c'est les jeunes. Donc si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et je vous offre le maillot de l'équipe nationale de votre choix dans quelques instants. Polo contre le reste du monde, ça va également débarquer. Bah, maintenant aussi, tiens, justement, on est. Pour une fois qu'on est un peu en avance, j'ai envie de dire, profitons-en. On y va ! Allez, c'est parti pour Polo Against the Rest of the World. Cette grande et magnifique émission, beaucoup de propositions d'autres radios, mais pour l'instant, ça restera ici. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Et vous êtes sur Fun Radio, bienvenue dans Polo, et voici le reste du monde. Aurélien, je t'écoute. Salut ma petite pute, ça va ? Hey, tu vas surveiller ton langage, je suis pas ton pote, t'as compris ? Mais si, t'es mon pote. Allez, casse-toi d'ici, Brian. Ouais, je vois. Calme-toi, on sait que t'es des planchettes, calme-toi, d'accord. Va te faire foutre, espèce de. Mais c'est pas possible. Brian. Quoi? Calme-toi. D'accord, fils de pute, désolé. La chiasse. Ouais, Polo. Ouais. Ouais, non, je voulais m'excuser pour le chiotte la dernière fois, quoi. De quoi? Parce que j'étais là, c'est parti tout seul, quoi. Mais de quoi? Ah, les chiottes, bah oui, mais bah mec, oui. Attention la chiasse là. Bah oui, c'est parti tout seul, du coup bah, j'en ai mis du sol au plafond quoi. Ah bah oui. Mais je t'ai constipé depuis 8 jours et du coup c'est parti quoi. Et là bon j'allais pas frotter derrière quoi. Ah bah il faut travailler, il faut nettoyer, ça, c'est, on n'est pas là pour nettoyer ta merde. Sylvain, je t'écoute. Ouais, je peux te faire une blague vite fait. Non. Jean-Jacques Dulac, le retour, je t'écoute. Ah ouais, salut, ça fait longtemps hein. Ouais, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu veux? Ben moi aussi quand j'ai chié sur le rouleau PQ. Comment j'ai fait? T'as chié où? Sur le rouleau PQ. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, espèce de con va? Mais je sais pas. Hein? T'es pas assez grand pour nettoyer ton cul dégueulasse tout seul? Ouais. Allez dégage d'ici, le fou. Ouais, je bâtard. Eh, tu vas surveiller tes planchettes toi aussi? Eh mais ferme ta gueule gros. Eh le fou. Ouais. T'as pris tes médicaments? Bah ouais. Bon, t'es où à l'asile là? Dans quelle chambre? Bah, je suis dans ma chambre, vraiment enculé. Bon, ok. Qu'est-ce qu'ils sont vulgaires? Aurélien, du con, je t'écoute. Va te faire foutre, connard. Avec plaisir. En fait, c'est un défouloir ici. Ils viennent se défouler à m'insulter. Brian, calme-toi. Oh, fils de pute, tu vas Brian pas parler de planquette déjà. Eh, va te faire enculer, ferme ta gueule. Oh, je peux faire une dédicace après? Non. Et faire le générique aussi. Alors, si t'es tranquille et si t'es calme, d'accord, Brian? D'accord, et je fais le générique aussi alors. Donc, si t'es calme. Merci. Et je peux voir le numéro de la mère à Toff. La chiasse, le retour. La chiasse. Ah ouais, pardon. Ah ouais, c'est... Non, mais rien. Non, mais rien, j'étais dépité parce qu'il raconte l'autre, là. C'est pas grave, la chiasse, t'inquiète. Sylvain. Ouais, bon, bah, si tu passes dans ma blague, je fais une dédie au pire. Ça te va? Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, tu prends cet air imbécile, là, de mec triste, comme si, genre... Oh, on n'a pas... Le pauvre, on n'a pas dit gna gna gna, il fait la gueule. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est une dédie à... Eh bah, fais-la, ta dédie, arrête de me prendre la tête, là. Bon, bah, je passe ma dédie à Mélissa qui m'écoute. Eh bah, voilà, qu'est-ce que tu me prends la tête, là, gamin, va. Jean-Jacques Dulac. Ouais, on peut prendre rendez-vous pour que tu m'essuies. Jean-Jacques Dulac. Oui. Tu te crois où, là, exactement? T'as cru que t'étais où? Bah, moi, pour me soigner. T'es où exactement, là? Je sais pas. Non, là, quand tu parles, t'es avec qui? T'es où? Explique-toi un peu. Je suis avec le médecin à l'hôpital. D'accord. Parce que je vais pas bien, mentalement. D'accord. Et voilà, parce que j'ai chié sur l'onde. D'accord, bah écoute, on va appeler une aide-soignante. Le fou! Ouais, je peux passer une petite dédie. Calme-toi. J'ai rien dit. D'accord, vas-y, fais ta dédie, mais vite. Merci. Alors, petite dédie à Emma Massoumise, Bambino, Agathe. Et Vanessa. Super, Aurélien, le retour. Tu peux faire un générique de fin, s'il te plaît? Ah ouais, calme-toi. Est-ce que c'est la fin, là? Ben non, mais... Alors ferme ta gueule, Brian. Ouais, je peux faire le générique. Ouais, mais t'as pas autre chose à dire que de me demander le générique? Si. Vas-y, dis-moi un truc. Je vais faire une dédicace. Vas-y. La dédicace à Stéphane et Eman. Ok, d'accord. La chiasse, le retour. Ouais, Polo, non, bah, c'est tout. Hein. Moi, je voulais juste te dire que moi, ça m'avait fait plaisir de chier dans le chiotte, parce que bon, quand j'entends les mecs qui parlent, ils ont aucun respect, moi je vois pas pourquoi je devrais en avoir pour le chiotte, quoi. Mais t'as raison, la chiasse. La chiasse, bah voilà. C'est fait pour ça, tu dois être chié. Voilà, quitte à chier, autant défoncer le chiotte, en mettre partout et que tout le monde puisse profiter de mon passage. C'est vrai, t'as raison. Et ça fait du bien, tu sais, quand la chiasse. Ouais. Tu sais que t'as envie, quand c'est ce moment de solitude où t'as envie de chier, ça te fait mal au bide et que tu lâches tout, ouais. Là c'est bon. Bah, et là c'est comme c'est le Nirvana. J'ai envie de te dire, le moment, c'est le moment où t'as l'impression que le bouchon se décapite. C'est ça, et bon, c'est bien compris. Et que là, ça coule à flot entre tes fesses. Et bah c'est ça, c'est bon. On s'est compris. Sylvain, je t'écoute. Ouais, ben, Polo, pour te signaler, je suis pas un gamin, hein. Juste pour te signaler. Ah, Daniel, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, si j'ai l'impression, je te rappelle juste que j'ai la voix grave et que j'ai que 12 ans. Mais pourquoi tu fais le gamin comme ça? On en a rien à foutre. C'est pas un gamin. Bon, allez, casse-toi d'ici. On va terminer ce Polo contre le reste du monde avec Jean-Jacques Dulac. Conclusion, s'il te plaît. C'est moi qui termine. Conclusion. Conclusion. Quoi? Conclusion. Oh, qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Allez, dégage d'ici. Le fou, conclusion, s'il te plaît. C'est un générique. Ouais, Aurélien, conclusion. Je peux faire un générique, Dieu. Brian, conclusion. Tu m'as toujours pas dit si je peux voir le numéro de la mère Atof ou pas. Hey, Brian. Tu veux faire le générique ou pas? Ouais. Alors reste là. La chiasse, conclusion, s'il te plaît. Bah, je voulais juste te souhaiter bonne merde et dire à Brian que je lui chie à la gueule. Ok, merci, la chiasse. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à eux tous les soirs je... Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Allez, hop là, 23-29. Putain, on est bon, là. Il y a le top 8 aussi qu'on va faire, là, avec l'auditeur qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission. Et avant ça, on appelle le gagnant ou la gagnante pour les maillots de football. On y va. Allez, si ça décroche et que la réponse est bonne, c'est gagné. Maillot de football de l'équipe de son choix. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir, comment tu t'appelles? Ouais. Ah, Michel. Ah, tu t'appelles Michel? Non, tu t'appelles Michel? C'est bien, ça fera trois fois que je tombe sur un Michel. Hey! Hey! Ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, Michel, t'es dans quelle ville? T'as quel âge? Ah, je suis à Liège, j'ai 46 ans. Ah, eh ben très bien, ça m'étonne pas, tiens. Eh, dis, écoute, dis. Bon, hein. Alors, attention, on y va. Quel est le surnom que l'on donne aux joueurs, enfin, l'équipe nationale belge? Les Diables Rouges. Les Diables Rouges, oui. Eh ben voilà. Bon, alors, Michel de Liège, tu veux repartir avec quel maillot de quelle équipe? la Belgique. Ah, des Diables Rouges, évidemment. Alors, comme je l'ai dit hier, enfin comme je le dis à tous ceux qui passent d'ailleurs, bon, sauf si vous choisissez un pays qui est déjà éliminé du mondial, mais là en l'occurrence, si vous choisissez la Belgique, le Brésil, la France, évidemment, le Costa Rica, pourquoi pas, et tous les autres, on attend encore avant de vous les envoyer, des fois que, si la Belgique, on l'espère, gagne la Coupe du Monde ou la France, ouais. On va attendre de savoir si on met la deuxième petite toile pour la France ou la première pour la Belgique, hein, histoire vrai. Que t'es pas un maillot périmé, évidemment. Donc on attend la fin du mondial pour les envoyer, d'accord ? Ok, super. Et ben voilà, ben bravo Michel. Merci beaucoup. Salut Michel. Salut, bonne nuit. Ciao. Bah merci, t'inquiète, on va la passer, elle va être bonne la nuit là. Qu'est-ce qu'il dit ? Salut à toi, qu'est-ce qu'il dit ? Salut Michel, ciao à toi, bye bye. Bon, top tweetos maintenant là. Quel est le gagnant du top tweetos qui a le plus tweeté ce soir avec le hashtag M-I-K-L sur M-I-K-L 20h minuit sur Fun. Bon, on y va ? Oui. Numéro 5. Stéphanini. Numéro 4. Mr. Steven. Numéro 3. Nadia Le Prince. Numéro 2. Virginie 66. Numéro 1. Le Bosniakov. Le Bosniakov qui est de retour en force. Non, oui. Eh, pas mal. Bon, ben, le numéro 1 qui est le Bosniakov et qui a déjà gagné, ben, ne repartira pas lui avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. On va aller voir évidemment ceux qui n'ont pas encore gagné et qui sont bien classés dans le classement. Bon, minuit 2 sur Fun Radio. Vous êtes prêts pour le générique de fin là, Aurélien, Le Fou, ouais, et Brian? Ouais, depuis de ma gueule. Ah ouais. Je présente les planchettes, bâtard. Ouais, c'est nouveau. Allez, c'est parti. Polo. Ta gueule de merde, toi, l'enculé. Polo, il est un enculé. Merde, toi l'enculé. C'est toi qui occupe ton mot de théâtre, l'enculé. Tu ne t'en prends pas de boulot, l'enculé. Envie de te faire enculer. Ta mère a envie de te faire enculer. Polo, suce ma bite, sale bâtard. Ah oui, venez m'éclater le boule. Ouais, je vous attends. Oh, Polo, vas-y, s'il te plaît. T'as mon numéro, envoie-moi le numéro de la mère à toi. Que veux-tu? Polo, viens me sucer. Peut-être en m'envoyer avec un gros que je viens me secouer. T'as l'enculé. Polo, t'as l'enculé. T'as l'enculé. Ferme ta gueule de merde, t'as l'enculé. Tu bouffes des pitofs, te sucer toi, l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. J'ai juste envie de te faire enculer. Oui, on est des enculés, c'est vrai. Polo. Six semaines. Raccroche pas. Polo. Bon, allez, on t'écoute les relous là, allez, hop là, et voilà, tout le monde est parti là, hop là, on est tranquille maintenant, c'est plié cette affaire. Non mais je vous jure, échappé de l'Asie, je crois. Je vous jure, les mecs sont complètement à l'arrache, c'est dingue ça. Bon ben retour demain pour la dernière de la semaine déjà, putain c'est passé vite. Oh déjà. Bah ouais, 20h minuit, on sera là demain, prévenez vos potes s'ils sont pas encore au courant, on a changé l'horaire pendant l'été. 20h minuit, demain on sera là en direct sur Fun Radio avec encore évidemment des maillots de foot à vous offrir, encore des tablettes, les Asus, les Mimopad 10 qu'on aura encore à vous offrir. Et puis bah bonne nuit à vous alors, hein. Bonne nuit, il va faire quoi Toff là? Je sais pas, je vais aller chercher mon Autolib et rentrer chez moi tel un chevalier blanc. Mais tu vas te branler? Ah bah oui. Ah bon d'accord, me voilà rassuré. Polo? Je vais manger je crois, j'ai ouais. un petit creux et je vais aller dormir avec Sandra. Très bien. Non c'est pas vrai. Donc du coup je pose pas la question à Sandra puisqu'on sait qu'elle va dormir avec Polo. Oh, non elle va dormir chacun, bah, voilà. On va dormir chacun de notre côté. Bon et ben c'est très bien. Bon bah passez une bonne nuit, on se retrouve demain 23h sur Fun. Merci d'avoir été là ce soir, on s'est bien marré. Et puis j'espère qu'on se marrera encore plus demain, mais je pense que oui. Allez, bonne nuit tout le monde. Mickaël, nos limites, 20h minuit. Sur Fun Radio.